Ah bah ça y est, enfin numéro 1 des clubs en Europe. C'était numéro 3 hier soir du Fun Club 40 en France. Donc 3ème des clubs en France, 4ème des clubs en Autriche. C'est numéro 3 également en Belgique et numéro 1 en Allemagne. Martin Garrix Animal, nouveau numéro 1 des clubs en Europe pour le Animal. 102 Avicii, Wake Me Up. Numéro 3 Robin Thicke, numéro 4 Daft Punk. Et numéro 5 Armin van Buuren pour le This Is What It Feels Like. On notera la seule entrée de la semaine, celle de Dave Daringo avec le Surrender dans le top 10 des clubs en Allemagne. Voilà, belle semaine à vous. Retour de l'Eurodance 25, bah, ça sera dimanche prochain sur Fun Radio. Et là, tout pile 20h, je laisse la place au mec qui a le plus de PV au monde. Oui, bah putain, oh là là. Mais comment t'expliquer que... Ah bah c'est un problème de stationnement. Oui c'est ça. Ouais mais bon c'est pas grave. Ça va bien se passer. Voilà, on va. T'as qu'à venir en Vélib. Oui c'est une idée, oui. J'y penserai. Bien. Bon, et ben oui bah merci. Et puis si tu veux je te les enverrai. Ah non j'en veux pas la collecte. Non c'est gentil. Ce qui paraît que t'as le bras long, tu peux les faire sauter alors. Ouais, moi je connais un mec qui s'appelle Bruno Guillon qui rembourse les factures. Mais pas mal. Bah je lui poserai la question, ouais. Voilà. Voir si c'est gérable. Je vais. Ouais. On va les glisser sous la porte. Ouais, il va rigoler. Ou pas. Ouais. Allez. Bah moi à la vie pas. Bon bah bon week-end, enfin bonne fin de week-end et puis rencard dimanche prochain. Exactement, bonne émission. Salut. Et puis bah nous c'est parti, on est ensemble jusqu'à minuit sur Fun Radio. 20h minuit. Mickaël. No limit sur Fun Radio. Exactement, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ah bah j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous retrouver là dimanche soir, 20h minuit. On est bien, on est ensemble. Ma voix est de retour, mais pour ceux qui étaient là jeudi, c'était très tendu à la fin de l'émission, là au niveau de la voix. Allez. Là ça a l'air d'aller. Je ne sais pas si ça va tenir sur la longueur, mais bon, en tout cas elle est là, donc voilà. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je te refais un truc sinon si tu veux. Non ça va, je vais carburer au thé citron là, ça devrait bien se passer là. Bon j'espère que vous avez passé un bon week-end là, qu'on vous a pas trop manqué justement tout au long du week-end, vendredi et samedi, puis même aujourd'hui. Bienvenue à tous les nouveaux également qui découvrent l'émission ce soir. Soyez les bienvenus. Moi c'est Mickaël. Vous êtes évidemment les bienvenus jusqu'à minuit. Et ce soir vous pouvez gagner comme la semaine dernière. Alors la semaine dernière on vous a offert GTA 5 le jeu. Cette semaine on va vous offrir GTA 5 avec le pack PlayStation 3. Donc on vous offre la console et le jeu qui va bien. Et en plus de ça, la bonne nouvelle c'est que je les ai reçus. Voilà. Vous allez vous dire c'est quoi? Eh bien les nouveaux iPhones. Voilà, ouais. On a fait une photo sur Facebook. Oui. Ouais, enfin, c'est-à-dire que j'ai eu un bleu et un rose. Donc allez voir à quoi ils ressemblent, allez voir si vous voulez les choper sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mickaël officiel. Les tout nouveaux sont là et vous êtes déjà en chien dessus, hein. J'en ai pas encore parlé que déjà ça cartonne sur le Facebook. Donc allez voir, dites-nous ce que vous en pensez, facebook.com/mickaël officiel. Voilà. L'émission s'appelle Mickaël No Limit. On est ensemble jusqu'à minuit le dimanche évidemment. Et puis tous les soirs de la semaine, lundi, mardi, mercredi et jeudi, 23h, 2h. Et puis si vous voulez passer à l'antenne, eh bien il suffit de faire le 01 42 48 5000, c'est le numéro du standard. Et pour la Belgique, 02 851 4x0, comme par exemple où est-ce qu'il est? C'est Pierre qui est avec nous. Bonsoir Pierre. Ouais, c'est Mickaël. Ouais, comment ça va Pierre? Bah écoute, j'ai un peu de trac, mais ça va et toi? Bah t'as le trac, pourquoi? Bah parce qu'en fait je vais aborder un sujet un peu délicat, ouais. Un peu délicat, d'accord. Bah déjà concentre-toi, on va en parler dans un instant. T'as passé un bon week-end toi? Oh bah écoute, superbe avec le soleil, ouais. Ah ouais bah c'est ça, mais t'es dans quelle ville toi? T'es... Ah oui, Clermont-Ferrand, oui, parce que dans le nord on a beaucoup moins bien vécu le soleil. Hein. Comment te dire que il a pas fait dégueulasse, il a fait au-delà de dégueulasse. Bon, enfin bon. Bon donc du coup on va parler avec toi ce soir, avec vous aussi d'ailleurs, hein, si vous voulez prendre la parole, si vous voulez prendre le contrôle comme Pierre par exemple, n'hésitez pas, vous appelez maintenant le 01 42 48 5000 ou le 02 851 4x0. Sandro, vous attend donc au standard, passe un bon week-end Sandro. Ouais très bien. Ouais tant mieux. Ça va, non? Elle s'est faite de son nouveau ordinateur? Pas encore, non. Je comprends rien. De cours particulier. Oui, ah bah très bien. Bah, si vous voulez donner un cours particulier à Sandro, elle a un nouvel ordinateur avec une pomme, elle comprend rien. Donc bon, venez lui filer un coup de main. Voilà. Toff et Polo également ont passé leur week-end ensemble à faire des tours en périph à mobilette apparemment. Avec le casque évidemment, non, bien là. Sûr. Et Polo, donc évidemment, jouait du pipeau par. Debout, c'est par derrière. Voilà, donc toi, arrête de parler pendant que Polo joue du pipeau. Bien sûr, je peux pas parler. Je salue Nina, une serveuse du Chai 33. Non mais attends. Mais t'es sérieux avec ça là, l'autre qui fait ses dédicaces personnelles? Non, parce que je me suis pris pour un beau gosse, la fille elle me regardait. Il y a qu'un seul beau gosse et c'est pas toi. Voilà. Alors attention. Et... Et donc, elle m'a regardé, je lui dis, ça y est, je vais pécho et tout. Et ben non, elle m'a dit, vous faites pas de la radio, vous faites pas de la radio. Je dis oui, puis en fait, non, elle en avait rien. Et puis ça sert, bah ouais, mais ça, je t'avais dit que voilà, ça servait à rien, là. Enfin bon. Ça fait deux fois le râteau avec cette deux technique. Deux fois, ouais. Deux fois en faisant le malin, en disant, je travaillais la radio, deux fois qu'il est recalé. Je vais y arriver. T'as pas des conseils, Pierre, de drague, toi, éventuellement, file Apollo, parce qu'il est en chien, là. Non, il est pas en chien. En fait, conseil de drague, restez naturel, le plus simple. Ouais, mais vaut mieux pas. Bon. mieux vaut pas. Bon, bah Pierre, on va s'écouter du son aussi ce soir, là. Dis-moi s'il y a un titre que t'aimes bien. Me tenez avec Snow White. T'aimes bien ou pas? Non. Non, alors Maniel avec Just Another Night avec Floor Fila. Ça passe encore, d'accord. C'est pas difficile. Non, garçon. Pas du tout. Ou alors j'ai Britney Spears de nouveau avec Work Beach. Quitte à choisir Floor Fila alors. Floor Fila, bah d'accord, ok, très bien. Bon, on l'écoutera dans moins d'une demi-heure sur Fun Radio. Donc reste avec nous, Pierre, ne bouge pas de là. Et puis je vous rappelle également d'ailleurs que si vous voulez choper donc les cadeaux ce soir et cette semaine, j'ai des lecteurs DVD à vous offrir. Wow. J'ai les packs, attention, les packs PS3. Ce sera PS3 et GTA 5. C'est dans la colle qu'on va vous poser dans quelques instants sur Fun Radio. Et puis je rappelle également qu'il y a bien entendu les iPhone 5C à aller voir sur le Facebook de l'émission maintenant, facebook.com/michaelofficiel. Et si vous voulez devenir également le top tweetos du jour, il n'y a qu'une seule solution, direction le Twitter de l'émission. Vous mettez le hashtag MIKL et vous mettez un maximum de messages avec le hashtag MIKL tout au long de l'émission. On élira donc à la fin de l'émission l'auditeur le plus influent sur le Twitter de l'émission, l'auditeur, le meilleur auditeur de la soirée. Dans l'absolu, c'est un petit peu ça le concept. Voilà, donc hashtag MIKL sur le Twitter. Surtout, n'hésitez pas. Bon, Pierre, on parle de quoi dans un petit instant avec toi avant de parler également de la colle, Pierre? Bah, de voyance. De voyance, alors, c'est-à-dire? Bah, en fait, voilà, je suis médium et je voudrais tester mes capacités sur des auditeurs ou sur vous, pourquoi pas. Tu es médium. Très bien. Tu vois dans les boules, là? Ouais, c'est ça, tu vois dans quelle boule? Dans une boule, ouais, ou dans plusieurs boules? Comment? Tu vois dans une boule ou dans plusieurs boules? Aucune en fait. Dans aucune, d'accord, ok, bah écoute, comme ça au moins ça le mérite d'être clair. Dans son boule en fait. Oui, en plus, peut-être aussi, effectivement. Bon, dites-nous d'ailleurs, tu vois, tu crois en la voyance, toi, évidemment, Sandro? Non, ça dépend de qui. Comment ça, ça dépend? Ça dépend des jours. En fait, j'y crois pas, mais j'ai été bluffée étant plus jeune parce qu'on m'a fait ma voyance en fait et tout s'est passé et se passe en fait. D'accord. Donc, mais bon, je suis bluffée. Mais elle y croit pas. Bon, bah dites-nous d'ailleurs vous si vous avez déjà fait des séances de voyance justement, tiens, voyance, marabout et tout le bazar là, on en parle ce soir et puis il y a Pierre qui va essayer de nous faire un petit peu de voyance ce soir. Oh bah je propose qu'on commence par Toff. Avec, et moi je veux hein, parce que toi aussi tu veux de la voyance. Je veux de la voyance. Parfait. Bon bah on va tous y passer. On va tous y passer ce soir. Il y a Sarah qui est avec nous également pour la colle là. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Comment ça va? Très bien et vous? T'as déjà fait de la voyance toi? Non. Jamais? Tu y crois un peu ou pas du tout? Pas du tout. Bon bah très bien. Bon, on va en faire un peu sur toi aussi Sarah, tiens. Ne bouge pas de là, voilà. Et puis on va se faire également la colle. On va se faire la colle ce soir Sarah, tu vas peut-être repartir. Alors, soit avec rien. Ça c'est si tu perds. Soit avec le pack PS3 qu'on vous offre toute la semaine dans la colle. Le pack avec la PlayStation 3 Ultra Slim bien évidemment, dernier modèle. Et en plus GTA 5, le jeu qui cartonne depuis la semaine dernière et qu'on était les premiers à vous offrir lundi dernier. Bon, alors Sarah, quelle est la colle de ce soir? Alors la colle de ce soir c'est pour me respecter. Oui. Et pour me donner. Pour me donner, il faut m'avoir. Qui suis-je? Alors, pour me... Attends, c'est quoi? La colle de ce soir, pour me respecter, il faut me donner. Pour me donner, il faut m'avoir, c'est ça? Oui. Qui suis-je? Bon, si vous avez la bonne réponse et que vous voulez repartir aussi avec votre pack PlayStation 3 plus GTA 5, il faut avoir la bonne réponse à cette question, la colle de Sarah. Pour me respecter, il faut me donner. Pour me donner, il faut m'avoir. Qui suis-je? Vous envoyez M-I-K-L, les 4 lettres, espace la réponse. Vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique si vous voulez repartir avec votre PS3 et le jeu GTA 5 qu'on vous offre toute la semaine. Je répète, Sarah, pour me respecter, il faut me donner. Pour me donner, il faut m'avoir. Qui suis-je? C'est bien ça? Oui. Bon, eh ben bonne chance, Sarah. Hein. Si quelqu'un trouve la bonne réponse, tu perds. Si personne trouve la bonne réponse, tu gagnes. C'est aussi simple D'accord. que ça. D'accord? D'accord. Ah bah voilà. Bon bah à tout de suite Sarah. À tout de suite. Allez, bah bonne chance pour les autres. Hein. Vous savez comment ça marche. Vous envoyez M-I-K-L, les 4 lettres en un mot, sinon ça marche pas. M-I-K-L espace la réponse. Donc pour me respecter, il faut me donner. Pour me donner, il faut m'avoir. Qui suis-je? Vous envoyez ça au 64-900 par SMS ou au 63-22 pour la Belgique. Voilà, en toute simplicité. Dans un instant, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, juste après le son de Motonheads, eh bien, il y aura la Pip School. Qu'est-ce que la Pip School? Eh bien, c'est Toff qui a eu l'occasion la semaine dernière de se rendre compte qu'en Suède... Non, attends, je mélange tout là. C'est en Russie. C'est en Russie, voilà exactement. La Suède, c'est autre chose. Ouais, ouais. Il y avait des écoles pour apprendre aux femmes à faire de bonnes fellations. Donc, il s'est proposé justement d'appeler afin d'aider les gens à faire de bonnes fellations. Donc, la Pip School. Exactement. Voilà. Donc, on fait ça en dans plus, un. Je fais ça pour un prix modique. Mais évidemment, évidemment. Donc, on fait ça dans quelques instants sur Fun Radio. On accueille également Lucas qui est avec nous. Tiens, salut Lucas, comment ça va? Salut. Comment ça va? Ça va. Bon, bah, très bien. Bienvenue à toi, Lucas. Tu fais un peu de voyance, toi, ou pas? Non, pas du tout. T'y crois? Non. D'accord. Bon, on parle de quoi dans un instant avec toi, Lucas? C'est que moi, j'ai une oreille plus grosse que l'autre, je trouve, et Non, c'est pas drôle, arrêtez un peu. Arrêtez. Non, c'est pas drôle. Ce n'est pas drôle. C'est pas bien. Nous, on a bien un sein plus gros que l'autre. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais ça dérange moins les mecs, j'ai pas remarqué. Ouais. Bon, entre nous pour voir. Ouais. De toucher là pour voir, mais j'ai pas remarqué. Je pense moi. Que t'as besoin d'un avis extérieur. Oui, c'est ça, il faut voir extérieurement pour voir. Bon, mais Pedro, on en parle dans un instant. Dites-nous aussi, tiens, si vous avez des défauts physiques, genre effectivement comme Lucas là, une oreille plus grande que l'autre, un pied plus grand que l'autre, un bras, j'en sais rien, quelque chose qui vous dérange. Je peux participer ou pas? Oui, t'inquiète pas, il y a beaucoup de choses à dire avec toi. Donc si vous avez envie de nous parler ce soir, venez prendre le contrôle. Donc 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Je vous souhaite la bienvenue dans un instant, comme promis. Le son de Motonez. Motonez avec Snow White sur Fun Radio. Tous les dimanches soirs, on est en direct avec vos toutes et vos tous sur Fun, 20h minuit en direct sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900 sur Fun Radio. Quand le dimanche soir, 20h minuit. Mickaël No Limit. Sur Fun Radio. Fun Radio. Il se passe enfin quelque chose sur Fun Radio tous les soirs et à la radio en règle générale tous les dimanches 20h minuit sur Fun Radio. Vous venez, vous parlez avec nous, vous faites comme Lucas qui est là avec qui on va parler dans un instant. Il a des oreilles, une oreille plus grande que l'autre. C'est ça Lucas? Ouais, c'est ça. Bon, on en parle dans un instant. Il y a Pierre qui veut faire un petit peu de voyance aussi là, qui pense qu'il a des dons. Il va tester ça sur nous et sur vous aussi si vous voulez tester. C'est bien ça aussi Pierre? Oui, oui, c'est ça. Bon, bah bouge pas de là. Et puis Sarah avec la colle, hein, je vous rappelle qu'il y a toujours la PS3 avec le jeu GTA 5, le pack complet qu'on vous offre ce soir. Pour gagner ça, c'est facile. Vous envoyez simplement maintenant et Mickaël espace la réponse au 64 900. La réponse à quoi? Bah, à la colle que je vais vous répéter maintenant, la colle de Sarah. Pour me respecter, il faut me donner. Pour me donner, il faut m'avoir. Qui suis-je? Vous avez la bonne réponse. Vous envoyez et Mickaël et la réponse au 64 900 pour gagner votre pack PS3 Ultra Slim. Plus le jeu GTA 5. Pour me respecter, il faut me donner. Pour me donner, il faut m'avoir, qui suis-je? Je vous souhaite bonne chance. Allez, c'est parti, Mickaël No Limit maintenant avec le son de Motonet. C'est Snow White sur Fun Radio. Shadows in my heart. C'est Fun Radio avec Motonet à l'instant et Snow White. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Et puis restez là aussi, hein. Tout à l'heure, je vous cale aussi le son de Manian avec Floor Fryla. Just Another Night. Ouais, c'est ce que Pierre avait proposé tout à l'heure aussi. Là, Sarah, ça te convient toi cette chanson là, Floor Fryla et Manian? Ouais. Ça va, t'es sûr? Ouais. Bah, si tu préfères autre chose, tu me dis Britney Spears peut-être? Non, non. Non, non, d'accord. Ou Avicii, Wake Me Up? Ouais. Ah, ou Backer Matt? Ouais. Ou alors Basto? Non, non. Ou alors Fédé Legrand? Hein? Bon, qu'est-ce que tu préfères en tout ça? Avicii. Avicii. Bon bah je vais te le mettre Avicii, Sarah tout à l'heure là. Reste bien à l'écoute de Fun, il passera tout à l'heure. Pour toi, t'inquiète pas Sarah. Bon, alors je vous rappelle également que ce soir on est toujours en plein milieu de la colle là, avec Sarah qui est de retour là. T'es toujours là Sarah? Ouais. Parfait. Ah non, merde, pas toi Sarah, l'autre. Sarah, donc pas Sarah d'Angers là, hein. On va te reprendre dans un instant, Sarah, bouge pas de là. Mais Sarah par contre de Lorraine. Toujours là Sarah? Oui. Parfait, Sarah donc avec la colle de ce soir. Et donc la colle qui va vous permettre de repartir avec votre PlayStation 3, le pack PS3 plus le jeu GTA 5 qu'on a été les premiers à vous offrir la semaine dernière. Alors attention, répète la colle s'il te plaît Sarah. Pour me respecter, il faut me donner. Oui. Pour me donner, il faut m'avoir. Oui. Qui suis-je? Non, je répète, pour me respecter, il faut me donner. Pour me donner, il faut m'avoir. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer maintenant. Vous envoyez M-I-K-L, espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Il n'y a pas de problème, vous pouvez jouer évidemment. Donc M-I-K-L est la réponse au 63 22 ou pour la Belgique et au 64 900 pour la France. Alors, il y a... qu'est-ce qu'il y a, on proposait le respect. Non. Non, il y a Enzo qui proposait un God. Non. Non, Noé qui proposait la réponse à la colle, c'est la parole. Non. L'amour? Non. La confiance? Non. La politesse? Non. Une clope? Non. La liberté? Non. Et Basile qui repropose encore l'amour. Bah non, non, non, Basile. Non, bah non, c'est pas ça, on l'a déjà dit. La sagesse. Non. Non plus. Bon, bah très bien. Bah, si vous avez la bonne réponse, là, si vous avez la bonne, c'est mieux, évidemment. Vous n'hésitez pas, vous vous inscrivez dès maintenant, évidemment. Vous balancez votre message tout de suite par SMS. Donc, vous avez débuté par MIKL, puis vous mettez votre message au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Donc, pour me respecter, il faut me donner. Pour me donner, il faut m'avoir. Qui suis-je? La réponse, c'est avant 22h sur Fun Radio. Donc, restez bien là. Sarah, tu restes avec nous, tu ne bouges pas de là? Ouais, d'accord. Parfait. Et donc, en attendant, on va donc récupérer évidemment l'autre Sarah qui voulait réagir. Alors, tu voulais réagir à quoi, à Lucas, par rapport à son oreille qui est travers là, ou par rapport à Pierre et le médium? Non, par Lucas. Par rapport à Lucas, d'accord, ok, très bien. On en avait parlé brièvement là, avant la pub. Lucas qui nous avait appelé. Alors, Lucas, rentre peut-être plus dans le détail. Tu nous avais parlé de ton oreille qui était problématique, c'est ça? Ouais, j'ai l'oreille gauche un peu décalée par rapport à la droite. Mais décalée, c'est-à-dire elle est plus grande, elle est devant, elle recule, elle c'est est quoi? Plus grosse, bah elle est plus grosse et un peu plus devant. Ah ouais, d'accord. Moi aussi, hein, j'ai une couille qui est plus grande que l'autre. Ouais, mais c'est vrai. C'est pareil, c'est comme son oreille, ça se voit pas, quoi. Tu sais, tu regardes jamais les deux oreilles en même temps. C'est pas faux. Bah ouais, mais bon, ça se remarque un peu des fois. Ouais, mais bon, allez, voilà. Tu te laisses pousser les cheveux à la Kurt Cobain, tu verras plus rien. C'est vrai. Non, mais tu restes tranquille, les cheveux comme des tu sais, bien longs, quoi, tranquille. Et puis on a tous des défauts. Et non. Non, je vois pas de quoi tu parles. Non, moi je suis. Il est gonflé, sa tête est difforme. Exactement, attends, on va le remettre. Allez, après un coup de lance-flamme, il sera non déformé, là. Ouais, on va le remettre d'équerre. Alors il y a beaucoup de travail. Par contre, je pense qu'on en aura pas assez jusqu'à minuit, à mon avis, et c'est bien dommage. Par contre, ça m'étonne que Polo n'ait repéré que difforme dans mon. Ouais, c'est ça, t'inquiète pas, il y en a beaucoup plus, là. Une belle vanne en plus, effectivement. C'est vrai. Bon, donc du coup, Lucas, toi, c'est juste un problème d'oreille. Bon, en même temps, peut-être que ça va encore changer, là, t'as 12 piges seulement. Ouais, j'ai que 12 piges. Bah, peut-être. T'auras bientôt, tu en auras une avec laquelle tu pourras voler. Ouais, bah peut-être, ouais. Et toi, Sarah, c'est quoi ton problème à Angers? Moi, j'ai une jambe plus haute que l'autre. Ah ouais, ça par contre, c'est plus emmerdant. Ouais. Mais genre plus haute, c'est-à-dire genre 10 cm ou un demi centimètre? Non, un tout petit peu. Mais genre, enfin, tu peux marcher, t'as pas de problème à cause de ça? Ah oui. Non, mais parce que tu sais, parfois t'as des gens, effectivement, il y a une jambe qui a pas poussé plus vite que l'autre, ou qui a poussé plus vite que l'autre, du coup c'est une catastrophe, et là c'est bien la merde. Qu'est-ce qu'il y a comme défaut aussi, défaut physique? Oh, il y a ceux qui ont un gros nez, tu sais, ou ceux qui ont une espèce de boule sur le nez, ou ceux qu'on voit, tu sais, qui ont la pomme d'Adam, là, l'espèce de truc, la boule, là. La boule qui est en dessous au niveau de la gorge. C'est ça, la pomme d'Adam. La pomme d'Adam, ouais, ça aussi ça peut être un défaut. Il y en a qui ont 4 tétons. 4 tétons, c'est peut-être déjà un peu moins régulier quand même, hein. Si, ça arrive beaucoup. Il y a Toff qui a pas de menton. Ouais. Voilà, aussi, accessoirement. Et sinon, l'inconvénient de Sarah, c'est comme elle est une jambe plus courte que l'autre, c'est qu'elle tourne en rond, quoi. Très drôle. Oh, vite fait. Alors, écoute, c'est dimanche soir, il a fait une vanne, Sarah. Mais ça va, quand c'est pas de beaucoup, la jambe, tu peux mettre un truc talon dans ta chaussure. Enfin, pas un talon, mais une semelle ou un truc comme ça. Une semelle, ouais. C'est ce que tu fais, du coup, Sarah? Ouais. D'accord, ok. Mais c'est venu comment? C'est problème de naissance ou... Ouais. Non, j'avais une jambe plus courte, alors j'ai scié un morceau, hein, parce que... Tu rigoles, mais c'est les Chinoises, elles font ça pour gagner, pour devenir plus grande. Et quoi, elles se coupent Ouais, elles se font scier en fait un os. Ah oui. Je sais plus si c'est dans la cuisse ou le tibia, dans c'est le tibia. C'est dans le tibia, elles se font scier le tibia et donc en fait ils mettent. En fait, c'est pas que les Chinois, c'est toutes. Ah ouais. Ouais. Vas-y. Ouais, donc ils mettent une espèce de broche pour que l'os se reconstitue et que les deux se retouchent, quoi. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, c'est original. T'aurais dû essayer, Sandro. Ouais, ça va. Oui, ça va. Je vais te dire quelque chose, je préfère toi par rapport à Karel, parce que Karel, il m'énerve des fois. Oh, bah Sarah, c'est pas gentil, pourquoi tu dis ça? Il est très gentil, Karel. On parlait de ta jambe. Mais oui, on parlait de ta jambe, en plus. Non mais c'est gentil, je l'embrasserai pour toi, Sarah. Voilà, donc, avec plaisir. Ouais, alors, est-ce que sur le trottoir, en fait, t'es obligé de marcher, de mettre un pied en dessous sur la rue, et l'autre pied sur le trottoir? C'est ça? Hein? Est-ce que t'es obligé, quand tu marches, de mettre un pied sur la rue et un pied sur le trottoir? Non. Ah, quand même pas, n'abusons pas. Bon, très bien. Ça va, c'est rien. Bon, dites-nous les autres si vous avez aussi quelques défauts physiques comme ça. Alors, on en parle ce soir sur Fun Radio. On va parler aussi de la voyance avec Pierre dans un instant. Lucas, mais il y a des gens qui se foutent de ta gueule à cause de ça ou pas spécialement? Bah, là, je suis au collège, donc non, mais en primaire, ouais, on se foutait de ma gueule. Ouais, mais bon, maintenant, t'es devenu un caïd, Lucas, là. Tout le monde a peur de toi. Nickel. Ouais, Sarah. C'est arrivé comment à Lucas, ses oreilles? Je sais pas, c'est à mon avis un problème de naissance, hein, Lucas. Ah bah je suis née comme ça. Ah ouais, bah ouais, j'imagine, ouais. Bah mais écoute, pourquoi tu mets pas un petit morceau de scotch, tu sais, des deux côtés, tu le mets comme ça, hop, tu colles l'oreille. Mais non, mais le problème c'est qu'elle est plus grande, c'est pas qu'elle est décollée. Ah. Enfin, c'est ça, hein, Lucas, elle est plus grande ou elle est décollée? Bah la gauche elle est plus grande et elle est plus décollée, elle ressort plus. Ah d'accord, mais ok. Pour ceux qui ont les deux oreilles décollées, tu te fais un piercing de chaque oreille, tu mets un élastique. Ah ouais, ouais. C'est comme les lunettes. Voici le conseil de merde. Le conseil con de Sandro. Tu le fais passer ouais, par derrière. Non, je pourrais pas ça. Non, là tu pourras pas, mais c'est normal. Mais en même temps, faut pas suivre les conseils. Hein. Tu sais que t'as des petites opérations à la con hein, pour les recoller. Hein. T'emmerdes pas. Ouais, vous emmerdez pas. Un piercing, un élastique, c'est réglé. Ouais, ouais, mais vous emmerdez pas avec ça. C'est pas la peine. Regarde le prince Charles, il le vit bien. Ouais, ouais, oui, oui, oui c'est vrai qu'il peut. Mais c'est un prince. Mais c'est un prince en même temps. En même temps, il aurait le moyen de faire les réparations, mais bon. Bon, ben Lucas, reste avec nous. Si vous avez vous aussi des petits problèmes techniques comme ça, des petits problèmes physiques. Venez nous en parler, prenez le contrôle 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Et avant de reparler aussi de la voyance avec Pierre, eh bien la semaine dernière, bah, c'est Tof qui avait appelé en Corse là pour faire la promotion de la Pip School. Alors on avait eu l'idée parce qu'en fait en Russie les femmes peuvent suivre des cours pour apprendre à faire de bonnes fellations. Du coup, bah, Tof a voulu se lancer en France. Bah ouais, je me dis, tant qu'à voilà. faire, exportons. Exactement, il a voulu tenter et j'ai envie de dire pourquoi pas. Bah oui. Au final, bon c'est parti. Écoutez ça pour ceux qui n'étaient pas la semaine dernière, bah vous avez raté des trucs évidemment. Hein. C'était entre 23h et 2h du mat, du lundi au jeudi. On écoute ça tout de suite. C'est parti. Premier appel maintenant. C'était en Corse et on a eu très peur tous. Vive la Corse. Vive le pays libre. Oui allô. Oui bonsoir madame. Allô. Oui bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais pour savoir si votre mari était satisfait des pipes que vous lui faites. Mais espèce de gros bâtard, ça t'amuse d'appeler à cette heure-ci ? Bah enfin, madame, faut pas le prendre sur ce ton-là. Moi, je vous appelle pour vous rendre service. Bah, ferme ta gueule, gros bâtard. Mais enfin, madame... Alors, mon mari est satisfait de ce que je lui fais, ça te plaît ou non, j'en ai rien à branler, gros bâtard. Eh, fils de pute. Eh, gros enculé, t'es mort. Bah, excusez-moi, monsieur, mais est-ce que vous êtes vraiment satisfait de ce qu'elle vous fait avec sa bouche ? Eh, ta mère, elle est satisfaite, fils de pute, de mourir. Mais je vois pas le rapport, monsieur. Non, moi je veux un rapport que je t'enculte ta grosse mère, bâtard. Ah, tu t'enculte ta race. Mais non, monsieur, enfin... Écoute-moi, espèce de branleur, t'es pas content, tu viens sur Lens. Tu veux que je donne mon adresse, tu viens, c'est tout de suite, je t'enculte ta mère. Mais en fait, non, mais je ne fais que les cours de fellation, monsieur, parce que moi je... Ouais, je, tu vas faire le cours de ta grand-mère, fils de pute, parce que je t'ai enculé, moi. Non, mais en fait, voilà, moi j'ai monté la Pip School, monsieur, et je n'apprends qu'à faire des ouais. pipes. Toi, fils de pute d'enculé de ta grand-mère, t'as vu ton numéro, moi, il a été inscrit chez moi. Je te promets, je te dis tout de suite, je m'en vais porter bête sur ta gueule. Mais je vois pas l'intérêt, monsieur. Moi, tu vois pas l'intérêt, je vais t'enculer ta mère, fils de pute. Grande classe, hein. Moi, je t'appelle pour mon service. Vas-y, rigole bien, espèce d'enculé de ta grand-mère. T'es franc de loin derrière le téléphone. Viens. Mais monsieur, moi, je veux bien venir, mais je ne viens que pour donner des cours à votre femme pour qu'elle monsieur, vous fasse... Monsieur, je vais t'enculer ta mère, fils de pute, vas-y. On arrête, peut venir à arrête, deux. Vas-y, va baiser ta grosse mère. On peut venir je à deux. Je vais fils de pute. Bon. On peut venir à deux. Oui, je me suis trompé, on était pas en Corse, on était à Lens. Autant oui. pour moi, c'est la Corse, c'est tout à l'heure. Les Corses, c'est plus tard. Vous avez remarqué quand même que le mec était quand même... je n'ai jamais entendu un appel qui dure à peu près une minute et demie, avec autant de grossièreté les unes après les autres. Mais c'est dément. Non, mais c'est assez surréaliste. Alors du coup, on l'avait appelé, je m'étais amusé avec mon stock d'insultes. Alors je vais, grâce à lui, j'en avoir un paquet en plus hein, de stock. Et donc du coup, bah, en fait, le mec, il a quand même mis une minute avant de se rendre compte qu'on se foutait de sa gueule. Alors écoutez, on l'avait rappelé juste après. Ouais. Nique ta mère. Va te faire enculer, salope. Tu peux aller faire foutre, tu le demanderas à Valentin. Quoi? Tu me dégoûtes. Et quoi? Tu te mets dans le cul, c'est bon maintenant? Oh, mon petite pute. Tu me dégoûtes. T'es qui, va toi? Va te faire enculer au PD, va. Vas-y, va baiser ta race. Je dis ça, mais t'es, là. Je pensais pas vraiment. Ouais, bah attends. Vas-y, t'es qui, toi, déjà? Nique ta mère. T'es qui, toi, déjà, là? Tu peux aller faire foutre, tu le demanderas à Valentin. Quel Valentin? À te faire enculer au PD, va. Et qu'est-ce que tu fais, toi, espèce de branleur? Connard, c'est qui, là? C'est qui, la bande de bouffons? À te faire enculer au PD, va. Branleur, va. Connard, espèce de tarlouse. Vous êtes franc derrière téléphone, venez, là, en face. Tu te mets dans le cul, c'est bon, maintenant? Ouais, toi, je vais te mettre quelque chose dans le cul, tu vas voir, salope. Connard, va. Bon, t'es qui, là? Tu peux aller te faire foutre, tu le demanderas à Valentin. Lequel de Valentin, espèce de tarlouse? Non, mais calme-toi. Bande de pédale, va. Tu peux aller te faire foutre? Ouais, si tu veux. T'es qui, toi, déjà, espèce de poufias? Suce ma bite. Ah ouais, t'en as, c'est bien. Tu peux aller te faire foutre, tu le demanderas à Valentin. Ah, il a mis le temps, là. Ouais. Hey, mais comme vous avez un peu remarqué, ils sont quand même vachement sympas à Lens. Ouais. Ah, quand même, t'as envie d'appeler, quoi. T'as envie de rappeler parce que t'es tellement bien accueilli que tu te dis, bon, putain, c'est quand même dommage de ah ouais, de parvenir, cool. quoi. Ah ouais, vraiment, vraiment. On sent vraiment les gens super cool, effectivement. Bon, Lucas, le retour dans un instant avec Pierre également, le temps d'écouter Manian avec Just Another Night. Et puis, je sais pas si vous avez vu, là, il y a la petite là qui a été absente à l'école et qui a remis un mot d'excuse de Barack Obama. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, là. Venez nous dire si vous avez déjà remis des mots d'excuses improbables. Par exemple, Toff, il a déjà remis des mots d'excuses de fun quand il était au bahut. Véridique, hein. Ouais, c'est vrai. On en parle juste après le son de Manian avec Just Another Night maintenant sur Fun Radio. Et puis, juste après, on reparlera, bien évidemment, des iPhone 5C à choper sur le Facebook de l'émission, la facebook.com/mikaelofficiel. Venez nous rejoindre, on écoute Manian et Flor Fila, c'est Mikael No Limites. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Exact, on est sur Fun Radio tous les soirs, c'est dimanche soir à la 20h31 et nous sommes avec... Eh ben avec vous jusqu'à minuit sur Fun Radio. Si vous voulez venir prendre le contrôle, allez-y, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On est en direct sur Fun Radio le dimanche soir de 20h à minuit et toute la semaine du lundi au jeudi de 23h à 2h du mat. Voilà, donc venez parler avec nous, n'hésitez pas. Il y a le petit rouge-gorge qui dit mon insulte préférée, là, c'était le connard. Mais qu'est-ce qui me fait rire? Ah, celui-là, là, attends. Connard, va. Ouais. T'inquiète, il est là. Il y a Tato qui dit le mot d'excuse d'Obama, ça c'est quand même la grande classe. Ouais. Bah ouais, c'est surtout que ton prof, il peut rien dire, t'imagines? Encore tu reçois un message de François Hollande, tu dis bon écoute c'est bon, ouais, va te faire enculer. Et tu vas prendre deux heures de colle. Mais tu reçois Obama, évidemment, c'est différent. Il y a Prastadia qui dit sur le Twitter un mot d'excuse du président des US, là, rien que ça, c'est clair. Et Vanessa qui dit mais putain, mais la honte pour nous qui sommes du Nord, là, les insultes de Chabert. Ouais, j'avoue, ouais, pourtant les insultes là c'était quand même pas terrible. Et alors Larry qui dit poser devant GTA 5 avec Mickaël, eh ben bienvenue, et j'espère que tu gagnes. Il y a Andréva aussi qui dit mon gros cul, est-ce que c'est un défaut par rapport au défaut là dont on parlait tout à l'heure. Et puis Hassan aussi qui dit tu peux répéter la colle s'il te plaît. Ouais, bien sûr, on va répéter la colle avec Sarah qui est de retour. Allô, allô Sarah, est-ce que tu es de retour? Oui. Parfait, nous allons refaire la colle. La colle pour gagner la PS3, bien sûr, avec donc le pack complet, PlayStation 3, l'Ultra Slim, plus le jeu GTA 5. On t'écoute, Sarah. Pour me respecter, il faut me donner. Pour me donner, il faut m'avoir. Qui suis-je? Voilà, si vous avez la bonne réponse, eh bien vous envoyez la bonne réponse, vous envoyez Mikael espace la réponse par SMS au 64 900 ou pour la Belgique au 63 22. Je recommence. Alors il y a un message qui proposait l'argent. Non. La main. Non. Il y a l'amitié. Non. La virginité. Non. Qu'est-ce qu'on proposait? David qui proposait le courage. Non. Attends, c'est quoi aussi? Qu'est-ce qu'il y a aussi? Pour la colle, c'est le pouvoir. Non. Non, bon, bah d'accord, ok. Attends, je vais quand même regarder s'il y a encore d'autres. Il y a Johan aussi, là, sur le Facebook, il dit la réponse à la colle, c'est bien la parole. Non. Non, bon, d'accord. Elle dit sur tous les sites internet, c'est la bonne réponse. Alors pourquoi elle dit que c'est pas la bonne réponse? Je te dis, moi. Parce qu'il en a une autre. C'est que c'est pas la bonne réponse, Johan. Jessica qui dit je pense que c'est l'argent pour la colle de ce soir. Non. Le salut. Non. Le permis de conduire. Non. Mika, la femme. Non. Le sourire. Non. Un magot. Non. Oh putain, l'argent. Twitch. Non. L'amitié. Non. Le courage, c'est David. Non. Oh là là. Bon, on répète. Pour me respecter, il faut me donner. Pour me donner, il faut m'avoir. Qui suis-je? Vous avez la bonne réponse. Eh bien, choper votre PlayStation 3 Ultra Slim plus le jeu GTA 5 qu'on vous a offert depuis le début de la semaine dernière. D'ailleurs, on a été les premiers à vous l'offrir lundi dernier. Et donc, si vous voulez le gagner, à vous d'envoyer Mikael espace la réponse au 64 900 ou au 3044 ou au 63 22 pardon depuis la Belgique. Donc pour me respecter, il faut me donner. Pour me donner, il faut m'avoir. Qui suis-je? Voilà. Bon, ben, Sarah, on te récupère dans un instant, ok? Sarah? Sarah? Ah, on a perdu Sarah. Sarah? Sarah? Pourtant, elle est là. Oui. Hein. Mais qu'est-ce que tu fous, Sarah? Rien, rien. C'est qu'il y a ma famille qui était venue me parler. Ah, d'accord, ok, très bien. Ta famille, ils sont venus autour de toi. Ah, ouais, parce que pour le même prix, moi, je me disais, bon, bah, elle est partie, tant pis, c'est qu'elle veut pas le cadeau, c'est pas grave, quoi. Ils sont venus me parler. D'accord, ok, bon, bah, très bien. Bon, alors, dans un instant également, on va se faire le chéri, je peux te faire cocu. Je sais pas si tu l'as entendu ou pas la semaine dernière, Sarah? Non. Ah bah putain, c'était lundi dernier, je peux te dire qu'on va mettre ça avant 21h. Chéri, je peux te faire cocu, il était juste, comment dire, magnifique. Plus que magnifique même, au-delà du magnifique. Bon, Sarah, reste avec nous, on va se le mettre avant 21h comme promis. On aura aussi le son de Britney Spears avec Work Bitch. Allez, venez parler avec nous, c'est Mickaël No Limites. On est là jusqu'à minuit sur Fun Radio. Et puis on va récupérer notre ami Pierre qui est là maintenant, qui lui se pense médium. Alors Pierre? Oui. Oui, très bien. Alors Pierre, donc toi tu penses être médium, mais comment ça t'est venu? Bah en fait ça s'est déclaré par des flashs puis voilà quoi en fait. Ouais, moi aussi j'ai un appareil photo, c'est pas pour ça que je suis médiocre. Et enfin on se voit, il va balancer toutes les vannes de l'année après c'est fini, il aura tout terminé. Pour la semaine j'ai plus rien, après c'est fini le dimanche pour que les gens ils viennent la semaine, mais en fait la semaine j'ai rien. Il aura tout liqué. Bon, et non. Donc ouais, t'as eu un flash et alors? En fait après j'ai eu petit à petit j'ai eu des ressentis et puis bon ça s'est avéré juste en fait, donc voilà quoi. Bon, alors imagine, tu fais le. Qu'est-ce que t'as besoin pour faire une séance? Bon, une musique d'ambiance en fait. Ah, t'as besoin d'une musique d'ambiance, c'est sérieux? Ben, sérieuse, non, je suis sérieux, oui, plutôt, mais. Bon, qu'est-ce que tu veux comme musique d'ambiance? Ben, je sais pas, si genre t'as une musique. Tu veux ça? Ah ouais, mais non, pas. Non, ou alors ça? Non, plus, c'est trop, non. Non, c'est pas bon ça, ou ça? Ouais, ça a l'air bien, ouais. Ah bon, on va se marrer. C'est génial, parfait. Ce morceau, oh là là. C'est la première fois que j'entends un voyant qui me dit j'ai besoin d'une musique d'ambiance. Bah oui, écoute, je sais pas. Non, le mec veut des boules, des cartes, voilà. Ou un sang, ou un café. Bon, moi, il veut une musique, lui. Bon, alors, qu'est-ce que t'as besoin de plus, en plus de la musique? Bah en fait, ça, vous pouvez pas me donner, parce qu'en fait, j'ai besoin de bougies et de concentration. Donc, bon, bah tu vas les imaginer, alors, hein, la concentration et les bougies. Bon, alors, imagine, voilà, t'es en train de faire la séance de TOF, là. Vas-y, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que quoi? Bah déjà je veux savoir ce qu'il veut savoir sur lui déjà, donc Est-ce que je vais trouver l'amour? Oh non, tu te fous de la gueule du monde toi. Oui je pense. Oh là là. Allez vas-y réponds-moi. Ah putain, et là t'es le meilleur voyant là, putain tu m'as bluffé la Pierre. Donc, attends, la question, est-ce que je vais trouver l'amour? Ouais je pense, ouais. Bon allez vas-y, est-ce qu'il va trouver l'amour et quand? Et quand, et est-ce que je le connais déjà? La date, je peux pas te. Non mais on se doute bien, que tu peux pas donner la date, mais en gros, est-ce qu'il va trouver l'amour? Est-ce qu'il connaît déjà la femme ou l'homme avec qui il va sortir? Bah c'est quelqu'un de son entourage. Quelqu'un de ton entourage, d'accord? Donc il la pas connaît déjà. Ouais. Oui, il la connaît déjà et puis c'est quelqu'un que, enfin comment dire, il a pas mal d'affinités avec lui forcément, donc. Avec lui, c'est un garçon. Donc c'est un homme. Non, avec elle, je veux dire, pardon. Pas mal d'affinités avec elle, bah Sandro? Bah il en, j'ai envie de te dire, il en a plein des filles autour de lui avec qui il a des affinités, hein. Oui, c'est vrai. Il y a certaines filles, c'est plus du jeu que du sérieux, donc en fait. Mais Toff n'est jamais sérieux. Voilà, ouais, c'est beaucoup vague, de filles, c'est que ça, hein. Bon Pierre, pour l'instant, je t'avoue que tu m'as pas convaincu, hein. Ouais, t'as pas un nom? J'imagine. Est-ce que tu vois un début de prénom? Non. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle est prostituée. C'est une pute. Non, c'est dans le cadre professionnel en fait, j'ai envie de dire. Donc elle fait de la radio, je travaille avec elle. Oui. Ah Sandro! Mais ça va pas. Magnifique. C'est pas possible entre nous. Bah si, tout est possible, la preuve. Peut-être que tu ne le sais pas encore, hein. Je vais jamais le savoir. Non, peut-être que tu ne le sais pas encore. Bah non, tu vas te pécho toi. Je sais pas pourquoi, on sait pas de quoi il fait demain. Tu ne le sais peut-être pas encore. J'ai envie de dire, rien n'est impossible. Pardon. Exactement. Tu vas me faire ma voyance très rapidement. Pierre. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Tu vas faire la voyance de Sandro dans un instant. Si vous aussi, vous voulez qu'on fasse une petite séance de voyance avec Pierre, je vous avoue que pour l'instant, il ne m'a pas vraiment convaincu. Ouais, c'est pas même, il ne m'a même pas convaincu du tout. Mais bon, c'est pas grave. Pierre, est-ce que tu sais qui sera top tweetos ce soir? Ah bah il n'y a pas de doute, hein, ça sera Let Me Free. Bon je rappelle que Top Twitter c'est donc vous mettez un maximum de messages avec le hashtag et Mickaël sur Twitter. Et donc à la fin de l'émission on élit évidemment le l'auditeur de la soirée le plus influent sur le Twitter. Donc à vous de jouer, hein, vous mettez le hashtag et Mickaël sur le Twitter. Voilà. D'ailleurs, moi je dis Pierre il a pris des risques. On verra. Moi j'ai des chiffres qui disent que Pierre il a pris des risques. On verra, il est 20h40, on a encore un peu de temps. Oui Pierre, tu me disais? Je voulais faire un petit coucou à la team sur Twitter, en follow la team Michael. J'embrasse toute la team. Pierre, reste avec nous. Ok. Ne bouge pas de là. Le shérif peut te faire cocu, lui, il va arriver aussi d'ici quelques instants. Et puis on accueille également Colline avec nous là, des Hautes-Pyrénées. Salut Colline. Salut. Bon alors, ça va bien pour Colline? T'as passé un bon week-end? Ouais, nickel. Bon, on t'avait eu jeudi toi je crois, c'est ça hein? Oui. C'est à l'époque où je parlais comme ça, parce que j'avais plus qu'une voix. C'était à peu près ça. Voilà. Donc ça va un peu mieux. Je suis pas sûr que je tiendrai jusqu'à minuit, mais ça ira mieux. Ça ira. Bon, Colline, toi, tu nous avais appelé parce que tes parents, ils t'avaient chouré la radio. Ouais. Bon, alors. Je me suis débrouillée. Mais ça me fait plaisir. Au pire, c'était pas grave. On t'appelait tous les soirs et on te laissait dans le standard. Tu vois, comme ça, au moins, t'avais la radio. Génial. Bah, écoute, avec plaisir. Tu sais bien, Colline, que notre bonté n'a pas de limite. Bon. Et donc, du coup. Surtout la tienne, Mickaël. Bah, exactement. Bon. Et donc, du coup, t'as géré comment avec tes parents qui voulaient plus te laisser la radio le soir? Ben, je me suis dégoté une radio et je l'ai gardée dans ma chambre et voilà. Ouais, mais parce que moi j'étais chaud pour limite t'en offrir une petite, mais tu m'as dit ah ouais, mais le problème c'est pas la radio, c'est qu'en fait je rigole toute seule et donc du coup ils vont me griller. mais je voulais bien avoir une radio moi aussi. Bah non, mais d'accord, mais tu m'as dit j'en ai trouvé une, alors du coup je t'en offre pas. Oui, mais elle est vieille, elle est pourrie. Oui, écoute là. Non, mais parce que le problème c'est que tu vas rigoler, enfin sauf si on n'est pas drôle, mais ça c'est un autre problème. Non, mais je vais prendre la technique de Sandro et je vais prendre une chaussette et tout. Une chaussette en mais bouche. Mais non, mais fais pas ça. Attention, parce que pour que ça marche bien, il faut une chaussette sale. D'ailleurs, ce qu'on va faire, Colline, je vais t'envoyer une chaussette à moi. Exactement, on va t'envoyer une chaussette de Toff, usagée, bien entendu. Oh, c'est génial. Et non lavée. Et que je vais porter toute la semaine pour te l'envoyer vendredi. Alors, le facteur, il va être content quand il va l'envoyer. Qu'est-ce que c'est que ce colis dégueulasse? Il va appeler le service de déminage, flip. C'est ça. Bon, bah écoute, Colline. Bon, si t'as un problème encore, tu nous appelles, hein, d'accord? Ouais. Bon, t'as pas de problème de physique, toi? Genre une oreille plus grande que l'autre, là, comme Lucas? Non. J'ai pas de truc bizarre. Non, moi je suis parfaite, je m'appelle Colline, je suis parfaite. Mignonne, Colline. Voilà, qu'est-ce qu'il y a ici? Je suis grave parfaite. Bonne. Un point, c'est tout. Bon, bah Colline, bah écoute, je te fais des gros bisous, puis bon courage demain pour les cours, hein. Ok. Gros bisous, Colline. Bisous. Allez, à bientôt. Salut Colline, ciao à toi. Retour avec Lucas et Pierre dans quelques instants, avec Sarah pour la colle. Je vous rappelle 4 jours. Les iPhone 500, on les a reçus là. Ils sont là, il y a un bleu et un rose. Bon, ok, le bruit, je peux taper n'importe quoi, ouais. Mais ils sont vraiment là pour le coup. Ils sont beaux. Donc, hein. Et bah, ils sont plutôt bien, effectivement. Le rose, oh, le rose tirait bien, Polo. Non. Ah si, oui. Il tirait comme un gant. Donc, si vous voulez voir à quoi ils ressemblent et les choper, rencard sur le Facebook de l'émission maintenant. facebook.com/mikaelofficiel. On va revenir avec plein de messages qui sont arrivés sur le Twitter aussi. Juste après le son de Britney Spears qu'on va écouter dans un instant. Britney Spears avec Work Bitch. C'est ce qui va arriver dans un instant sur Fun Radio. La PS3 aussi à vous offrir. On va en reparler avec la colle, bien sûr. Et juste après Britney Spears également, il y aura le chéri, je peux te faire cocu sur Fun Radio. Et oui, c'était la grosse tuerie de lundi dernier. On va vous le remettre dans quelques instants sur Fun Radio. Un truc à dire. Mikael, appelez Mikael. No limit. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Mikael, no limit. Le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Fun Radio. En direct sur Fun Radio dans toute la France, 01 42 48 5000. Venez nous parler si vous voulez prendre le contrôle de la radio. Bah vous êtes les bienvenus. Et puis surtout, on est là pour ça jusqu'à minuit. Il y a le match aussi qui va démarrer, la PSG Monaco, dernier match de la journée. On va voir comment ça va se passer. Monaco, PSG, PSG Monaco. Bah on verra. Deux grosses équipes en tout cas qui vont s'affronter. On va voir comment ça va se passer. Si vous avez d'ailleurs des pronostics, là, n'hésitez pas à les balancer hein, sur le Facebook de l'émission, sur le Twitter également. Vous tapez Mikael officiel ou alors directement aussi par SMS. Vous envoyez votre message au 64 900, ou vous pouvez d'ailleurs aussi envoyer Mikael et la réponse à la petite question. Pour me respecter, il faut me donner. Pour me donner, il faut m'avoir. Qui suis-je? C'était la colle de Sarah. On donnera la réponse à la colle de Sarah avant 22h. Donc si vous voulez tenter votre chance, vous envoyez Mikael et la réponse à la question. Pour me respecter, il faut me donner. Pour me donner, il faut m'avoir. Qui suis-je? Et il y a la PS3 à gagner ce soir sur Fun Radio. PS3 et le jeu GTA 5 qu'on vous a offert en premier la semaine dernière, c'était lundi, et on met en plus la PS3 ce soir. Je vous souhaite bonne chance. Et Mikael est au 64 900, et on écoute un son que je vous avais fait découvrir aussi dans Mikael No Limit. C'est Britney Spears maintenant, c'est Work Bitch sur Fun. Nouveau Britney que vous avez découvert sur Fun, c'est Work Bitch. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Bon bah les couilles, je parle pas à toi, t'inquiète pas. Ouais bah voilà, c'était le chéri, je peux te faire cocu là, on va l'écouter dans quelques instants là. Je laisse pas parler des putes comme toi. Voilà, il était en pleine forme. Bah je vais te la mettre dans le cul aussi. Ah bah vous avez vu, là, je m'en bats les couilles. Voilà, il était content, il était au taquet hein. Hein Polo? Je m'en bats les couilles. Voilà, un petit coup de pipeau quand même éventuellement là. Je m'en bats les couilles. Oh là là. Bah je vais te la mettre dans le cul aussi. D'accord. Bon bah écoute, si tu veux hein, on essaiera de voir ça, c'est pas un problème. Chéri, je peux te faire cocu, c'est tous les lundis sur Fun Radio. Il y a des lecteurs DVD aussi à vous offrir, un lecteur Blu-ray à vous offrir toute la semaine sur Fun Radio. Et notamment dans Chéri, je peux te faire cocu, on y jouera évidemment demain. Si vous voulez tenter de faire le Chéri, je peux te faire cocu, le principe est simple hein, on appelle votre copain, votre copine. Vous lui faites croire que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, que vous ne sortez pas avec, mais qu'il vous a proposé de coucher avec lui juste un soir, un one shot. Et comme vous êtes quelqu'un d'honnête, eh bien, vous le prévenez ou vous la prévenez. Le but, évidemment, c'est que bah, il pète une durite qui va se passer dans quelques instants d'ailleurs. Donc, on refait un nouveau chéri, je peux te faire cocu demain sur Fun Radio. Donc, à vous de jouer. 01 42 48 5000, vous appelez Sandro au standard maintenant, ou 02 851 4 x 0. Il y a Aurore qui dit aussi, je vous écoute tous les soirs et je n'arrive plus à me passer de vous, je suis juste trop fan là. Quand tout va mal, on vous écoute et tout change. Merci d'être là, on vous aime. Oh, merci c'est Aurore. Mignon, c'est mignon. Merci Aurore. Il y a Valentin qui dit, salut, tu peux passer Fat Ass Drop de DJs from Mars, s'il te plaît. Merci d'avance. Valentin, je vais voir si je l'ai. Je te promets rien, mais si je l'ai, je te le mets. Cheyenne aussi qui dit, votre bonté n'a pas de limite, Mickaël. Offrez-moi un iPhone. C'est vrai, bah, comme, bah, a, bah, la limite est là, tu vois, juste avant. Il y a quoi? Il y a Benoît qui dit, mort de rire, il prédit rien du tout, votre voyant, là. Bah oui, oui, mais on l'avait justement, le voyant, là. Bon, on va en reparler avec lui du voyant, là. Dis, ouais, Pierre. Oui. Est-ce que tu vois plutôt Paris ou Monaco gagner ce soir au foot? Bah Monaco 1-0 sur la dernière partie du match. Ah ouais, parce qu'en plus toi tu fais hey mec, si c'est bon je t'engage hein, je fais des paris à ce moment-là, on joue ensemble. 50-50. Ouais, d'accord, ok. Donc c'est toi tu vois Monaco gagner à la fin du match, un petit but comme ça. Vite, oui, voilà. Ouais. Et but de J'ai pas joueur, mais c'est Monaco qui... Ouais, moi, qui je dirais Falcao. Voilà. Ah, toi aussi, t'es voyant, Mickaël. Oui, exactement. J'ai, ma boule, j'ai mes deux boules de cristal, moi. Exactement. Bon, Pierre, qu'est-ce que je vais dire maintenant? Oui, t'as déjà été eu l'occasion d'utiliser des mots d'excuses bidons, toi, pour l'école? Ouais, ça m'est arrivé. Ça t'est arrivé? Est-ce que t'as fait aussi fort que Toff? Non, franchement non. Alors parce qu'en fait lui il a quand même réussi à voir, parce qu'en fait on en parlait tout à l'heure, parce qu'il y a une fille qui a remis un mot d'excuse de Barack Obama directement à son prof. Donc bon, qu'est-ce que tu veux dire contre ça? Y'a rien à faire. Rien, tu peux rien dire, rien. C'est le mec le plus puissant du monde. Bah voilà, donc et du coup Toff lui par contre il a essayé de faire la même chose. Lui c'était avec la radio la plus puissante. Oui, mais voilà. Bon, c'était iPhone. Bah c'est. Non mais c'était au tout début où je commençais à faire de la radio, donc j'avais quoi, 16-17 ans. Il faisait presque de la radio, comme aujourd'hui il est presque DJ, à l'époque il était presque. Presque Ouais, et il est presque fini aussi. Ouais. Mais ça c'est un problème avec ses parents, bon ils ont été dérangés, enfin bref, une histoire. Ouais, enfin j'ai glissé au moment de l'accouchement, enfin bon des trucs. Et donc ouais, donc je faisais déjà des interviews, genre j'allais quand personne pouvait... c'était déjà une star. Non, c'est juste que quand personne pouvait y aller pour faire des artistes minables, c'est moi qu'on envoyait. C'était déjà une resta à l'époque. Et donc j'avais mes mots d'excuses à l'entête de Fun Radio, veuillez excuser l'absence de nanana. De Toff, de Christophe. Oui, parce qu'à l'époque je mettais mon vrai nom encore. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc voilà, il était à l'interview et donc il mettait le nom des mecs que j'avais été interviewé et tout. Et donc la première fois que je remets ça à la secrétaire, elle me regarde en rigolant, elle fait, tu crois que ça va passer ça? Bah, je lui fais, bah ouais, attendez, moi c'était pour du travail, voilà, c'est peut-être ma carrière qui a... Excusez-moi, je suis désolé, mais j'ai oublié la musique de l'histoire. Ah ouais. Et donc je dis, c'est peut-être pour ma carrière professionnelle. Il dit, ouais, bah on va voir avec le proviseur, mais je suis pas sûr que ça passe. Et le proviseur dit oui. Putain, et après, ça a été la fête à tout ce qui était possible et inimaginable. Oui, il devait remplacer un câble. Bah oui, mais bon, je comprends pas. Oui, mais écoutez. C'est-à-dire qu'après, il a interviewé. Tout le monde. Toute la Belgique. Voilà, c'est ça. Donc, après, évidemment, là, moi, j'avais essayé aussi avec des trucs. Moi, c'est par rapport au sport que je mets pas trop, là. Moi, je mets pas le sport, donc du coup, j'oubliais exprès mes affaires. Donc, je les avais dans mon sac. Mais je disais, non, en fait, je les ai oubliés. Donc, du coup, ils me collaient, mais tu sais, je devais rester 2 heures à rien foutre. Pendant que les autres faisaient du sport, s'ils devaient faire le tour du bois comme des chiens, là. Alors, moi, j'étais sur le côté, je dis, bon, bah écoutez, moi j'ai pas mes affaires, je suis vraiment désolé, je les ai oubliés. Ou le bus était en retard. Enfin, il y avait toujours une bonne excuse qui passait par là, quoi. Pour le sport, nous, il y avait des filles, elles avaient leurs règles toute l'année. Ah oui, c'est vrai. J'aimerais, oui, mais la semaine dernière aussi. Oui, mais justement, faut que j'aille voir le gynéco, j'ai des problèmes. Ah bon, d'accord, ok. Ça, c'est vrai, c'est bizarre. Ouais. Surtout en piscine. Ouais, c'est vrai. Et toi, Lucas, comme t'es encore dedans, toi, vu que t'as 12 ans, là, t'as déjà fait des excuses bidons? Enfin, bidonnes? Non, pas trop. Mais... Non, toi, t'es l'élève modèle, toi, c'est ça, hein? Non, quand même pas. Non, on sait jamais. tu as l'air modèle. Non. Non? Ah bah, je pensais. J'aurais pensé pourtant. Et Sarah qui est avec nous aussi, mais ça c'était par rapport à la colle, mais c'est pas grave. Sarah, t'as déjà fait des excuses bidonnes, toi, pour pas aller en cours ou pour excuser une absence? Non. Non mais c'est pas vrai, on a des auditeurs que des auditeurs au top là. C'est ça, alors que moi dans mon bahut c'était le festival, hein, tout le monde mais avait sans blague. Non mais c'est, en plus il y en avait, ils avaient des excuses toutes faites et ils essayaient d'imiter les signatures. Il y avait un mec dans ma classe qui était super doué pour imiter les signatures. Ah, et donc ouais. Il imitait la signature des parents, machin, tu lui filais genre à l'époque 100 francs belges, oui je sais, c'est. Et le mec il t'imitait la signature de ton daron sur le mot d'excuse. Chacun avait sa spécialité en fait. Ah ouais, dans ma classe, c'était un peu ça, ouais. Ouais, c'est ça, c'était vraiment c'était une horreur. Il y a Kikiria aussi. aussi qui dit Mickaël, moi je marquais toujours que ma mère s'était pas levée jusqu'au jour où ils lui ont téléphoné. Aïe aïe aïe, j'avais pris cher, tu m'étonnes. Il y a Dams Nertic aussi. D'ailleurs, Dams m'a envoyé un message sur Twitter. Il a dit qu'il t'emmerdait Toff parce que tu prononçais chaque fois son nom très très mal. Voilà, donc d'ailleurs il avait demandé un coup de pelle. Voilà, Dame, c'est fait, tu as vu, j'ai tenu parole. Donc Dame, ce qu'il disait, mon défaut physique, c'est que j'ai un bras plus musclé que l'autre. Est-ce que c'est normal? Ouais, mais pareil, hein, c'est chez tout le monde parce ça. Parce que tu te branles avec la main droite. Ouais, exactement. Ah, c'est pour ça que moi j'alterne. Voilà. Une fois de la gauche, une fois de la droite. Exactement. Il y a Petit Panda qui dit un petit passage de Petit Panda pour vous faire un petit coucou. J'espère que vous allez bien. Bisous, bisous mes loulous. Merci. Oui, on a toujours faim. On attend le petit gâteau, Petit Panda, évidemment. Bon, Lucas, on va revenir dans un instant avec toi, avec tes plans, tes complexes d'oreilles là. En attendant, et avant de faire le chéri, je peux te faire cocu. Sarah. Oui. Nous allons refaire un petit coup de notre ami la colle. Alors, pour ceux qui ont du mal à entendre, parce qu'ils comprennent peut-être pas, ils veulent du visu, j'ai mis l'énoncé de la colle sur le Facebook. Hein. Vous pouvez aller voir facebook.com/michaelofficiel ou sur le Twitter également. Bon alors, vas-y pour la colle. Pour me respecter, il faut me donner. Pour me donner, il faut m'avoir. Qui suis-je ? Alors, pour me respecter, il faut me donner. Pour me donner, il faut m'avoir. Qui suis-je ? Le cul ? Non, il y a Romain qui proposait. C'est une mytho, la colle, c'est une parole. Non. Non, il y a une bague, c'est Stéphanie qui proposait. Non. Non, alors c'est quoi ? Une règle de jeu, c'est Mickaël qui demandait, enfin qui proposait. Non. Un don ? Non. La sagesse, c'est Sophia ? Non. Non, qu'est-ce qu'il y a aussi ? La gentillesse, c'est Isabelle ? Non. Non, il y a Tracy aussi qui dit la confiance. Non. Un iPhone. Qu'est-ce que non. Rien dire. Constant qui proposait l'heure. Non. Non, Raphaël ou Antoine, je sais pas si quel est le prénom et quel est le nom, mais bon. La réponse à la colle, c'est son avis ou une décision. Non. Eva qui proposait la parole. Non. Non, oh là là. Indissociable qui proposait aussi. Ah mais non, ça c'était autre chose par rapport au sport. Bref. Bon, si vous avez la bonne réponse, hein, vous pouvez voir qu'il y en a beaucoup qui galèrent ce soir. Pour me respecter, il faut me donner. Pour me donner, il faut m'avoir. Qui suis-je ? Voilà, si vous avez la bonne réponse et que vous voulez repartir avec votre PS3, le pack complet avec GTA 5, qu'on a été les premiers à vous offrir la semaine dernière, eh bien vous envoyez simplement maintenant M-I-K-L, les 4 lettres, espace la réponse, au 64-900 avec la réponse, ou au 63-22 pour la Belgique. Je répète encore un petit coup. Pour me respecter, il faut me donner. Pour me donner, il faut m'avoir. Qui suis-je ? C'est bien ça, Sarah ? Oui. Réponse dans moins d'une heure, à 22h, on donnera la réponse, d'accord ? D'accord. Parfait. Eh ben, ne bouge pas de là, Sarah. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et on va se faire, eh bien oui, le rendez-vous du lundi, hein, le chéri, je peux te faire cocu. Ah, ah bah oui, mais c'était du lourd, hein, quand je vous le disais que c'était du lourd. Le principe du jeu est donc très très simple. Vous nous appelez, si vous êtes un garçon par exemple, vous voulez piéger votre copine, eh bien vous nous appelez, on vous passe à l'antenne, je joue à ce moment-là, Sandra jouera le rôle de votre copine, si c'est vous ça. Êtes un mec, et je jouerai le rôle de votre copain si vous êtes une fille, peu importe. Le but est donc de piéger votre copain ou votre copine et de lui faire croire que, eh ben vous avez envie de coucher avec quelqu'un d'autre juste un seul soir, comme ça. Pour essayer, voilà. Et comme vous êtes honnête, bah vous lui demandez son accord. On oublie juste de dire que Toff peut jouer l'animal de compagnie. Oui, effectivement. Un chat, ou la boule appelle. Je remue la queue à la demande. Voilà, exactement. Et donc, ça s'était passé la semaine dernière, c'était lundi soir, le chéri, je peux te faire cocu. Écoutez ça, c'était du caviar. Allô ? Oui, mon cœur. Ouais. Ça va ? Tu m'expliques pourquoi t'as un numéro privé ? Parce que, je sais pas, c'est le fixe qui doit les connaître. Oui. Putain. Non, ça se passe bien, je pense. On va se marrer, là. Ouais. Ça n'a pas l'air. Ouais. En fait... J'aurais préféré rester à la maison, sérieusement. En fait, je t'appelais parce que, tu sais, j'ai été avec les filles à Bordeaux. Ouais. Tu sais, faire les boutiques. Oui. Et en fait, je suis partie, donc, tu sais, à mon magasin de lingerie, là. Ouais. Et j'ai rencontré dans le vendeur. Et pardon, le vendeur, en fait... J'ai mal entendu. Hein. Ouais, j'ai rencontré le vendeur, tu sais. Ouais, et alors, il s'est passé quoi ? Mais en fait, il compte venir à la maison, quoi. Pardon ? Oui. Mais écoute-moi bien, tu fais venir qui tu veux à la maison, mais à partir de maintenant, tu sais quoi ? Si tu fais rentrer qui que ce soit à la baraque, mais tu sais quoi, je m'en bats les couilles, je débarque à la baraque, je prends mes affaires et tu m'oublies, c'est clair ? Oh merde ! Mais non, mais elle prend pas comme ça, tu sais. C'est quoi la voix là que je viens d'entendre ? Désolé, j'ai fait tomber un truc. T'es qui toi? J'ai fait tomber t'es un verre. Qui, toi? Je suis désolé Gaël. T'es qui toi, espèce de baltringue? T'es qui là? C'est où la balayette là? Je vais la chercher, je vais l'aspirer. T'es qui là? Réponds à ma question, t'es qui là? Je vais la prendre. Je la prends, je nettoie. T'es qui? Vas-y, écoute-moi bien. Passe-moi le pauvre streamer qui est à la baraque là, passe le téléphone. Mais c'est bon, t'inquiète pas. Voilà, je nettoie. Mon cœur, allô? Voilà, c'est nickel, hein. C'est comme si de rien ne s'était passé. Hein. Ouais, merci Michel. Bon, je t'en prie. Et t'es avec qui au téléphone? Qu'est-ce qu'on va faire de ta gueule? Avec ton copain? Ah d'accord, oui, mais alors c'est quoi? Ah donc tu lui as demandé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit va te faire enculer. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit va te faire enculer. Mais j'essaie de gérer là. Il d'accord. A dit va te faire enculer, tu gères rien du tout. T'as le choix, écoute-moi bien, t'as le choix. Tu veux que je lui parle, sinon tu me le passes parce qu'en général, moi j'arrive. Gueule, toi, tu vas fermer ta gueule. J'arrive à gérer. Toi, là. Tu vas fermer ta gueule tout de suite, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, espèce de baltringue de merde là. Allô? Quoi? T'es qui toi? C'est Michel. Michel qui? Michel ta mère non? Non, oui, je viens de chez ma mère, mais je travaille chez Etam Lingerie. Ah, tu travailles chez qui? Etam Lingerie, c'est là que j'ai rencontré Gaël. Ah bon? Ouais, c'est moi qui la conseille sur les sous-vêtements. C'est plus facile, non, comme ça, moi je sais ce qu'elle a. Blague. Bah oui. Et alors? Bah tout va bien, et toi, ça va? Ouais, non mais je m'en bats les couilles, je veux pas faire profit bas avec toi. Non, je comprends, évidemment, on est pas dans une situation où on va être amis, quoi. Écoute-moi bien. Je te laisse 10 secondes pour sortir de chez. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi cette voix? Je m'en bats les couilles, je te laisse 10 secondes pour sortir de chez moi. Attends, c'est quoi cette voix? Non, t'inquiète même pas. T'inquiète même pas, il y a 2-3 personnes. Non mais je t'entends mal là, je comprends pas, on dirait que tu t'es transformé en alien. Ah bon? Bah oui. T'es sérieux? Eh, je suis désolé hein. Attends, tu sais quoi, je vais te rappeler. Gaël, attends, on va te rappeler, attends. Voilà, on fait ça dans un instant, hein. Rappel, donc on avait fait ça lundi. Alors évidemment, il y a eu un problème avec la voix, je sais pas absolument pas ce qui s'est passé, mais c'était improbable. On va le rappeler dans quelques instants sur Fun Radio, là, restez avec nous. On va également retrouver notre ami Pierre avec le médium. Est-ce que vous avez déjà fait de la voyance? Dites-nous comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0, c'est le numéro du standard de Fun. On va reparler de la colle dans un instant. Les iPhone 5C également, les Arsus là, ils sont là, il y a une photo d'ailleurs, allez voir, hein, on les a dans le studio. L'iPhone 5C, donc il y a un bleu, il y a un rose, allez voir à quoi ça ressemble et on vous les file aussi. facebook.com/mikaelofficiel. Allez, bonne soirée tout le monde, c'est Mikael No Limit, 21h06. La suite du chéri, je peux te faire cocu, c'est juste après le son de Avicii qu'on va écouter dans un instant. Avicii avec Wake Me Up sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde et bon dimanche soir. C'est Mikael No Limit comme tous les soirs. Et du lundi au jeudi également de 23h à 2h. Un truc à dire. Mikael, appelez Mikael. No Limit. Fun. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. No Limit. 20h minuit. Fun. C'est Mikael No Limit. Mikael. On Fun Radio. Sur Fun Radio exactement et 1-0 juste à l'instant là pour le Paris Saint-Germain. Comment te dire Pierre là que tu voyais un but de Monaco à la fin là, c'est Paris là qui a mis le premier but là. Hein. Voyons encore ton va. Hein Pierre? Ouais. Hein, bon, on va revenir sur la voyance dans un instant, là, bouge pas de là Pierre. Est-ce que tu vois qui va gagner l'iPhone 5C sur le Facebook là? Non, je peux pas. Ah non, là tu peux pas, non, j'imagine, tant pis, c'est pas grave. Bon allez, l'iPhone 5C a gagné sur le Facebook de l'émission. Et puis je vous rappelle également qu'il y a la PS3 avec le jeu GTA 5 qui est à gagner également. Et pour le gagner, il faut répondre à la colle de Sarah qui est la suivante. Pour me respecter, il faut me donner. Pour me donner, il faut m'avoir. Qui suis-je? Voilà, vous envoyez vos réponses maintenant, vous envoyez MIK et la réponse au 64 900 par SMS. Et Mickaël et la réponse au 64 900 pour gagner votre PS3 et votre jeu évidemment GTA 5 qu'on a été les premiers à vous offrir. C'était lundi la semaine dernière. On écoute Avicii maintenant dans Mickaël No Limit là jusqu'à minuit. C'est Wake Me Up. Bonne soirée tout le monde. Feeling my way through the darkness. Allez Avicii à l'instant sur Fun. C'était Wake Me Up. Bienvenue. Hop là, pardon. Mikael No Limit, 20h minuit. Sur Fun Radio. M'en bats les couilles. Ouais, ça va, si on peut plus rien dire non plus, là, ouais. Maintenant, quand même. Chéri, je peux te faire cocu, on était en plein cœur, là. Ouais, je vais te la mettre dans le cul aussi. Ouais, il était vachement classe en plus, et ça fait plaisir. La suite du chéri, je peux te faire cocu, on va se la faire maintenant, juste avant la pub et avant Avicii. Bon, on avait la première partie, on a commencé à chauffer le mec, hein, puisque le principe, c'est qu'on appelle votre copain, votre copine, pour la rendre ouf complètement, et lui faire croire qu'en fait, vous avez envie de vous taper un autre mec ou une autre meuf. Exceptionnellement juste un seul soir, voilà, comme ouais, ça. Comme ça. Exactement. Et comme vous êtes super méga honnête, et vous lui demandez son autorisation en fait, tout simplement.

Allô ? Cougna maman. Eh, hey, est-ce que tu te rends compte de la chance que t'as ? Connard, va ! De quoi ? Comment ça ? Est-ce que je me rends compte de la chance que j'ai ? Ouais. Vas-y, explique-moi. Connard, va ! Mais vas-y, explique-moi ce que bon, t'as pour dire quelque chose. Eh ben, ta meuf, elle est super cool, en fait. C'est-à-dire que moi, je lui fais une proposition, elle me dit non. D'abord, elle me dit non, puis elle me dit, je suis honnête, je vais d'abord en parler à mon mec. Ah bon ? Alors que ah la majorité des meufs, elles auraient été par derrière, et hop là. Ah bon ? Enfin, c'est moi qui aurais été par derrière, mais bon, façon de parler. Elle fait bien la pute derrière pendant que je suis pas là, elle aussi. Bah non, ça n'a rien à voir, moi je ne paye pas, attention, tu sois clair. Vas-y, discute même pas avec toi. Passe-la moi. Tiens, je te passe le téléphone. Ta gueule. Oh, qu'ils sont bêtes. Écoute-moi bien, toi. Ah, tu me fais du cinéma. Parce que soit disant, tu me vois regarder une caissière. Sauf que par contre, je m'en bats les couilles. Toi, par contre, toi, tu te gênes pas pour aller voir un pseudo-vendeur. Mais écoute-moi bien. Ouvre grand tes oreilles. Je m'en bats les couilles. Je veux même pas blaguer avec toi. Écoute-moi très très bien. Tu vois tes oreilles. Tu vas fermer ta gueule, toi, maintenant. Tu vas me laisser parler à ma femme 10 secondes. Voilà. C'est les 10 dernières secondes que je vais lui adresser la parole. Oh là là là là. Tu sais. Bon, Steven, j'ai repris le téléphone 2 secondes. Va te faire enculer. Steven, oui, d'accord. Steven. Steven. Steven. Steven. Bon, Steven. Steven. Steven. Oh là là, il ne laisse pas en place. Steven. Il n'y en a pas pour longtemps. Tant mieux, plus il faut, plus on rit. Steven. Ah, mais tu vas voir la personne qui va venir. Elle, par contre, elle est folle, mais elle va pas rigoler non plus. Steven. Bon, excuse-toi et on en reste là. Je m'excuse, je ne vais pas m'excuser. Bah si, je m'en vais comme ça, voilà, c'est tout. Je m'excuse pas de... Si, vas-y, excuse-toi. Tu te fous de ma gueule ou tu fais le fret, hein ? Mais non, mais excuse-toi, dis-moi, voilà, c'est bon, je m'excuse de m'être emporté. Ah, c'est sûr, par contre, je vais m'excuser de ne pas avoir été là, parce que le jour où je vais te croiser, tu vas voir, tu vas te souvenir de comment je m'appelle. Ah mais attention, je te fais 10% chez Etam Lingerie, hein. Sur ma lingerie ? Non, sur Etam Lingerie, quand tu viens à la boutique. Ah, mais quand je veux dire, ça va pas être 10% que tu vas prendre. Tu vas tellement prendre cher que ça va être toi qui va me demander de te laisser 10%. Bon, Gaël. Oui. Bon, explique-lui. Non, mais excuse-moi, bébé. Non, il n'y a pas d'excuse. Toi, tu vas te faire enculer. Tu peux m'oublier, tu peux déclarer célibataire. Tu peux faire la pute partout. C'est bon, tu veux faire la pute partout. Tu veux faire la thème. Tu veux faire la thème, mais va faire la thème. Steven. Tu le sais, Steven. La merde, tout. Steven. Steven. Quoi? T'es en direct sur Fun Radio. Ah, on peut rigoler 5 minutes. Voilà, c'était ça le chéri, je peux te faire cocu là. Bon, ah là là, je vous avais dit que c'est du caviar là. Demain, on remet le couvert. Hein. Demain soir, à partir de 23h sur Fun Radio, chéri, je peux te faire cocu avec notamment le lecteur DVD Blu-ray à gagner. Si vous voulez jouer, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Vous appelez Sandro maintenant, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Comme ça, vous avez eu un aperçu de à quoi ça ressemble. Voilà, il y a Henri aussi qui dit 3000 insultes par seconde. Ah bah minimum. Ah, oui, hein. Le prince Nadia qui dit, mais il est vraiment pas sympa le mec de Gaël. Il pourrait quand même partager quand même ce Steven. Mais ouais, mais grave, exactement. Non, ce qui est bien aussi, c'est que t'as envie de faire ta pute. Eh ben, va faire ta pute. Tu veux faire la teinte. Let's be free, qui dit, il se rend pas compte de la chance qu'il a. Bah, je te confirme. Eh, tu te rends compte de la chance que t'as? Non, il s'en rendait pas compte. Mister Steven qui dit, j'adore le chéri, je peux te faire cocu. C'est que des barres. Et Olivia aussi sur le Twitter. Olivia O qui dit, le chéri, je peux te faire cocu. Était juste magique. Et alors, plein de messages aussi par rapport au cours. On va en parler dans un instant là pour parler en cours. Si vous avez des conseils à filer, hein, n'hésitez pas. Des bons plans, par exemple, comme Toff qui à l'époque se faisait faire des mots par la direction de la radio. Ça c'était bon, moi j'ai adoré cette époque. Pour lui dire voilà, non, il a été faire une interview de je sais pas quel groupe et donc du coup il a pas pu aller en cours et le pire c'est que c'est passé. Très, très bien. Voilà. Et but de Monaco également là, un partout, comme ça on suivait le truc. Je vous ai annoncé le but de Paris, maintenant il y a le but de Monaco, voilà. Ah quoique Pierre. Oui. Tu t'étais trompé dans le score parce que 1-0 ça ne le fera plus, mais peut-être que Monaco peut gagner encore, on sait jamais. Donc tu aurais eu une demi-erreur quoi. Oui, mais bon, je peux pas prévoir dans l'instant présent, quoi. Donc Ah bah ouais, comment ça, tu peux pas prévoir dans l'instant présent? Parce qu'il y a un moment, ce que tu racontes dans le futur, il arrive à un moment ou à un autre dans le présent. Ouais, bah faux. Excuse en bois. Bon, c'est pas grave. Il y a plein de messages qui sont arrivés là pour pas aller en cours. Là, j'ai simulé une chute dans les escaliers. J'ai tellement bien joué que ma meilleure amie a cru que la vanne avait mal tourné. Ah bah ouais. Moi un jour, c'était pour pas aller au taf. J'avais mis la clim à fond de mal dans la voiture en fait. Du coup, j'avais chopé la crève. C'est le mec qui se rend malade lui-même quoi. Ouais, mais du coup, j'ai eu 3 jours. J'avais la paix pendant 3 jours. Et voilà, j'avais mis la clim à fond. Franchement, je claquais des dents. J'avais enlevé la veste, tout bordel, c'était déjà en plein hiver en plus. plus. Donc c'est ça, passait bien la grippe. J'avais mis à fond de balle. J'étais frigorifié et je suis arrivé. J'avais mal au crâne et tout. Putain, ça a super bien marché. Il paraît que si tu dors avec un savon sous l'oreiller aussi, ça fait des bulles sous l'oreiller. Ça fait, oui, ça fait des bulles. Non, il paraît que si tu mets un bloc de savon sous l'oreiller et que tu dors comme ça, il paraît que le matin, t'es justement, t'as des frissons et tout. Ah ouais. Et il paraît que si on met un coup de pelle dans ta gueule, voilà. Et bah, t'as un beau bleu aussi. Ouais. Hein. Ah, et si on en met un autre, attends. Et bah t'en as un deuxième. Voilà. Et si on met un coup. Ah bah voilà, on te refait la gueule. Dans ta sale gueule. Voilà. Ah bah ouais, ça marche. Ah ouais, ça marche. Ah ouais, ça marche finalement, ouais, c'est vrai. Il y a le prince Adia qui dit, moi je trouve que toi, tu as un gros potentiel de séduction, donc il ne devrait pas tarder à trouver la perle rare. Oh, merci, merci. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Il ne devrait pas tarder à trouver la perle surtout. Ouais, mais pas rare. Hein. On va pas le tout pour pouvoir l'enfiler. Bah oui, merci Toff. Et Alban qui dit, lance flamme sur Toff. T'inquiète, on l'a fait, y a pas de problème. Bon, alors, Pierre, toi tu voulais parler donc de... T'es devenu médium. Je suis devenu, oui, on peut dire ça comme ça, oui. Bah voilà, c'est ça, t'as eu un flash. Donc t'as fait le comment on appelle ça du coup, papa, la voyance de Toff. Oui. Voilà, une catastrophe, on peut le dire. Qui était pas terrible, hein, tu nous as pas convaincu du tout, ouais. Pardon. Donc écoute, il y a Delphine qui est avec nous de Reims là. Bonsoir Delphine. Allô ? Bonsoir Delphine. Bon, Delphine est partie. Ah. Caroline. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Comment ça va ? Bonsoir. Ça va. Bon, t'appelles de Valenciennes. Caroline, t'as 23 ans, c'est bien ça ? C'est bien ça. Oh, et tu cherches l'amour, je parie. Ouh, ça sent le 15 ans, ça. Ah, tu ne cherches pas l'amour. T'as quoi ? On dirait qu'elle a 15 ans. Non, elle a une petite voix fluette. Une petite voix jeune. J'ai une petite voix de Télétoon. Oh, voilà, c'est ça. Et pourtant, tu as 23 ans. Et tu ne cherches pas l'amour, Caroline ? Ah non, je l'ai déjà trouvé. Ah, c'est écoute, très bien. Il te trompe. T'en voulais faire un chiffre et lettre, ouais, ça ne servira à rien. Coup, je suis déçu. Bah ça ne servira à rien. Bon Caroline, ouais. Toi tu voulais poser... Mais t'es sûre que tu veux poser une question à Pierre ou tu nous appelles parce que t'as déjà été faire de la voyance ? Non, je voulais poser une question. Mais t'es sérieuse, donc t'es d'accord. Mais... Bon, Alors ouais, vas-y alors. Oh, cette musique horrible. Alors Pierre, dis-moi, est-ce que tu penses que ça va durer avec mon amoureux actuel ? Alors je vois dans ma boule que non. Je vais prendre les boules à top. Malheureusement, alors, est-ce que vous êtes rencontrés il y a pas très longtemps, hein ? Il y a 9 mois, c'est ça, il y a pas longtemps. Effectivement, alors moi je pense que ça peut durer, mais malgré tout, il y a quand même un danger, hein. Il y a un danger, je sais pas s'il s'est passé est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'un peu bizarre ces derniers temps ? Non, rien du tout de d'un peu particulier, même quelque chose d'infime, hein, un retard, quelque chose, non ? Non. À aucun moment il est arrivé en retard, un rendez-vous, non ? Non, on voit tous les jours. Oui, justement, c'est peut-être ça aussi, le fait que vous voyez trop, c'est ça en fait, parce que dans mes cartes, le retard et le fait qu'on se voit trop, c'est la même carte. Donc parfois, effectivement, je peux me perdre dans tout ça. Il y a peut-être de ça aussi, peut-être une meilleure amie ou un meilleur ami dans l'histoire, non ? Est-ce qu'il y a... On a des amis, ouais. C'est ça. Ouais, exactement. Ben, vous avez des amis, ça je l'ai vu effectivement sur la carte amie qui est sortie là, ouais, tout à fait. Bah écoutez, oui, donc là il faut se méfier des amis. Il y a une fille dans le lot, non ? Une blonde, je vois, non ? On a que des amis blondes. Ouais. Ah bah écoutez, ça c'est assez. Je pense que le danger peut venir de là. Ah. Voilà. Oui. Ben voilà, donc d'accord. Méfiez-vous des amis blondes, bon ça fait 85 euros. D'accord, très bien. Merci. T'as vu Pierre, tout le monde peut le faire, hein. Oui, mais... Poser les bonnes questions. Je me suis fait niquer sur le retard, j'étais parti dans une voie de garage, mais il faut poser la bonne question, et puis au final c'est le client qui te raconte toute l'histoire. Et encore, tu prends beaucoup plus de risques que Pierre. Hein. Oui, exactement, oui. Bon, alors Pierre, quel est ton avis, toi, sur la question de Caroline ? Ben, en fait... Ça peut, comme toi, je dirais que ça peut durer dans le temps, mais je pense qu'il va y avoir un clash qui se prépare. Merci Pierre. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Allez, c'est parfait. Même Pierre, t'as été au top. On te reprend dans un instant. Delphine aussi, David aussi, et puis Bakermat qu'on écoute maintenant, c'est Van Dyke sur Fun. I have a dream. C'est Fun Radio avec Bakermat à l'instant, c'était Van Dyke le Hollandais sur Fun. Mickaël. Mickaël nos limites, 20h minuit. Sur Fun Radio. Exact, on est là tous les soirs sur Fun Radio. Là, venez prendre le contrôle de Fun Radio. On est là jusqu'à minuit. Et il est 21h32, 01 42 48 5000, 02 851 4x0. On va reprendre brièvement Sarah avec nous pour la colle de ce soir. Sarah, oui. Toujours là? Oui. Parfait, musique de la colle évidemment. Attention, on va répéter la colle une des dernières fois. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et franchement, il y a vraiment peu, hein, voire même pas du tout. Ouais. Donc si vous avez la bonne réponse, allez-y, tentez votre chance maintenant. Répète la colle, Sarah, s'il te plaît. Pour me respecter, il faut me donner. Pour me donner, il faut m'avoir. Qui suis-je? Voilà, et on parlera de branlette dans un instant aussi d'ailleurs, ne bougez pas. Donc je répète, pour me respecter, il faut me donner. Pour me donner, il faut m'avoir. Qui suis-je ? Voilà, exactement. Vous avez la bonne réponse. Vous aurez peut-être votre PlayStation 3 Ultra Slim plus le jeu GTA 5, le jeu qu'on vous offre depuis la semaine dernière. On a été les premiers sur le coup, c'était lundi dernier là. Après, tout le monde a suivi évidemment, mais les premiers, c'était sur Fun Radio, dans Mickaël No Limit, les premières versions de GTA 5 qu'on a eu avant même la sortie, qui a eu lieu mardi d'ailleurs. Hein, photo à l'appui d'ailleurs. Bon, alors je répète, donc la PlayStation 3 Ultra Slim et le jeu GTA 5 à gagner. Donc, si vous avez la réponse à la colle de ce soir de Sarah, pour me respecter, il faut me donner. Pour me donner, il faut m'avoir. Vous avez la bonne réponse. Vous envoyez M-I-K-L et la réponse au 64-900 par SMS ou au 63-22 pour la Belgique. Bon, répète encore un coup, Sarah. Hein, c'est jamais. Ouais. Pour me respecter, il faut me donner. Pour me donner, il faut m'avoir. Qui suis-je? Voilà, bonne chance pour toutes vos réponses. Voilà, bonne chance tout le monde. Bon, ben, Sarah, on te récupère dans un instant, d'accord? D'accord. Je te fais des bisous. Hello. Allez, à tout de suite, Sarah, à tout de suite. Bon, allez, retour dans un instant avec Delphine, avec Pierre. Delphine, est-ce qu'elle est là, Delphine de Reims? Oui, je suis là. Parfait, Delphine. Est-ce que tu étais à l'écoute de l'émission la semaine dernière, Delphine? Oui, oui. Ah, est-ce que tu as entendu quand Antof a eu la malchance de tomber sur un ami corse? J'ai entendu, on va dire, un bref moment. Un bref moment, d'accord, ok, très bien. Et ce bref moment, justement, c'était... c'était... Comment dire, en gros, bah, toi, on va l'expliquer. C'était à base de branlette. Bah non, c'est parce qu'en Suède, ils viennent de légaliser donc la branlette en public. Ouais. Et donc je me suis dit, bah peut-être que je pourrais aller chez des gens pour me branler chez eux, quoi. Voilà, exactement, ils voulaient s'inviter chez eux. T'avais entendu ça, du coup, Delphine? Oui, j'en ai entendu parler. Bon, t'en as entendu parler. Bah écoute, le mieux, c'est que je vais te le rediffuser, tu vas voir. Hein. Pour ceux qui n'étaient pas là, la semaine dernière, c'est jeudi en particulier, entre 23h et 2h du mat. Eh bien, sachez que vous ratez pas mal de choses si vous n'êtes pas à l'écoute la semaine, ouais, de 23h à 2h. Notamment ça, c'était l'appel donc chez un ami corse. Très sympathique. Hein, gentil comme tout. Voilà, première vue en tout cas, écoutez. Oui, il était sympa, oui. Oui. Oui, bonsoir madame. Allô? Oui, bonsoir. Oui. Oui, je vous appelais pour savoir si je pouvais venir me branler chez vous. Ah, ça n'a pas bien marché, hein, comme vous avez pu le remarquer. Et puis bon, c'était le deuxième appel où on a eu l'occasion de plus discuter avec notre ami corse. Hein? C'était surtout avec monsieur. Oui. Alors, on l'avait rappelé du coup, écoutez bien. Non, on était bien. Il était très gentil, très cordial, très serviable. Enfin, le cœur sur la main. Oui, excusez-moi, on a été coupé. Ah, t'as été coupé, mon con? Eh bien, viens, moi, je te coupe entièrement. Espèce de petit pédé de merde, va. Amène-toi, tu vas avoir un petit peu. Je t'accroche derrière ma voiture et je te fais courir jusqu'à Pouriane. Tu vas avoir un petit peu si tu vas plus mettre de chaussures pendant toute ta vie. Espèce d'enculé, va. Ah, très sympa, hein, comme je vous avais dit qu'il était cool. Hein. J'adore. Je vous avais dit qu'il était cool quand même. Cette gentillesse comme ça là. Eh ben, je vais t'accrocher à l'arrière de ma voiture et on ira. Je vais te traîner jusqu'à Furiani. Oui, jusqu'à Furiani. Oh, c'est bon. Ah, il était très gentil, voilà. Donc on appellera et on appelle comme ça tous les soirs sur Fun Radio entre 23h et 2h du mat. Donc si vous n'êtes pas à l'écoute et que vous débarquez pour la première fois, déjà soyez les bienvenus. Et donc on a l'occasion évidemment d'appeler les gens comme ça le soir à partir de 23h sur Fun Radio. Et puis venez nous rejoindre aussi sur le Twitter. Hein. Vous tapez Mickaël officiel pour venir nous rejoindre. Si vous me faites un follow, eh bien je vous ferai un follow également. On est de plus en plus nombreux. Hein, donc déjà sur le Twitter, je sais plus combien on est. On doit être quasiment 12 000 là. Et en plus, ça fait 2 mois tout pile aujourd'hui qu'on a commencé sur Fun Radio l'émission. Oh, bon anniversaire! Donc en 2 mois, on est quand même 12 000 sur le Twitter et on est quand même plus de 162 000 sur le Facebook. C'est quand même pas mal. D'ailleurs, pour une fois, je vais me souhaiter bon anniversaire à moi-même. Voilà, musique de l'anniversaire à nous-mêmes. À nous. Allez. Voilà, bon anniversaire à nous, à tous les auditeurs qui êtes fidèles depuis le début. Voilà. Voilà, bon anniversaire. Et puis merci d'être là de plus en plus nombreux. Là, on le voit en tout cas sur le Facebook, hein, 162 000 alors qu'on est là depuis 2 mois seulement. Et 12 000 sur le Twitter alors qu'on est également là depuis 2 mois. Donc bah, venez, continuez, suivez-nous, parlez-en autour de vous. Bahut, tout ça, il se passe enfin quelque chose à la radio. Et bah, c'est tous les soirs, hein, tous les dimanches, 20h minuit, tous les jours de la semaine, de 23h à 2h du mat. Et d'ailleurs, vous nous le montrez assez souvent, vous êtes contents d'écouter, puisqu'on est souvent en top tweet. On est en top tweet, hein. C'est là que je vais passer pour un con. On y est. Bon, bah, très bien, parfait. J'ai eu chaud, parce que je sais, quand je me suis lancé, je me dis, bah non, il va dire qu'en fait, on n'en est pas. Non, mais puis, juste avant, on y était, mais je voulais vérifier qu'on y était encore. D'accord, ok, très bien. Bon, en tout cas, merci à vous. Et Mickaël officiel, venez nous rejoindre donc sur le Twitter de l'émission. Avec grand plaisir. Il y a le prince Nadia qui dit aussi, elle est Mimi, la voix de Caroline, elle fait pas 23 ans, par contre, ça c'est clair. Ouais. Et Indissociable qui dit, on avait la même technique pour le sport, Mickaël. Ah, bah tu vois, comme ça, on partage un truc, c'est bien. Bon, retour avec Pierre là, et où est-ce qu'elle est? C'est Lisa que je devais prendre maintenant là. On la prend maintenant ou on la prend après, Sandro? Ah bah je discute avec elle, mais là, elle est née chez Zara, qu'est-ce qu'elle a acheté? Lisa veut se mesurer à Pierre, donc je voulais la tester en fait. Ah d'accord, c'est pas grave, ouais, elle est médium. Ah t'es médium aussi, oh c'est bon ça, un battle de voyants. Le clash des voyants. Le clash des voyants, c'est top. Bon, Lisa, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Bon, bah oui, ça va bien. Oui. Et bon, Lisa, la barre est pas tellement haute avec Pierre, donc... Ouais, non, c'est bon, je rentre du boulot, je suis crevée. Alors, on va essayer, mais... Bon, écoute, alors, on va reposer la même question que Toff, hein, pour voir un petit peu si tu auras, ce que tu auras comme réponse par rapport à Pierre. Est-ce que Toff va trouver l'amour? Qui, Tom? Non, Toff. C'est moi. Parce que Tom, c'est pas ça. Concentre-toi sur ma voix. Voilà, sur sa voix, et concentre-toi. Hein. Donc voilà, est-ce qu'il connaît déjà la femme avec qui il terminera ses jours? Est-ce qu'il se fera tuer peut-être par sa femme? Non, mais c'est quoi son vrai prénom aussi? Christophe, il s'appelle Christophe. Christophe. Ouais. D'accord, je regarde. Donc Christophe, on veut savoir quoi? Il veut ça, dis donc, faut qu'il parle avec elle. Ben, oui, alors nous on est au boulot et ça nous empêche pas. Bon, je te passe Toff, c'est plus simple encore, vas-y. Donc Lisa, je repose ma question. Ouais. Donc je voulais savoir si je connaissais déjà la personne avec qui je... Pardon. Voilà. Donc tu connais déjà la personne avec qui tu vas finir ma vie, voilà, c'est ça. Okay. Ah, attends, excusez-moi, pause. Oui. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que vous vous souvenez que Toff passe son temps à nous dire qu'il veut pas vivre avec une femme. C'est vrai. Et là, en fait, il cherche l'amour, ce chien. Eh oui, il cherche l'amour. Pour lui mettre un coup de pelle en pleine gueule, s'il vous plaît. Voilà, bon, musique. Bon, j'y vais. Bon, alors, bah, vas-y. Alors, Christophe, est-ce que Christophe... Oui, Lisa, oui. Combien mesures tu, Lisa? Je me concentre, là. C'est long, c'est long, hein, c'est long. Ça fait peur, là. Elle a besoin d'un petit peu de temps, elle m'expliquait. Non, pour moi, tu connais pas la femme de ta vie, et pour moi, tu la rencontreras, mais vers la fin de l'année. Je crois vers la fin de ta vie. Moi aussi, j'ai pris non, la fin de l'année. Tu seras sur ton lit de mort, elle viendra juste prendre ton héritage. Ça sera pas la fin de ta vie, ce sera une rencontre, mais vers la fin de l'année. La fin de l'année, mais la fin de l'année, genre juin ou décembre? Mais fin de l'année, pourquoi juin? Parce que c'est la fin de l'année scolaire, la fin de l'année radio, télé, voilà, c'est aussi notre la fin de l'année pour nous, mais ça peut être donc la fin de l'année civile. La fin de l'année décembre. Oui, donc civile, quoi, la fin de l'année, Père Noël, les cadeaux, tout ça. Voilà, la fin de l'année, vers l'hiver. Très bien, très bien. Barbe blanche. Voilà. Est-ce que ce sera Mère Noël? Pas besoin d'être médium pour savoir ça, hein. On sait jamais, attends, elle peut être déguisée en Mère Noël, tout ça. Et elle va descendre par ma cheminée. D'ailleurs, ça se trouve, ce sera peut-être toi, Lisa. Hein. Ce sera peut-être toi, Lisa. Lisa, combien mesures-tu? Oula! Je fais 1m67. Combien pèses-tu? Je fais 45-46 kilos. Ah! Quel est ton tour de poitrine? Oula, petit, hein. Petit, hein. Vas-y. Oh, je sais pas, je dois être un 95B, un truc comme ça. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 36. Ah oui, la fin de l'année arrive tôt cette année, hein. Mais ça va avec mon cul, c'est vrai. C'est ça, vous avec son cul. C'est joliment dit. Bon, Lisa, reste avec nous. Pierre, comment te dire que on va te laisser, hein? Bah oui, mais bon, écoute, j'étais pas très disposé pour en fait. C'est ça. Ah d'accord, ok. Arrête la voyance. Oh, c'est pour rire. C'est Pierre, pour rire. Il est déjà passé. Il sait qu'on est. Pierre. Voilà, il sait qu'on aime bien, qu'on aime bien rigoler. Ouais, je pense que DJ, je pense que Pierre est autant voyant que moi DJ. Oui, c'est ça. Par contre, la voyance ça coûte cher, hein, donc je facture à la fin. Lisa, comment te dire que attends, tu vas facturer, Toff va te payer. Attends, regarde. Tu vas voilà. Encore un peu. Voilà. Si on peut faire le rallonge, là, si tu veux. Je te mets, c'est pour moi, c'est le pourboire. Exactement. Ouais. Bon, Lisa, reste deux secondes avec nous. Il y a Delphine dans un instant. Il y aura David également. Et puis, bah, Pierre, merci à toi. Tu reviens quand tu veux. Hein. Tu m'as battu. Salut, Pierre. Allez. Salut. À bientôt. Fille. Allez, ciao, Pierre. On aura Jérém aussi dans un instant. Bonsoir, Jérém. De quoi on parle dans un instant avec toi? Bonsoir, Jérém. Allô. Ça va? Ça va et toi? Bah, tranquille, ouais. Et toi? Tu fais quoi là? Ben, là, je suis sur Toulouse, là, en ville. Très bien. Et ben, on parle de quoi dans un instant avec toi? D'un petit souci avec une fille. Bon, très bien. Bah, n'en dis pas plus, on va en parler dans un instant, juste après Basto, ça te branche? D'accord. Ah ouais, y'a pas de souci. Eh bah, dans Basto avec Dance With Me, ce sera dans un instant sur Fun Radio, restez bien là. Il y a aussi la colle dans un instant, là, on va en reparler juste après la pub, là, je vous remets un petit coup de pression au niveau de la colle, parce que dans un quart d'heure, on va vous donner la réponse pour repartir avec votre PlayStation 3 et le jeu GTA 5 sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël No Limite avec le son de Basto, Dance With Me juste après. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Fun Radio. No limites. Mickaël No Limites. Sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio, et je vous l'avais promis, on va en reparler la dernière ligne droite dans 10 minutes. On fera péter, enfin on va pas la faire péter, on va vous l'offrir. Hein. La PlayStation 3 avec le jeu GTA 5, on a été les premiers à vous l'offrir lundi dernier. Et on va donner la réponse à la colle de Sarah là. Pour me respecter, il faut me donner. Pour me donner, il faut m'avoir. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Vous envoyez simplement maintenant M-I-K-L espace la bonne réponse au 64 900 par SMS tout simplement. Je vous tire au sort et puis on en parle justement d'ici quelques instants. Voilà, vous envoyez donc Mickaël et la réponse au 64 900. Je vous fais confiance, la PS3 et le jeu GTA 5, ce sera peut-être pour vous. Je vous répète encore un coup la question: pour me respecter, il faut me donner. Pour me donner, il faut m'avoir. Si vous avez la bonne réponse, eh bien vous pouvez y aller. En général, je peux vous donner un indice, c'est plutôt des... on le donne à quelqu'un en disant ouais mais bon, je le répéterai pas. Et ça finit toujours par savoir. Voilà. Allez, si vous avez la bonne réponse, 64 900, débuté par Mickaël. Mickaël No Limite jusqu'à minuit avec Basto maintenant, c'est Dance With Me. Nouveau Basto sur Fun Radio, je l'avais fait écouter il y a longtemps, là. Dance With Me à l'instant sur Fun Radio. C'est bon, ça. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900 sur Fun Radio. Ouais, et plein de messages qui arrivent aussi. Hein. Y a Kikiria qui dit coup des affaires de sport ou des règles. Je le faisais tout le temps à l'époque. Bah oui, c'était ce que vous avez déjà trouvé comme excuse bidonne pour pas aller en cours ou pour rater un cours éventuellement. J'ai essayé les règles, mais ça a jamais marché. Sans déconner. Pareil hein. Que Polo. Bah ouais, étonnant, tiens. Valentin qui dit je vous adore, merci Val. Raphaël aussi qui dit le voyant en carton, Pierre à l'instant. Il y a EDM qui dit voyant en carton. Stéphanini aussi sur le Twitter. Moi aussi, je veux ma voyance. Il y a Mister Steven qui dit c'est un médium en carton. Il y avait quoi? Il y a CROK qui dit il fait peur le voyant. Il y a Atou qui dit c'est une arnaque le mec. Andréva qui dit mytho en notre mytho. Bah là a priori en tout cas il était pas bien préparé, c'est ce qu'il a dit. Et le prince Adia qui dit Mickaël, très très sympa la musique d'ambiance, là je vais aller chercher une corde et je reviens. avec plaisir. Bon allez, dernière ligne droite. Sarah, je te reprends deux secondes là puisqu'on va donner la réponse pour la PS3 dans moins de 5 minutes. Répète une dernière fois la colle, Sarah, on t'écoute. Pour me respecter, il faut me donner. Pour me donner, il faut m'avoir. Qui suis-je? Voilà, donc pour me respecter, il faut me donner. Pour me donner, il faut m'avoir. Qui suis-je? C'est le bien cul. Ça? Non. Non, c'est pas le cul. Bon, bah dommage, hein. C'était bien essayé, mais malheureusement, c'est pas la bonne réponse. Dommage. Bon, bah très bien, voilà, bon, on en sait un petit peu plus, hein, si vous avez la bonne réponse. À vous de jouer, il vous reste 5 minutes là maintenant là, pour envoyer Mickaël espace la réponse par SMS au 64 900 ou pour la Belgique au 63 22. Voilà, donc pour me respecter, il faut me donner. Pour me donner, il faut m'avoir. Qui suis-je? Bonne chance tout le monde. Voilà, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. À tout de suite, Sarah, dans moins de 5 minutes, on saura si tu gagnes ou si tu perds. D'accord. Ah ouais, à tout de suite, Sarah. À tout de suite. À tout de suite. Colline, t'es toujours là, t'écoutes la radio tranquille depuis le début de l'émission, tout va bien? Oui, je suis là. Non, non, mais très bien, mais c'était pour être sûr, hein, puisque je rappelle que les parents ont confisqué la radio de Colline, là, donc elle est en on mode. L'héberge. Elle est en mode dans le standard, on t'héberge. Voilà, t'inquiète pas, on te demande pas de loyer nous hein. Ouais, c'est cool. Non non, mais je te dis ça, y a pas de souci quoi. T'es nous, bien là au standard ou pas? Nous c'est gratuit. Ouais, nickel, j'entends bien. Tu veux que je mette un peu de chauffage? Attends, je mets le lance-flamme. Voilà, ça a réchauffé tes fesses? Oui, nickel. Parfait. Alors on est bien. Bon ben Colline, je te remets un petit peu dans le standard, hein, bouge pas de là. Colline? Oui. Bah, je te disais, ne bouge pas de là, je te laisse un petit peu dans le standard. On aura aussi dans quelques instants, souvenez-vous, c'était jeudi dernier également, il s'est passé des trucs jeudi. Hein. Ouais. On avait fait, il y avait un auditeur qui nous avait appelé parce qu'il voulait faire une connerie une copine, à une amie à lui en fait, il voulait lui faire croire qu'il était dans une soirée sadomaso. Donc voilà, ça s'est passé jeudi, on va vous le remettre aussi tout à l'heure pour ceux qui ont raté le coup. On remettra ça donc tout à l'heure dans un petit quart d'heure. Voilà, dans un petit quart d'heure, le temps d'écouter aussi dans un instant Fédé Legrand avec la reprise de Prodigy et No Good. T'aimes bien Delphine? Oui, toujours. Oui. Qu'est-ce que tu préfères, Fédé Legrand ou Selena Gomez? Je dirais bien Selena Gomez. Ah, tu dirais bien Selena Gomez. Ou alors Avicii avec Levels. Un vieux son là, enfin un vieux. Mais il était pas mal aussi celui-là. Je sais pas. Bon alors, plutôt Selena Gomez ou... Plutôt Selena Gomez ou Fédé Legrand? Oh, allez, je reste fidèle, Selena Gomez. Selena Gomez, bah, je te le mettrai avant 10h30, Delphine. D'accord? Ah, super. Avec plaisir. Et si vous voulez choisir vos titres aussi, vous n'hésitez pas. Vous envoyez le hashtag Mickaël sur le Twitter, évidemment, il n'y a pas de problème. Hashtag Mickaël sur Twitter, vous demandez le titre que vous voulez, vous réagissez à l'émission. Bref, on y lira également le top tweetos tout à l'heure, ce sera un petit peu avant minuit. Quel est l'auditeur le plus influent sur le Twitter de l'émission? Et on fait d'ailleurs un petit point maintenant, très bref. Quels sont les 5e et le 4e? 5e et 5e position. C'est un nouveau en 5e. Non. Oui, Morgane 88S. Salut Morgane 88S. Très bien, numéro 4. Damien Wild. Damien Wild, très bien. Oh, yeah. Est-ce que le numéro 1 est toujours le numéro 1? Non. Ah, il y a du changement au niveau du top là. Et le numéro 2 est très loin du numéro 1. Non. Qui n'est pas le numéro 1 habituel. Non. Donc encore une fois, Pierre a dit de la merde. Ah ouais. Pierre le voyant qu'on a eu, l'auditeur, il y a un quart d'heure. Bon, ben en tout cas, tout reste à faire. Il reste 2 heures d'émission là. Pas de problème. Vous mettez le hashtag Mickaël dans un maximum de messages. Que vous parliez de l'émission, que vous parliez avec vos amis de l'émission ou peu importe. Mettez le hashtag Mickaël. Ça vous fera monter dans le classement. C'est véridique le classement. On n'invente pas les chiffres. Hein. Donc véridique le classement. Et donc, bah, on élira donc tout à l'heure le meilleur auditeur de la soirée. Le top tweetos de ce soir, ce sera un petit peu avant minuit. T'es sur Twitter, toi, Delphine ou pas? Non. Bah alors, Delphine, comment ça se fait? C'est quoi ces conneries? Je suis un petit peu vieux jeu peut-être. Genre, t'as quand même Facebook? Oui, Ah, quand même, t'as fait un like sur la page? Oui. Ah, oui. Non, mais d'accord, on sait jamais. Tous les jours. Ça sert à rien, une fois ça suffit. Hein. Voilà, parfait. Par contre, vous êtes en chien pour gagner l'iPhone. Comment vous expliquer que je n'ai jamais vu autant de crevards? Non, mais attendez, vous êtes sérieux? Il y a plus de 400 000 personnes qui ont déjà été voir la photo. C'est vrai que je suis beau, que les iPhones sont là accessoirement. Hein. C'est vrai. Moi, je pense qu'il faut dire la vérité. Les gens viennent pas pour les iPhones, ils viennent pour toi. Voilà, je pense que tout le monde vient effectivement liker ma tête et non pas les deux iPhones bleu et rose. Et que les plus de 22 000 likes sur la photo, c'est uniquement pour moi avec mon beau t-shirt. Bah, évidemment. Plutôt que pour les iPhones. Comment tu as pu avoir des doutes, Mike? Mais écoute, j'ai eu un doute un moment, mais Delphine, c'est bien pour ça que t'as fait un like. Hein. C'est pour ma tête et pas pour les téléphones. Bah oui, voyons. D'accord, ok. J'ai confiance, Mike. À un moment, je me suis un peu inquiété, mais au final, je pense que ça va, alors tout va bien. Tellement magnifique. Mais oui, je te remercie, ça c'est pour le côté mytho. Voilà. Bon, alors, Delphine, retour avec Lisa, notre voyante, là, enfin la médium, hein, qui a mis Pierre au placard, hein. Pierre qui nous avait appelé en disant qu'il avait des dons de médium, mais bon, tout ce qu'il a prédit, c'est quand même avéré mauvais. Elle a gagné le battle. Hein. Voilà, le battle a été largement remporté, Lisa. Et donc, c'est Delphine qui voulait aussi poser sa petite question, Delphine. Oui, c'est ça. Bon, bah écoute, bah Lisa est là, donc tant qu'à faire, profites-en. Lisa, on va pas te tenir 3 heures, hein, je te rassure. Hein. Ah, je pense que je vais m'endormir. Non, t'inquiète pas. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu voulais savoir, Delphine? Alors, en fait, ça fait 2 ans que je suis avec mon copain. Ouais. Et, comment ça s'appelle, en fait, Delphine? Parce que j'ai besoin des prénoms, en fait. Elle s'appelle Delphine. Non, le copain, il s'appelle comment, Delphine, le copain? Alexis. Okay, très bien. Merci. Et qu'est-ce que tu veux savoir, en fait, Delphine? Et en fait, je voulais savoir si c'était pour durer... si ça allait être, l'homme de ma vie. Mais c'est une question à chaque fois, ça, l'homme de votre vie, c'est marrant, mais faut vivre au jour le jour. Hein. Déjà, ça, faut... Elle est bonne, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Isa. Allez, vous me faites chier avec vos questions là. Bah, vous êtes qu'est-ce que vous m'emmerdez? Voilà, hein. C'est... Non mais c'est vrai. Moi je suis voyante mais je vois sur le court terme. T'imagines rester toute ta vie avec la même personne? Ouais. C'est de plus en plus dur, c'est vrai. C'est beau. Mais c'est vrai, ce serait bon. Quand même. Regarde Sandro, elle vivrait avec Toff toute sa vie. Moi je crois au prince charmant. Mais oui, bah voilà. J'ai dit charmant. Bon, t'auras le prince. J'ai dit charmant. T'auras le prince mais pas charmant. Bah, t'auras à voir. T'as pas tout ouais, à voir non plus. C'est compliqué. Hein. Bon, allez, alors Delphine. Delphine et Alexis, c'est ça? C'est ça. Ok, je regarde. Oh là là. Ça va être beau. Oh là là. Ça va être très beau. Pouvez-vous taire, s'il vous plaît, je vous demande. On se tait, on va continuer à parler à l'antenne, mais toi, tu ne nous entendras plus. Voilà. Et donc, elle est relou, quand même. Hein. Alors, moi, comme je vois dans les boules de Toff, Delphine, ton mec, il mange du caca. Peu, okay. Hein. Merci, Polo, pour cette, je suis voyant. Cette voyance gratuite. C'est gratuit. Voilà, c'est ça. Profitez-en. Bon. Alors, c'était la scato-voyance, par contre. Merci. Ah ouais, putain, on va faire cette rubrique, ça va être bien. Voyance, la voyance. Mais comment ça, il mange du caca? Ouais, c'est ça. Bon, alors est-ce que elle a réussi à se concentrer, est-ce qu'elle a pu se concentrer, Lisa, j'espère. Donc là, elle nous entend pas. Okay. Hein, parce que... Ah voilà. Alors voilà. Alors moi, Delphine, je sens qu'Alexis n'est pas bien sûr de lui dans votre relation. D'accord. Des fois, j'ai l'impression que il se sent un peu perdu dans votre relation et que du coup, il n'est pas très présent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et par contre, tu vois, je vois la relation qu'elle va durer. Il y a moyen de récupérer quelqu'un là. Ouais, ouais. Enfin, pas éternellement, mais j'ai pas envie de te dire de date parce que c'est bidon, tu vois. 27 novembre. Mais après, je pense que c'est vraiment important en fait, c'est qu'il faut peut-être plus de communication entre vous, que tu arrives à lui donner sa place dans la relation et que tu sais que justement il soit un peu plus présent pour toi et laisse-lui un peu de temps aussi. D'accord. Bah sinon il y a Toff qui est disponible hein. Oui oui, moi je suis dès qu'Alexis s'en va, n'hésite pas à rappeler. Voilà, tu nous rappelles, il y a pas de problème. Bah voilà, Delphine, on avait dit avant la fin de l'année pour Toff. Ah bah voilà, c'est ah bah voilà, tu sais, ça se trouve c'est avec Delphine. Ah bah voilà, on est sauvés. Putain, t'imagines? Une pierre de couille donc. Oh là là. De ça couille, serait fort. Une paire de couilles. Une paire de couilles, exactement ouais. Bon, et Lisa, et pour l'émission, tu la vois durer ou pas? De quoi, l'émission? L'émission, là, Mickaël No Limit sur Fun, est-ce que tu vois du durer l'émission ou est-ce qu'on va te virer? Pour dire oui, hein. Oh, c'est une bonne question, ça. Ah, t'as vu, hein? Ça, c'est une bonne question. Mais attends, oui, je dis que c'est une bonne question parce que ça te change. Auras-tu une bonne réponse? Mais oui, ça me change parce est-ce que qu'on va être plus charmant? C'est tout le temps les questions sentimentales, tout le temps. Nous, on s'en bat les couilles de ça, nous, on va savoir. alors, est-ce qu'on va rester là longtemps sur Fun Radio? Est-ce que l'émission va durer? Je te laisse réfléchir. Attends. Regarde. C'est là qu'elle va dire, bah écoutez non, alors on joue fin de l'année, hein. Voilà, fin de l'année, parce que Toff il va sortir avec une meuf. Il va y avoir des modifications par contre. Ah, c'est-à-dire? Je sais pas, je sens qu'il va y avoir des modifications, qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter, puis reprendre. Oui, c'est les vacances en général, on s'arrête à ce moment-là et puis on reprend derrière, mais... Non, par rapport à des modifications, peut-être pour plus de 10 mars, à mon avis. Mais par contre, moi, je sens que ça va durer. Hein. Moi, déjà, je vois déjà dans les 3 ans, ça continue encore. Oh là là, on est bon, là. J'achète ma porte. Ouais, tu parles à la banque, Polo, hein. Tu fais un crédit, ouais, mais vous avez quelque chose de sûr? Bah écoutez, alors, il y a Lisa qui a écouté, alors c'était une voyante, elle nous a dit qu'on serait là pendant 3 ans, donc techniquement, le crédit, je peux le gérer, quoi, il n'y a pas de soucis. Et Mickaël, au pire, je veux bien savoir si je vais gagner au loto, hein, s'il faut changer de question. Attends, Delphine, je vais te répondre. Il y a des chances si tu joues. Ah bah, comme ouais, je joue, donc... Voilà, mais bah il y a des chances, ouais. Sur 1 million? Voilà, il y a des chances. D'accord. Voilà, il y a des chances. Voilà, Lisa, je t'ai envie une épine du pied. Au pire, Mickaël, si t'as raison, je partage avec toi. Avec plaisir, Delphine. Alors là, plutôt deux fois qu'une. Je veux même pas la moitié. 10%, ça m'ira très bien. D'accord, pas de soucis. Voilà, parfait, très bien. Bon, bah merci Delphine, je te fais des bisous. En tout cas, merci d'être passée. Lisa, merci à toi d'être passée également. Mais de rien. Bisous. Bon, et puis à bientôt Lisa. Hein. Gros bisous. Ciao. Beaucoup. Merci beaucoup. Bye. Ciao à toi. Bon ben voilà, on est là pour 3 ans là. Et on est... Alors je veux dire, puisqu'on est sûr d'être. Tu sais, c'est comme les mecs à qui on prédit, genre ils vont réussir leurs études, du coup ils branlent plus rien. Donc je voudrais dire à mon boss, c'est un gros connard. Pour voir si ça va. Et là, Pedro, c'est un gros connard, on risque rien. Ouais, Pedro, on risque un peu moins, mais enfin bon. Donc voilà, on va voir si demain on est encore là, si elle avait raison ou pas. Du coup on est en retard pour la colle, puisqu'on devait faire à 10h. Eh ben on va le faire maintenant. Tiens, t'étais toujours là, Sarah? Oui. Oui, allez, très bien, attention, on y va. Sarah, 22 ans de Lorraine, on va donc appeler maintenant le gagnant, la gagnante pour la colle. Hein. Pour me respecter, il faut me donner, il faut m'avoir, c'est ça? Ouais. Qui suis-je? On appelle maintenant la gagnante. Si ça décroche et que la réponse est bonne, c'est gagné pour la personne qu'on appelle. Si ça ne décroche pas ou que la réponse est mauvaise, c'est gagné pour toi, Sarah. On y va. C'est une PS3 et le jeu G. Allô? Oui, allô? Oui, allô, bonjour. C'est Mickaël, tu es en direct sur Fun Radio. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Alexis. Alexis, très bien, Alexis. T'as quel âge, dans quelle ville, toi? Bah, je suis de Poitiers, j'ai 19 ans. Très bien. Alors, Alexis, il y a Sarah que je te présente qui a une question pour toi. Ouais, dis-toi. Alors, la question c'est, pour me respecter, il faut me donner. Pour me donner, il faut m'avoir. Qui suis-je? Alors, Alexis. Le secret. Ouais. Bah voilà. Eh ben voilà, Alexis. Et sur le fil en plus, hein, parce que pour tout te dire, franchement, pour tout te dire, vous êtes très très peu nombreux à avoir donné la bonne réponse, puisque tu t'es inscrit il n'y a pas longtemps, toi, Alexis, là. Ah, c'est un truc de ouf. Et ben voilà, il s'est inscrit il n'y a pas longtemps, il a gagné. Bah bravo à toi, PlayStation 3 Ultra Slim pour toi, et le jeu GTA 5 qui va arriver chez toi rapidos, en tout cas on l'espère, Alexis. Bravo à toi. Hein. Ah, bah merci beaucoup. Là, avec plaisir, c'est Alexis. C'est une journée de bagnole. Et ben voilà, t'as vu. Tranquille. Bah voilà, Alexis, tu fais quoi dans la vie, toi? Tu es encore étudiant ou quoi? Bah non, je suis serveur. Serveur, d'accord. Bah on passera à Poitiers, tu nous feras un petit mojito. On va la tourner. Un café, s'il vous plaît. Et franchement, venez sur Luxor, y a pas de soucis. Eh ben sans problème. Eh ben écoute, pas de soucis, avec plaisir. Ça marche. Merci à toi, Alexis. Merci à vous, y a pas de soucis. Et reste fidèle à Fun. N'oublie pas d'ailleurs de faire passer le message à tous tes potes, hein, qu'on est là au bar également. D'ailleurs, tu peux mettre une petite affiche, des petits stickers. Hein. C'est vrai, tu fais comme dans les bars tabac. Ici, un gagnant. Tu mets ici j'ai gagné ma PlayStation avec GTA. Ça c'est bon. Ça. Si mon patron, il va pas aimer. Oh, on s'en fout, Non, c'est fait pour être insulté, regarde, je vais le faire. Ouais, mais je vais mettre une petite affiche de GTA 5 un peu. Ouais, voilà. Sur le ouais, important. Ouais. Bon, bah salut Alexis, en tout cas, à bientôt. Hein. Eh ben, y a pas de souci, un grand merci. Hein. Ciao, et reste au standard, on prend tes coordonnées. Sarah, merci de passer, tu reviens quand tu veux, encore désolé, on va comme te filer un pack Fun. D'accord. Bon, comme ça, t'auras pas tout perdu, quoi. Ouais, d'accord. Tu seras pas venu pour rien. Sarah. Exactement. Gros bisous à toi, Sarah. Merci. Je t'embrasse, ciao. Et puis ciao. On a encore un jeu là avant minuit. On fait péter l'iPhone 5C, le rose, le bleu, choisissez. Ils sont à voir sur le Facebook de l'émission. Allez voir, jetez un œil, choisissez celui que vous voulez. Puis on tire au sort un des deux gagnants tout à l'heure avant minuit sur Fun Radio, facebook.com/MIKL officiel. Bonne chance tout le monde. Et il y a Stéphanini qui dit bon, vu qu'il a la sécurité de l'emploi, je veux bien de Polo. Ça c'est bon, Stéphanini, c'est pas mal. Il y a Margot qui dit il n'y a pas besoin de voyant pour savoir que ça va durer. Oh Margot, on n'est jamais certain avec ça. Et Jason qui dit ça va durer un bout de temps, en tout cas je l'espère. En tout cas merci pour vos messages, c'est super gentil. Let's be freaks pareil qui dit aussi pas besoin d'un voyant pour savoir que l'émission va durer. Megumi qui dit bonsoir avec du retard. Et moi je confirme Mickaël, je me fiche des deux iPhones, il n'y a que toi qui m'intéresse sur la photo. Kikiria qui dit bien sûr que c'est toi Mickaël, tu es tellement beau gosse. Oh là là. Oh j'hésite à vous offrir l'iPhone à toutes les deux. Oh bah alors. Non, je ne suis pas un vendu. Donc voilà, si vous voulez, vous allez faire le like, les partages, tout ce que vous voulez là sur le Facebook, facebook.com/Mickaël officiel. Et puis on va s'écouter, je l'avais promis, le son de Fédé Legrand. Fédé Legrand avec No Good, la reprise de Prodigy. Puis Jérémy qui est avec nous aussi. T'aimes bien Jérémy le son là? Ouais, nickel. Très bien, eh ben, on va se le caler dans un instant. Et Jérém, on parlera également d'un problème de meuf avec toi, c'est ça? Oui. Bon, parfait, bah bouge pas de là, on va revenir avec toi, avec vous toutes et vous tous en direct. Venez prendre le contrôle de Fun. Où que vous soyez, vous envoyez simplement, bah, vous appelez hein, Sandro au standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Vous n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Il est 22h08 et on est en direct sur Fun Radio. Mickaël No Limit tous les dimanches 20h minuit et tous les jours de la semaine du lundi au jeudi de 23h à 2h. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900. Sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël No Limit. No Limit. Le dimanche soir, 20h minuit. Sur Fun Radio. Et prévenez vos potes qu'on est là sur Fun Radio tous les dimanches de 20h à minuit et toute la semaine également de 23h à 2h du mat sur Fun Radio. On a filé une PS3 avec le jeu GTA 5. On a été les premiers la semaine dernière à vous offrir le jeu GTA 5 et puis on est les premiers encore une fois à vous offrir les iPhone 5C ce soir. Il y a le bleu, il y a le rose, allez voir sur le Facebook. Et puis bah voilà, donc vous venez délirer avec nous, on est ensemble avec vous évidemment. Et puis avec bah, les plus beaux cadeaux que vous pouvez gagner. Kevin qui dit merci pour votre bonne humeur, changez pas, continuez à nous faire rire. Et ben c'est prévu, figure-toi, on va faire ça, il n'y a pas de problème. problème. Avec les meilleurs sons également, vous pouvez les choisir hein, si vous voulez, avec le hashtag Mickaël sur le Twitter. Et puis bah, on s'était mis d'accord tout à l'heure là avec notamment Jerem, notamment pour écouter le son de Fédé Legrand qu'on va écouter tout de suite. C'est une reprise de Prodigy. D'ailleurs je vous l'avais mis le Prodigy à l'époque. Enfin à l'époque, la semaine dernière. C'est genre le mec il y a 10 ans. La semaine dernière, je vous ai mis la version originale de Fédé Legrand avec No Good. C'était donc Prodigy qu'on réécoutera dans un instant. Le canular également de jeudi avec la soirée Sadomaso. On va se le refaire dans un instant. Et puis Jerem aussi juste après avec un problème de meuf. On fait ça après Fédé Legrand, c'est Mickaël No Limit. Bienvenue tout le monde. Fun Radio avec le son de Fédé Legrand découvert chez nous. C'était No Good sur Fun, la reprise évidemment de Prodigy. Mickaël, yeah. Mickaël, No Limit. Le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Fun Radio. En direct sur Fun Radio, bienvenue si vous venez de débarquer, là, 22h14, on est en direct évidemment, balancez tous vos messages comme d'hab, ça se passe au 01 42 48 5000 et pour la Belgique, 02 851 4x0. Message aussi qui est arrivé de Le Prince Adia qui dit par contre, c'est vrai que j'aimerais bien avoir une photo dédicacée de l'équipe. Sont-elles faites, Mickaël? Bah, les photos sont faites, mais elles sont pas encore visiblement imprimées, enfin, en tout cas, on les a pas reçues. Donc dès qu'on les reçoit, vous inquiétez pas, on vous le fera savoir, comme pour les stickers, on vous les enverra également. Voilà. Rémi aussi qui dit heureusement que t'es là, Mickaël, tu me redonnes le moral, je suis en train de faire. Mon DM d'histoire là, bah bonne merde hein. Chris aussi, Chris officiel qui dit faites une dédicace à Manu, pardon, et Anthony. Andréva qui dit si Toff me fait une dédicace, je lui envoie une photo de mes babars. Mais bien sûr, Andréva, je te fais un big up, une dédicace, un tout ce que tu veux Andréva. Très bien, parfait, bah voilà, comme ça tout est dit. Bon, dans un instant, je vous cale Selena Gomez aussi, je l'ai promis. Avec Slow Down. Ça, j'avais promis tout à l'heure à Delphine et à Lisa. Hop, ça arrive, Selena Gomez sur Fun Radio. Et puis, bah, vous, hein, si vous voulez venir discuter avec nous, vous êtes les bienvenus. Et puis, Jérém également, on l'avait de Toulouse. Comment va, oui. Jérém? Ça va, nickel. Tu fais quoi dans la vie, toi, Jérém? Je suis apprenti cuisinier. Apprenti cuisinier. Ah, c'est bon, ça. Quand est-ce que tu passes à la radio, là, pour faire un petit truc à bouffer, là? Quand vous voulez. Ah bah très bien, écoute, moi j'en vais. En plus aujourd'hui ça fait deux mois tout pile qu'on est à la radio là. Oui, ah bah voilà, donc super, hein, merci à je tout le monde d'ailleurs. Tous les soirs, je vous écoute tous les soirs. Oh bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir, voilà. Jérém. Moi je propose que tu fasses une pièce montée avec Sandro dedans, hein, comme ça elle sort. Ah ouais. Ah c'est une idée, ouais, c'est une idée, pourquoi pas. De farine. Oui, parce que là j'ai pris du poids. Non, mais t'inquiète pas. On va te mettre un petit vélo là, tu vas voir. Dans le studio. Ah ouais, parce que la semaine dernière c'était 4, la semaine d'avant c'était 3, donc il y a un moment. Non, mais parce que c'est bien le poids bouge, mais dans le mauvais sens. Voilà, c'est ça. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, et le prince Cédric qui dit encore très actif ce soir. Hein. Avant, je détestais le dimanche soir, mais ça, c'était avant. Maintenant, j'adore grâce à Mickaël No Limit. 20h minuit, merci beaucoup. Et puis, Let's Be Flux, il y a 8 off, suis-moi sur Linkin Park. Oh non, arrêtez. Ah, bah, je te le mettrai tout à l'heure. Je vous le mettrai tout à l'heure. Bon, Greg, Jérém, pardon, excuse-moi. Toi, tu voulais qu'on parle de ta copine, c'est ça? Pas ma copine, en fait c'est mon plan cul en fait, hein. C'est une grosse. Non, pardon. Non, franchement c'est pas une fille comme ça. Bon alors c'est qui, c'est quoi, explique-nous. En fait, c'était en juin de cette année, c'était le 21 juin, pour la fête de la musique, j'ai rencontré une fille. Ouais. Qui s'appelle Hélène. Qui s'appelle Hélène, très bien, ouais, jusque là on tout va bien. On a parlé, on est allé en boîte, on a parlé ensemble et tout, j'ai eu son numéro, elle m'a passé son numéro, on a parlé. Donc on s'est vus. Ouais. Et au bout de 3 semaines, on est sortis ensemble. D'accord. On sort ensemble. Le 24 juillet, je pars habiter sur Toulouse parce que j'avais trop de problèmes sur Tarbes, donc j'ai préféré partir à Toulouse habiter. D'accord. Et elle m'a lâché. Oh là ça, pardon. Oh, tu et là, j'étais comme un con. Et d'accord. Et donc en fait, tu lui as parlé, elle t'a dit... Nique ta mère. Voilà. En gros, c'est ce qu'elle a dit, quoi, déjà. Je t'ai parlé. Non. Bon, d'accord. Et là, 2 semaines après, je reçois un message de Hélène. Elle me dit ouais, je m'habite à Toulouse. D'accord. Donc elle te rejoint. Et là tu lui as répondu. Voilà, et là tu lui as répondu ça. Va te reculer, salope. Non, tu lui as pas répondu. Pourquoi tu venais à Toulouse et tout. Elle fait parce que j'ai pas trouvé de travail à Tarbes, donc je vais aller à l'université au Mirail à Toulouse. Ouais. Et c'était pour toi aussi que j'étais venu. D'accord, et après là, elle t'a répondu ça. Vas-y, va te faire enculer, connard. Non. Ah merde, putain, j'essaye de deviner la suite, mais c'est compliqué quand même. Hein. On sort ensemble. Ouais. On sort ensemble. Et elle veut rester amie. Ouais. Sauf qu'on est resté amis, bon, on s'embrassait et tout, on se dit des câlins. Ouais, et après, vous vous êtes embrassé, elle a dit... Ferme ta gueule, gros bâtard. Non. Ah merde, bon, et d'accord. Du coup, après, elle m'envoie un message et elle me dit, on est plus ensemble et tout. Donc voilà. Et là, tu lui as répondu ça. Donc, je vais ta mère, fils de pute. Non, je lui ai répondu, tu sais quoi, tu m'as pris pour un con, mais maintenant, va te faire enculer, je lui ai dit. Putain, c'est le seul que j'ai pas mis. Va te faire enculer au PD, va. Oh, merde, c'est le seul. Et donc après, c'était quand c'était vendredi, elle m'envoie un message, elle me dit, ouais, je vais me remettre avec toi. Donc, je comprends pas ce que je dois faire, soit je dois l'envoyer chier, ou soit je reviens vers elle, je sais pas. C'est le chat et la souris là quoi. Non mais attends, t'es sérieux? Tu vas quand même pas, t'hésites quand même pas à retourner avec elle. Et hier, je suis allé en boîte. Ouais. J'ai rencontré une fille qui s'appelle Marie. Enfin, qui m'écoute là à la radio, qui m'écoute. Ah bah ça va lui faire plaisir en plus. Voilà. Et bah alors j'ai rencontré une meuf, mais alors comme c'est le second choix, j'hésitais avec l'autre. Non. Vous êtes vraiment des ouf les gars. Et là la Marie elle va t'appeler, non. Elle va te dire. Ah, t'es faire un cul au PD. Voilà. Et elle aura bien raison. Non. Vous non. êtes grave les gars. Non mais Marie elle est mignonne. Elle est blonde aux yeux verts. Ouais. J'ai cru qu'elle dire elle est bonne mais non. Non, je suis pas bonne parce que ça se voit, on dit qu'elle est mignonne. Ah ouais, c'est déjà ça. Oui. Et donc on a parlé et tout. Bon, pour le moment, on ne veut pas se mettre ensemble parce que moi déjà, je veux pas me caser et elle non plus. Ouais, et puis en plus, elle t'a dit ça, non? Tu me dégoûtes. Non? Non. Ah bon. C'est pas logique, en plus, tu dis, je veux pas me caser, mais tu veux quand même récupérer ton ex. Je vais pas dire que je vais récupérer mon ex. Non, parce qu'en plus de ça, parce que là, Marie, après, a répondu ça. Tu te le mets dans le cul. Voilà. Non. On va mettre l'option décodeur Polo. Oh mais attends, il a rien compris Polo là. Je comprends pas ce qu'il dit, Jérém. Il dit rien. Merci Polo. Il s'est attaché à l'autre meuf et puis à Marie, mais prends Marie. Mais il dit qu'il veut pas se caser. Je vais prendre Marie. Non, Toff, du calme. Non, mais tu vas la prendre dans quel sens alors? Je sais pas, j'essaie de décoder les paroles. Non mais après, aujourd'hui, Marie et moi, on s'est vus, on s'est fait des bisous, on s'est fait des câlins. On s'est posé sur le canal, on a et parlé. Et puis tu vas la tromper de temps en temps, c'est ça? Non. Donc tu veux te poser? Je veux me poser, mais pas. Tu vois, je veux prendre le temps avec elle. Tu vois, parce que je la connais depuis hier, je veux prendre le temps avec elle, de se connaître un peu plus. Et peut-être plus tard, peut-être. Mais oui, mais laisse les choses se faire. Peut-être. Bon, en fait, j'ai compris. Tu te la mets sous le coude au cas où ton ex, tu la récupères pas. Non. Et mon ex. Ouais. Elle fait que m'envoyer des messages. Et moi je dirais réponds plus parce que. Ah oui, elle t'a répondu ça aussi. Elle t'a pas répondu ça? De toute façon, moi je réponds pas aux cons. Hein. Non. Non. Ah merde. Non. Ah, je pensais. Et donc voilà. Ton ex là, tu veux faire quoi? Mais. Eh base là. Je sais pas. Je sais pas. Voilà les hommes d'aujourd'hui. Mais non, mais base là. Les hommes d'aujourd'hui. Parce qu'il y a un mec qui est indécis. Voilà les hommes. C'est genre sous-entendu, les meufs, elles savent direct ce qu'elles veulent. T'inquiète. Mais tac. C'est même pas qu'il est indécis. Qu'on a 5 kilos à perdre, on parle pas. C'est même pas qu'il est indécis là. C'est qu'il se fait des feintes à lui-même. Oui, c'est vrai. Il se feinte lui-même. Non, mais Jérém, la meuf, elle se fout de ta gueule depuis. Comment elle s'appelle encore ta meuf? Hélène, voilà, c'est ça. La meuf, elle se fout de ta gueule depuis le début. Elle revient encore une fois, mais baclac, sans la foutre. Mais elle se fout pas de sa gueule. Hein. Elle vient, elle part. C'est bon. Oui, mais parce qu'elle sait pas. Il a raison, Mickaël. Merci, Jérém. Elle est pas indécise, elle sait ce qu'elle veut. Pourquoi, qu'est-ce qu'elle a, ton ex? C'est quoi qu'elle te reproche? Que. Hélène. Je m'appelle Hélène. J'attendais que quelqu'un la fasse, celle-là. Voilà. Mais je sais pas, ça me trouve mignon un tu peu. Tu l'as mais, trompé qu'est-ce qui, ton ex est trop mignon, tant mieux. Je l'ai déjà jamais trompé. Mais en fait, elle veut pas me dire ce qu'elle ressent et. Bon, mais écoute, tu sais quoi? Moi, je vais la faire parler. On va l'appeler dans un instant, Jérém. Non. Je vais lui mettre la lumière sur la gueule. Je veux pas lui parler. C'est bon. Non mais toi tu lui parles pas, c'est moi qui lui parle. Nous on lui parle. Non. Si. Non. T'as pas ton numéro? Bah si j'ai ton numéro. Mais vas-y, je l'ai dans la tête le numéro, vas-y dis. Bah voilà, justement, je vais pas le donner à l'antenne, sinon tout le monde va l'appeler en même temps là. Mais pourquoi tu veux pas qu'on l'appelle? Parce que je veux plus en entendre parler. Mais ça n'a rien à voir, mais on va pas démonter l'histoire. Attends, tu veux préfères quoi? Attends, Jérém, tu préfères quoi? Raccrocher avec nous, machin, et finalement te rendre compte que t'es pas plus avancé? C'est ça. Ou alors raccrocher avec nous et te dire ok, maintenant je sais que voilà, je peux aller avec Marie, ou au contraire raccrocher et dire ah bah voilà, maintenant moi je sais qu'avec Hélène, bah je sais ce qu'elle veut, comment ça va se passer. Et non, voilà. Mais, est-ce que tu veux raccrocher Hélène... en étant avancé, ou est-ce que tu veux raccrocher en ayant reculé? Qu'est-ce que je parle bien? Mais... trop bien, Michel. Je m'offre un iPhone. Je sais pas. Ah, si tu m'offres un iPhone, il y a pas de souci. Non. Bah, tu sais quoi? Attends, laisse-moi réfléchir. Voilà. Ça, ça c'est cadeau, ça. C'est cadeau, ah, c'est gratuit. C'est gratuit. T'as même pas dû t'inscrire, t'as vu? Mais t'inquiète pas, on a une pelle. Mais on exactement. A un lance-flamme. On a des coups de poing et on a également le marteau piqueur. Et un marteau piqueur. Voilà, tout est là, il n'y a pas de problème. Un marteau piqueur. C'est pas mal, ça. Un marteau piqueur. N'importe quoi. Explication. Voilà, c'est ça. Mais je pense que j'en suis sûr, je veux choisir Marie. Franchement, je veux choisir Marie. Bah alors, pourquoi tu nous appelles? C'était aussi pour passer une dédicace. Ouais, bah tu sais quoi, Jérém? Voilà, soit on appelle Hélène, soit tu fais pas de dédicace. Voilà, Hélène ou dédicace? Hélène ou dédicace? Hélène ou dédicace? Dédicace. Alors pas de dédicace, Marie, si on n'appelle pas Hélène. Allez, s'il te plaît, dédicace. T'as vu comment elle est? T'as vu Marie? En plus, elle écoute, t'as vu comment il est, Jérém? Il a pas les couilles, il ose pas téléphoner, c'est pas un homme. C'est pas un homme. Il est là, il se laisse faire marcher dessus. T'étais le second choix, Marie, faut quand même le savoir avant qu'il appelle. T'étais le second choix. Voire même le troisième, on sait pas s'il n'y en a pas une entre les deux. Voire peut-être le troisième choix. Laisse-moi passer une dédicace, s'il te plaît. À une personne. On n'a pas appelé Hélène. Non, c'est vrai. On ne laisse pas faire. Laisse-moi faire une dédicace à toute Toulouse et. Hop, terminé. Voilà, tout Toulouse est passé. Hein, tout le monde l'a eu, sa dédicace. À toute. Voilà. Très bien, bah c'est parfait. Voilà, t'as vu, on n'est pas des enculés. Hein. Voilà, merci. Bah, de rien. Je veux bien, pas que chaîne. Ouais, bah écoute, là tu peux te le mettre dans le cul quand même, un petit peu. Ok. C'est comment ça, toi? Mais okay. On va te le filer, oh, Jérém, là. Oh là là. Pourtant, lui, il nous a pas donné grand chose. C'est vrai, c'est vrai. Nous, on voulait appeler ta meuf pour qu'il se passe un truc, là, et puis, bah rien, tu nous as mis dans la merde. Tu m'as déçu. Allez, donne le numéro d'Hélène, allez. Vas-y, on l'appelle. Allez. Oh là là. Bon bah du coup on va se faire une soirée sadomaso. Salut Jérém. Ouais, voilà. Salut. Ciao à toi, bye. Salut. Le dimanche soir, 20h minuit. Ah, vous allez me casser les couilles longtemps là. Mickaël, Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio. Ouais, et juste après Selena Gomez et Slow Dance, c'est le canular là qu'on a fait la semaine dernière. C'était jeudi, spécial sadomaso juste après sur Fun Radio. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, bienvenue tout le monde, là 22h30, il y a l'iPhone 5C encore à pécho là sur le Facebook, facebook.com/chezmickaëlofficiel, et puis un message aussi de Nano qui dit waouh, on est en effervescence sur Fun Radio, allez on lâche les cheveux et détente. Yeah Nano, à la cool. Bon, et puis Selena Gomez à l'instant avec Slowdown qui apparemment est interdite de passage en Russie. Ouais. Apparemment ils ont peur qu'elle soutienne la cause gay. Donc du coup ils l'ont virée. Voilà, elle peut pas venir. Et avant de récupérer dans un instant Dorian qui a encore un problème avec les filles là, eh ben on va se faire le moment sadomaso de la semaine dernière. C'était jeudi, un auditeur qui nous avait appelé pour piéger une amie à lui en fait, en lui faisant croire qu'il était dans une soirée sadomaso. On écoute ça maintenant avec Greg qui est avec nous là. Comment ça va? Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Impeccable. Bon, t'appelles pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'ai Adeline, une copine qui est une amie de ma femme, voilà. Ouais. Ma chérie. C'est mignon. Tu es avec elle depuis combien de temps? 3 ans. Quand même, très bien, d'accord. Ça fait beaucoup de temps, ça fait pratiquement un par an. Oui, je tiens le coup, ouais, c'est bon. Non, mais c'est bien. Encore 5 et j'arrête de travailler pour les allocs. Mais Bon, très bien. Et donc, alors, on va l'appeler, tu veux lui faire croire quoi? Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux la rendre dingue? Que je suis avec des potes dans une soirée SM. Mais en plus. Attends, soirée SM, attends, je vais regarder fixe. Parfait. Définition. Attends. Parfait. Mais en plus, ça reste que des mères. Très bien, bah j'ai que des meufs, hein, je suis désolé. T'inquiète, avec Polo on fera les mecs. Ah bah génial, parfait, me voilà rassuré. Bon, et donc t'es dans une soirée SM et c'est quoi? C'est juste pour la rendre jalouse ou c'est quoi l'idée? Et qu'en fait, c'est pour lui mettre un petit coup de pression, mais c'était aussi pour que les amis me laissent partir de cette soirée, il faut qu'elle me ramène des ingrédients. Des donc, ingrédients? Ouais. On voudrait faire un gâteau sur place avec les un gâteau. Très bien, ok. Bon, eh ben écoute, on va l'appeler, on va voir comment ça va se passer. On l'appelle maintenant, elle s'appelle comment elle? Adeline. Adeline, et ta copine elle s'appelle comment?

putain, c'est bon. Eh, on a eu chaud, hein. Sinon, on aurait prévenu ta copine, Greg, si elle avait pas cru à l'histoire de la radio. Non, mais je pense que là, en plus, tu lui aurais pas dit, je pense que derrière, elle l'a fait, quoi. Mais bien sûr qu'elle. Espèce de balance. Balance. Et ouais. Eh oui, merci pour ce. C'était très bien, Greg, ça, le MMMA. Je me suis fait rire moi-même, là. Nous retiendrons que ça ce soir. Bon. Bonne soirée, tous les deux, hein. Adeline. Merci, oui. Tu me files ton numéro de téléphone ou pas? Non. Oh là là. Et ben voilà, ce sera resté sur cette sur encore un énième foirage. Hein, voilà. Du foirage. Une énième tôle, voilà. C'était donc le canular de jeudi là, quand on a appelé donc justement cette copine pour copine de Greg pour lui faire croire qu'il était dans une soirée sadomaso. On en refera un autre hein, si vous voulez aussi appeler des gens pour les piéger, les mecs de votre famille, n'importe quoi, peu importe, ou des amis, pour leur faire croire tout n'importe quoi. Il n'y a pas de problème, n'hésitez pas, vous vous inscrivez maintenant en plus. Si on se marre bien, on pourrait repartir aussi avec un lecteur Blu-ray, un lecteur DVD, donc voilà, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Bon, Dorian dans un instant est avec nous d'Avignon, ça va Dorian? Ouais, ça va et vous? Ouais, ouais, ça va, tranquille. Ouais, tranquille, grave. Tranquille, tranquille, tranquille. Bon, Dorian, tu vas. Vous moquer ou quoi? De quoi, de quoi? Vous avez fini de vous moquer? De moquer de quoi? De toi? Ouais, ouais. Ah, mais on se moquait pas, attends, ouais. Tu vas voir quand on va se moquer. Non, on se moquait pas, Dorian. Bon, de quoi on va parler dans un instant avec toi? Alors en fait, j'ai quelques petits gros problèmes avec quelques petits ma gros meuf. Problèmes, j'aime bien le l'explication. Donc quelques petits gros ouais. problèmes avec ta meuf. Bon alors bouge pas, on va en parler dans un instant. Dites-nous d'ailleurs les filles, les garçons, si vous avez déjà eu aussi des problèmes avec vos copains, copines, comment ça s'est passé, ça s'est bien ou mal fini. Appelez-nous 01 42 48 5000 02 851 4x0 pour la Belgique, vous y allez. On est là jusqu'à minuit sur Fun Radio avec encore les iPhone 5C à choper sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikl officiel, tirage avant minuit évidemment. Et puis comme promis, dans un instant sur Fun Radio, ce sera le son de Avicii sur Fun Radio avec Levels. Ouais, ça fait du bien ça, ça fait longtemps qu'on n'avait plus entendu celui-là. Tiens, Avicii et Levels, c'est ce qui va débarquer dans un instant sur Fun Radio. 22h43, on est en direct jusqu'à minuit, bienvenue. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Mickaël, nos limites, 20h minuit sur Fun Radio. Et c'est bientôt terminé le match là, il reste même pas 5 minutes pour Paris-Monaco, ouais. Toujours un partout. Et on va voir comment ça va se passer, ça pousse à gauche, ça pousse à droite. Mais quoi qu'il en soit, on s'est rendu compte que Pierre, notre voyant du début de l'émission, était au top. Et voilà, s'est trompé puisqu'il avait pronostiqué un 1-0 pour Monaco voilà. En dernière minute. Encore que, peut-être que Monaco va nous mettre un but en dernière minute, on verra bien. Bon, en tout cas, on est là sur Fun Radio jusqu'à minuit. Les iPhone 5C sur le Facebook, c'est là que ça se passe. Facebook.com/mikl officiel si vous voulez venir les choper. Il sera peut-être pour vous. Le bleu, le rose, on a reçu les deux, ils sont là. Regarde, ils sont là, là. Voilà, vous pouvez voir sur la photo qu'on les a réellement, hein, c'est pas du pipeau. Donc venez voir ça, facebook.com/mikl officiel tout simplement. On va revenir aussi parler des problèmes de meufs là dans un instant avec notre ami, comment s'appelle-t-il, Dorian, voilà, dans quelques instants sur Fun Radio. Et puis bah vous en direct, venez prendre le contrôle, tous les messages qui arrivent sur le Twitter aussi également, hein, vous tapez mikl officiel pour venir nous rejoindre. On est quasiment 12 000 sur le Twitter de l'émission, 12 000 pour une émission qui n'a même pas deux mois, ça fait plaisir. Continuez à venir, prévenez tous vos potes également, vous tapez mikl officiel, vous me faites un follow et je vous ferai un follow également. On écoute Avicii, c'est Levels sur Fun Radio. C'est Fun Radio avec Avicii, Levels sur Fun Radio. Bienvenue si vous venez de débarquer. Le dimanche soir, 20h minuit. Ah, vous allez me corser les couilles longtemps, là. Mickaël, Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio. Mais oui. Et la France qui est championne du monde de basket, ça y est, c'est fait. Voilà. Bon, pas encore de foot, hein. Il va falloir d'abord être sélectionné pour ça, hein. C'est pour encore gagner. Donc, voilà, prenez ça au moins, c'est ça, toujours ça de prix, effectivement. Ouais. Bon, allez, c'est bientôt terminé, là. On est dans les prolongations pour le Paris-Monaco, là. Il reste 2 minutes dans le temps additionnel. Toujours 0-0 avec une belle occasion pour Paris, hein. C'est dommage, ils n'ont pas pu concrétiser. Oh, putain, j'aurais une carrière footballistique, là, non? Commentateur, là, non? Le prince Ada qui dit les filles se font fouetter et adorent ça apparemment sur la musique de Fédé Legrand, c'est tellement bon. Ah oui, c'est par rapport à Greg qu'on a eu tout à l'heure là pour le canular sur le sadomaso. Max du 11, RNY aussi qui dit vous êtes énorme, merci. Mais Megumi aussi qui dit la fille ne se rend pas compte de la chance qu'elle a. Ah ben c'est sûr qu'elle s'en rendait pas vraiment compte. Hey, tu te rends compte de la chance que t'as? Non, non, justement. Et Judas aussi qui dit juste énorme le canular là. J'étais plié, la réaction de la fille aussi. Let's be freaks, il dit fouette-moi, souille-moi, défoule-toi sur moi, Tof. Mais oui. Décidément, décidément. Oui. Jessica qui dit aussi là sur le Facebook, là, merci pour ces fous rires tous les soirs. Gros bisous à toute l'équipe. Tom qui dit, s'il te plaît, fais-moi gagner, s'il te plaît, je te file 10 euros, la couleur que tu veux pour l'iPhone. Oh là là là là là là, t'es au top, t'es au top, t'es au top, t'es au top. Bon, et Yako aussi comme message, la Sweet qui dit, oui, moi j'ai un pied plus grand que l'autre, un pied 48 au lieu de 40 et l'autre 46. Mais ah oui, c'était le sujet du début de l'émission, ça. Ah putain, il y a un grand écart, c'est pas juste. Ah bah, une taille, là. Ah bah 48 et 46, effectivement, oui, c'est assez chaud, c'est clair. Il doit faire des micmacs dans les boîtes. Ouais, c'est pratique quand tu vas acheter tes chaussures. Oui, vous avez besoin de quoi, monsieur? Bah, je prends celle-là et l'autre, même si c'est pas la même taille, mais c'est parfait, justement. Justement, c'est bien pour ça que je la prends. Bon, on écoutera tout à l'heure aussi, là, Will.i.am. Will.i.am avec Fall Down sur Fun Radio et Miley Cyrus. C'est ce qui va arriver tout à l'heure. Et puis j'ai bien envie de me mettre avant minuit aussi le nouveau son de Linkin Park. Linkin Park avec A Light That Never Come. Ah, Linkin Park et Steve Aoki, bien entendu, évidemment, on se le mettra peut-être tout à l'heure avant minuit. D'ailleurs, dites-moi si vous avez envie d'entendre celui-là, tiens. Vous émettez votre hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission, n'hésitez pas, vous faites votre monde hein, tous les soirs, on est en direct avec vous. Le dimanche de 20h à minuit et toute la semaine du lundi au vendredi, du lundi au jeudi, pardon, de 23h à 2h du mat. Bon, alors, retour avec Colline, toujours là Colline? Oui, toujours là. Colline a ses parents qui lui ont piqué la radio, donc du coup, on l'a mise dans le standard pour qu'elle puisse suivre un peu l'émission, quoi, c'est ça, hein? Ouais, carrément. Voilà, donc tranquillement, pépère et tout, on est bien. Attends, parce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a un truc, mais depuis tout à l'heure, il a honte et il a fait de mine de rien, il s'est baissé comme ça. Quoi? Il a dit un truc, mais il veut pas répéter. Vas-y, répète. Qu'est-ce que t'as dit? Non, j'ai rien dit. Non, t'es obligé maintenant, t'es obligé. Vas-y. J'ai demandé à Colline s'il était pas redescendu. De la Colline. Oh putain, ouais. Aïe. Je sais pas qui mérite la claque. Est-ce que c'est Polo pour avoir relancé le truc? Ou est-ce que c'est vous deux? Bah, je pense que vous deux, en fait. Voilà. Oui, parce que. Voilà. C'est une sale balance, Polo, hein, parce que j'ai fait signe en plus. Bah oui, c'est une balance. Tu disais, Colline? Il limite un coup de bazooka. Il limite un coup de bazooka. Oui, tu as raison, effectivement. D'abord un lance-flamme. Ouais. Et puis un bazooka. Ouais. Voilà, dans sa sale gueule. Voilà, exact. Dans vos deux gueules, attention. Ah, oh là là, les deux. Pas déconner. T'as mérité. Bon, Colline, qu'est-ce que tu préfères, toi? Will.i.am, il y a Linkin Park avec Steve Aoki ou Robin Thicke? Moi, je préfère Antidote. Un petit quoi? Antidote. Ah, oui, mais est-ce que j'ai ça? Attends une seconde. Attends, ramène-moi le groupe, c'est quoi? Attends, c'est bon. House Mafia. Swedish. Ouais, Swedish. Parce que celui-là, la moitié du titre, ça va pas. Alors, bah oui, mais c'est vrai. Je vais écouter House. Alors, Antidote. Alors, est-ce que j'ai ce morceau-là sous la main? Alors. Oui, t'as de la chance, on va te le mettre. Attends, bouge pas, je te le cale. Tu me dis, c'est ça? C'est bien ça? C'est ça, parfait. Eh ben, on va te le mettre dans un instant. Bouge pas de là, du coup, Colline. T'as vu ça? T'es dans le standard. T'écoutes la radio grâce à nous parce que t'es vieux, ils t'ont piqué la radio. Et en plus, tu choisis Swedish House Mafia alors qu'il était pas prévu. Ah ben voilà. VIP. T'es plus que VIP là, t'es au taquet. Bon, Colline. Vous pouvez m'appeler tous les soirs maintenant. Ah bah, si tu veux, nous après, si t'as pas d'autre radio et que c'est ton seul moyen d'écouter l'émission, avec plaisir. Y a pas de problème. Bon, alors, c'est fini pour le match. 1-1 finalement pour bravo à Pierre Levoyant qui avait prédit la victoire de Monaco dans les dernières minutes et malheureusement un échec total. Bon, Dorian est avec nous à nouveau, Dorian d'Avignon, dans Vaucluse. Oui. Bon, alors, Dorian, toi tu nous appelais parce que t'avais un problème avec une meuf. Alors explique-nous un petit peu l'histoire là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Voilà, en fait, moi je suis avec une meuf depuis 3 semaines en fait, et donc elle a toujours pas largué son ex en fait, donc elle est toujours avec. Et le deuxième souci aussi, c'est qu'en fait, je pense pas que je vais continuer avec elle, parce qu'en fait, quand elle parle que d'argent ou d'objets qui coûtent énormément cher, genre sac à main Louis Vuitton. Des Louboutins, des. Enfin voilà quoi. Voilà, c'est une michetonneuse en fait, tu vois. Ah oui, d'accord. Tu parles pognon, voilà. D'accord. Moi j'ai un bon résumé à ça. Va te renculer, salope. Voilà, tu lui réponds ça quand elle te demande un truc, hein. Non mais attends, il y a un moment, faut pas déconner, hein. Quand elle te demande autre chose, tu lui réponds ça. Nique ta mère, t'as compris, c'est bon maintenant. Voilà, non mais attends, il y a un moment, faut quand même pas déconner. J'ai quand même encore mieux, tiens. T'es plus reculé au PD, voilà. Bon, après, t'adaptes, hein, bien sûr. Hein, oui, il faut adapter. Hein. Non, mais attends. Après, c'est un peu trop, quand même. Non, oui, peut-être. Mais il y a un moment, faut pas déconner. Attends, la meuf, elle voit en toi qu'un mec qui peut lui payer tout ce qu'elle veut, quoi. N'oublie pas après, que toute michetonneuse si vit. Ça a à voir avec mon taf ou pas, tu vois. Donc attends, pas. Parce qu'il y a Polo qui essaye de te donner un conseil. Ah ouais. N'oublie pas que toute michetonneuse vit aux dépens de celui qui l'écoute. Voilà. Merci Polo. C'est beau, hein. Quelle belle phrase. Voilà. La michetonneuse et le polo. Exactement, exactement. La michetonneuse. Voilà. Bon, et Dorian, donc du coup, pendant combien de temps t'es resté avec elle? Bah là, ça fait 3 semaines en fait. Mais du coup, ah oui, 3 semaines. Vas-y, bah elle, elle est vraiment intéressée. Donc moi, je me dis, ça se trouve, c'est peut-être par rapport à ce que je fais, peut-être dans mon taf. Donc je sais pas. Et sinon, tu donnes ton numéro. Moi, je me fais passer pour un mec hyper blindé qui veut tout lui offrir pour voir si elle va te dégager. Non mais sérieux, tu vois. Ouais, mais... j'arrive, j'appelle, je dis ouais machin, écoute, moi justement j'avais une meuf, je lui avais promis des loups boutins, etc. Enfin tu sais, t'essaies de l'enfumer un petit peu. Et puis tu vois, c'est-à-dire que si la meuf direct elle te dit non, moi je suis déjà avec un mec et tout machin, peut-être qu'elle t'aime bien quand même. Et si direct elle dit ok pour qu'on se voit, c'est que la meuf c'est vraiment là, elle est donc avec le plancher quoi. Peut-être, si tu ça veux. Ça peut être une idée, pas, ça, Dorian. Avis, c'est pas le plancher qu'elle veut rien, c'est sa carte bleue. C'est oui, aussi, effectivement, ouais. Mais quoi, t'es blindé, toi, Dorian? Non, mais moi, après, j'ai un métier où. C'est voilà quoi? Attends, mais tu fais quoi? Bah, je suis dealer de drogue. Ah, bah oui. Non, voilà, quoi, ouais. Non, moi, je suis chroniqueur people, donc en fait, voilà, je. Chroniqueur people! Qu'est-ce que c'est que ça comme métier? Mais sur quoi? Sur Internet? Ouais, sur Internet, ouais. Et comment tu gagnes de l'argent avec ça? Bah ouais quand même, ouais. Après je gagne pas des masses quand même, tu vois, mais non, mais voilà, pas de quoi lui offrir des loups boutins, du Vuitton, etc. Si, mais il mange pas pendant 8 jours. Oui, mais c'est ça, parce ouais, que voilà, tout simplement, plus que 8 jours, hein. Tof, il bouffe plus du tout là, hein. Ah, pendant au moins quelques années. Non mais sérieux, ah oui, ça coûte très cher, ouais. Bah non mais ça c'est sûr, mais voilà, donc t'es chroniqueur sur Internet, donc tu dois quand même pas gagner de Laurent Barre non plus. Bon, je me plains pas, franchement, ça va. Après, bon, c'est sûr, je pourrais me permettre, mais après, non, je veux pas. La meuf, c'est 3 semaines que je suis avec, et elle me parle que de ça, en fait, que le truc coûte cher. Non, donc, mais voilà, voilà, vas-y, vire là. Mais en fait, t'es chroniqueur people, donc la meuf, elle a cru que t'étais aussi blindé que les people que tu chroniques, quoi. Exact. je pense aussi, ouais, il y a peut-être ça, et puis bon, peut-être qu'elle aussi, elle veut profiter, voyager, et tout, donc après. Oui, mais voilà. Quel âge elle a, elle? Ouais, elle a 21. Moi, j'ai 22. Ah, normal. Mais t'as 22, parce que moi, je vois dans le standard 17. Ah non, j'en ai 22. Ah, bravo, Sandro. Bravo. Voilà, ce que tu mérites, hein. Comme pas déconner. Attends, Tof, lève la jambe. Ah non, voilà. Ah non, je préfère un coup de pelle. Ah bah j'en ai rien à foutre. Je préfère que tu me dégommes la gueule, mais je veux pas qu'il me pète dessus. Non, c'est trop tard. De toute façon, ce qui est fait est fait. Bon, Dorian, bah écoute, on va essayer de l'appeler. Je te repasse Sandro au standard là pour tu nous files le numéro de téléphone. Puis moi, je vais essayer de la draguer. Attends, t'inquiète pas, moi j'ai le nouveau iPhone, l'iPhone rose. Elle va dire ouais directement là. Et Mickaël, c'est un animateur radio, c'est pas un chroniqueur. Moi, je veux bien le bleu. Oui, toi tu veux bien le bleu, je me doute, effectivement que tu veux bien le bleu. Et c'est vrai, comme disait Polo, effectivement, je suis animateur radio, pas chroniqueur. Ouais. Peut-être que j'aurais même plus de chance. Peut-être que j'aurais plus de chance, c'est vrai. Tu pourras peut-être la forer plus vite. Va savoir. Bon, Dorian, ben, je te repasse Sandro au standard. Et Sandro qui me fait des signes là, une seconde, je suis en train de parler Dorian. C'est pour te montrer que je travaille. Ouais, c'est ça, genre. Bon, je te la repasse, Dorian. En attendant, il y a des messages qui arrivent sur le Twitter aussi. Là, Mathias qui dit Polo, le poète, c'est beau. Chroniqueur People, ah, c'est Lesbi Freaks. Sayaruka, pardon, qui dit mort de rire le métier de chroniqueur People. Et Kikiria qui dit ouh, la drôle de meuf, une profiteuse. Oh, elle est pas drôle, hein, t'inquiète pas, elle a bien compris. Hein, 21 ans, elle sait déjà ce qu'elle veut, a priori quand même. Oui, hein. Elle veut de la thune. Ah oui. Bon, avant d'avoir son numéro et de l'appeler, venez nous rejoindre également là sur le Twitter. Hein, vous nous faites un petit follow sur MIKL officiel. Si vous me faites un follow, eh bien je vous ferai un follow également. Aujourd'hui, ça fait pile 2 mois qu'on est ensemble sur Fun Radio tous les soirs. Ça fait plaisir. Déjà 12 000 sur le Twitter. Enfin, presque 12 000 et 170 000 sur le Facebook. Donc voilà, bah, c'est bien. Vous passez le message à tous vos potes et ça fait plaisir. Et d'ailleurs, comme récompense, donc l'iPhone, hein, j'en ai deux là. Un bleu, un rose. J'ai fait de choisir. Ouais. Voilà, facebook.com/MIKL officiel. On fera le tirage au sort tout à l'heure. Je vais arrêter de les taper comme ça parce qu'il y en a qui va plus marcher après. Je vais après avec la vitre cassée en deux, ça va être pratique. Donc voilà, facebook.com/MIKL officiel. On fera le tirage au sort à l'heure à minuit. Et en parlant de minuit, il y a le top tweetos. Bien sûr. Est-ce qu'on a un petit score là, a priori Pas du tout, mais je peux en faire un dans 30 secondes. Ouais, mais c'est long, 30 secondes en radio, Tof. Oui, tu devrais savoir, sais, hein. Mais je peux pas aller plus vite que la machine. Hein. Bon, bah très bien. Bah, top tweetos, je rappelle le principe. Depuis 20h, vous êtes nombreux à balancer le hashtag MIKL, évidemment, un petit peu partout. Sur Twitter forcément pour discuter de l'émission ou pas forcément de l'émission, peu importe. Mettez un maximum de fois le hashtag MIKL et bah du coup vous serez peut-être élu top tweetos de la soirée. Voilà, l'auditeur le plus influent sur le Twitter de l'émission. Bref, l'auditeur, le meilleur auditeur de la soirée. Et pour l'instant, il y a en numéro 5, qu'est-ce qu'on a déjà le numéro 05. Pas du tout, on a encore 20%. Oh merde, pas sérieux ça quand même. Ah, pas sérieux, il y a beaucoup de tweets, il y a beaucoup de tweets, faut le temps. Oui, mais bon, oh là là, en attendant, il y a Sayaroka qui dit bon anniversaire, j'espère encore de longues années sur Fun. Oh, mais ça fait 2 mois, hein, c'est pas non plus l'anniversaire, c'est juste 2 mois, ça fait plaisir quoi. Et Nanou Naya aussi qui dit la chronique là par l'arrière. On va essayer, t'inquiète, on va essayer de voir ça dans un instant. Et Prasadia qui dit aussi qu'il la jette vite fait cette michto. Colin qui dit merci pour tous les soirs que vous nous offrez, sale vendeur de rêve. Oh, t'inquiète, c'est gentil, merci à toi. Vendeur. J'aime bien le sale vendeur, effectivement. Ouais. Bon, et puis Kikari qui dit une pure soirée aussi avec la team. Et alors, où est-ce qu'il est aussi? Victor qui dit oh my god, moi aussi je veux de la voyance. Ou tu t'emballes un petit peu peut-être, hein, un petit peu beaucoup même. Bon, ça y est, on a le numéro 4. Oui, on a le numéro 4, c'est Morgan88S. Ouais, numéro 4. Numéro 5. C'est Dams Netric. Ah, tu vois, c'est lui d'ailleurs qui t'a Netric, mis un coup de pelle là. Voilà, bah c'est Dams. Mais enfin, t'arrives pas à appeler son nom, enfin à dire son nom. Vas-y, dis-le toi. Mais je l'ai pas sous les yeux, mais je l'ai D-A-M-S lu tout à l'heure. D-A-M-S-N-E-R-T-I-K. Bon, attends, oh là là. D-A-M-S-N-E-R-T-I-K. Attendez. Ça. Là. Dams Netric. Netric. N-E-R-T-I-K. Netric. Netric, d'accord. Et quel bouffon ce Toff alors. Il a voulu faire le malin, il a été bouffonné. Mais Toff, t'as été à l'école ou pas? Non, jamais. J'avais toutes les bonnes excuses pour pas y aller. Ah bah ouais, bah je te confirme, il allait faire des interviews. Dams Netric, voilà, t'as vu, même de mémoire j'arrive à le faire. Refais-le toi, t'es trop fort, Mickaël. Refais-le en numéro 5, il y a Dams Netric. Oh ouais, bah tu vois. Bravo Toff. Eh bah voilà, il était temps. Ah, t'aurais dû mettre le coup de pelle avant, ça aurait été mieux. Bah peut-être, ouais, ça aurait peut-être servi. Et sinon, le numéro 1 n'est plus numéro 1. Le numéro 1 est re-numéro 1. Ah, le numéro 1 habituel est de nouveau numéro 1, mais de pas grand-chose apparemment. De pas grand-chose, mais... Mais de nouveau numéro 1, donc c'est Let's Be Freaks qui sera numéro 1. Il reste une heure pour la détrôner encore une fois, alors qu'elle était... C'est qu'elle n'était pas numéro 1 tout à l'heure, hein, donc continuez, elle est numéro 1 de pas grand-chose. Donc allez-y pour les hashtags et Mickaël sur Twitter pour élire tout à l'heure, pardon, excusez-moi, je vais mourir. Le top tweetos de la soirée. Dans un instant, on va parler d'une grande soirée qui a eu lieu vendredi. On en parle dans un instant. On va également récupérer Dorian, là. On va appeler sa meuf en direct. Là, Dorian, t'es toujours là? Ouais, toujours, je peux pas bouger. Bon, parfait. On appelle ta meuf dans un instant. Et Colin, je te l'avais promis, il est là, hein. Sois dit, chose mafia avec Antidote. Oh, génial. Eh ben voilà, je te le mets dans les oreilles. En plus, tu vas kiffer avec le son du téléphone. Tu vas être au top. Alors, Colin, t'as kiffé? Ouais. Arrête de me faire chier. Mickaël. Mickaël, nos limites. 20h minuit. Sur Fun Radio. Eh ben voilà, suffisait de demander, t'as vu? Suffisait de demander, tu l'as eu, le Colin. La Colin, le son d'antidote de la Swedish House Mafia. Voilà, Colin, voilà. T'as envie d'écouter un autre son, là? Non. Mais c'était pas pour moi, c'était pour... En plus, c'était pas pour toi. Ah bah bravo. Mais oui, j'avais promis. Ah bah d'accord, en plus. Ah bah d'accord, en plus tu lui promets un truc que t'es même pas sûr d'avoir. Bravo, Colin. Bah, je l'ai eu. Ah oui, non, tu l'as eu, mais pour le même prix, je te disais non, ou on l'avait pas, ou je sais pas moi, tu vois. Bravo. Je tiens toujours mes promesses. Oui, bah justement, là, t'as failli pas la tenir, alors méfie-toi, Colin. Bon, Colin, je rappelle, donc ses parents lui ont confisqué la radio, donc du coup, bah on l'a mise dans le standard, hein, pour qu'elle puisse écouter la radio pendant les 4 heures d'émission. Plutôt sympa. Et en plus elle choisit. Souvent, on est cool. Et en plus elle choisit les sons, donc en mode VIP ce soir, c'est bien. Ouais. Bon bah Colin, bah continue à rester avec nous du coup, hein. On va reprendre Dorian en attendant là. Dorian qui est toujours là d'Avignon, Dorian? Oui, toujours. Bon, est-ce que... Bah ouais, c'est ça. Vendredi c'était le retour de Masterchef sur TF1. Vous avez regardé ou pas, Colin, Dorian là? Non, moi j'ai pas regardé, j'ai oublié. T'as oublié, bon, c'est sur les choses qui arrivent. Et toi, Dorian? Mais j'étais au cinéma avant. Ouais, non, je regarde pas. En plus, bah ouais. Et t'as été voir quoi au cinéma? Conjuring. Alors? Oh, il était génial. Ah bon. Voilà, c'était Cinéphone, merci à vous. Bon, alors on va donc. Ah non, mais c'est. Attends, s'il y a des bons films à aller voir. Oui, non, mais j'ai compris. Le film, il est pas mal. Ouais, bah, si vous aimez les films d'horreur, bah, allez vous le voir. Très bien, bah, comme ça on prend bonne note. Très bien. Donc, alors, j'ai la liste du coup des 8 aliments là qu'il faut pas manger, comme il y a eu le retour de Masterchef, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Apparemment, on peut pas les manger parce que ça nous nique le cerveau. Ah bon? Ouais, alors dites-nous ce que. Ben voilà. Alors dites-nous par exemple votre plat préféré. Qu'est-ce que c'est votre plat préféré? Envoyez Mickaël et votre message au 64-900 ou au 30-44 pour la Belgique. Quel est votre plat préféré? C'est quoi toi, Dorian, ton plat préféré? Oh, le bœuf bourguignon. Bœuf bourguignon? Et toi, Colin? Bon, j'en ai pas. J'aime tout. Si, t'as. Ouais, mais d'accord, mais t'as bien un plat que tu préfères par rapport à un autre? Les pâtes carbonara. Les pâtes carbonara, d'accord. Polo, c'est quoi ton plat préféré? Les pâtes. Les pâtes, d'accord. Ouais, pâtes ou pizza. Mais pâtes, Polo est très rock'n'roll là, parce que c'est pâtes mais sans sauce, sans rien quoi. Ouais, c'est des pâtes dégueulasses quoi. Beurre, sans beurre. Goût, sans rien. Même pas de beurre. Si, voilà, pas de beurre, rien. Nature de chez nature. Ouais. Toffle, son pied de porc, je parie. Non, le lapin. Oh, lapin pruneau, c'est dégueulasse. Le lapin quoi. Ah, pruneau, des lapins au pruneau. Oh, lapin au pruneau, mais y a rien qui à aime manger, ça quoi. Bah lui. Ouais. Qui aime ça? Mais c'est plein dégueulasse. De gens, plein de gens, soutenez-moi, soutenez-moi. Mais arrête ton cinéma, c'est dégueulasse. Il y a plein de gens qui aiment ça, je suis sûr. Sandro. Moi c'est comme Colin, j'ai pas de plat préféré. Pas de plat préféré? J'aime bien la bouffe chinoise, on va dire. Ah, d'accord. Aussi, voilà. Ah, tu vois, copieuse Colin. Mais, non mais c'est pas un plat. Ouais, c'est bah si, bah, moi c'est j'aime bien. Une cuisine en général. Voilà. D'accord. Bah moi j'aime bien plutôt le genre parce que tout le monde s'en fout, personne me pose la question mais je vais le dire quand même. Ouais. Moi c'est plutôt le poulet curry jaune ouvert thaïlandais. Ah bon. Ou sinon, ah oui. Ou sinon genre un plat très diète, le Wendy's aux États-Unis. Pour, ah ceux okay. qui ont pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de goûter encore, c'est les burgers. Genre, alors si je peux vous conseiller, tapez sur Google le Baconator. Oh là là. Ah attends, c'est magnifique, c'est et juste c'est extraordinaire. 150 morceaux de viande. Non, en fait. Techniquement, c'est un morceau de pain, un morceau de viande, un morceau de fromage, un morceau de bacon, et ça vous faites 4 fois, puis vous remettez le pain dessus. Oui, c'est le Baconator, tout est dit dans le nom. Voilà, c'est très bon. Un repas très équilibré. Mais oui, il y a Nicolas qui dit aussi. Moi, c'est l'escalope à la crème. Il y a quoi? Il y a Sima aussi sur le Facebook qui dit franchement, vous déchirez grave les gars. Je vous écoute en ce moment. Je suis aux anges. J'espère que ça va durer encore longtemps. Déjà 2 mois quand même. Big up à toute l'équipe. Merci à Sima. Gros bisous à toi. Sandra qui dit je vous écoute tous les soirs. Ça vaut bien un tour de scooter. Oh, allez, bon, allez. D'accord. C'est vrai qu'on l'a pas fait tourner beaucoup ce soir le scooter. Hein. En même temps, c'est dimanche. Hein. Il faut qu'il se refasse. Alors démarrage. Ah putain. Bon, on redémarre. Ah bah voilà, ouais, voilà. Ça, tu l'as pas fait tourner de l'émission. Putain, attends, je mets un... Tu vas la noyer là. Voilà, ça y est, ton coup de scooter, ton tour de scooter là, il est fait, c'est bon. Moi, c'est du Colombo. Il y a Jordan qui dit lapin moutarde, quelle horreur. Ah, voilà. Le riz poulet curry, ça c'est bon. Mon plat préféré, c'est la raclette, quelle horreur aussi. Mais non, c'est super bon la raclette. Les tacos, c'est trop bon, c'est Théo. Il y a Stylo qui dit moi, c'est du lapin pruneau aussi. Oh là là. Ah, voilà. Jennifer qui dit pour moi, c'est la tartiflette, quelle horreur. Nicolas mais qui dit escalope à la crème. Qu'est-ce qu'il y a, Claudia qui dit que du bon sens sur Fun là, merci. Le prince Anna qui dit bon choix de musique, Colin. C'était celui de Chasse Mafia qu'on a mis dans un instant là, et puis un message aussi qui est arrivé qui dit les lasagnes, c'est Baptiste, et puis mon plat préféré, les pâtes carbonara avec du gruyère, tout simplement, c'est exquis. Et c'est Dédé qui avait envoyé le message là. Continuez à nous envoyer vos messages Twitter, Facebook, vous tapez M.I.K.L. officiel ou par SMS, hein, vous débutez le message par M.I.K.L. et puis vous mettez tout simplement votre message, vous envoyez ça au 64 900 ou au 30 44 pour la Belgique. Quel est votre plat préféré? C'est aussi simple que ça. On en parle justement parce que je suis tombé sur l'info, les 8 aliments qu'il ne faut pas manger parce qu'ils vous niquent le cerveau. Alors en numéro 1, il faut éviter le sel qui accélère le vieillissement des artères et donc celui du cœur, ce qui freine le processus de pensée. Donc en moralité, si vous bouffez du sel, vous êtes con. Enfin, vous avez plus de chances de devenir complètement idiot. Alors il y a le sucre aussi, hein. Bon bah qui fait grossir, ça on le savait. Mais apparemment c'est pas tout. La surconsommation de sucre peut affecter le cerveau et plus précisément la mémoire. Donc les édulcorants artificiels, les produits light, l'aspartame, etc. C'est soupçonné apparemment de ralentir le fonctionnement cérébral. Bon, et demain je bois de l'eau. Ouais. J'arrête le Coca Zéro, le Coca Light, tout ce que tu veux. Tout ça, hop, terminé. Faut arrêter ces conneries là directement. Et dites-nous pour les autres, j'ai encore plein de points là au niveau des aliments à plus bouffer. Dites-nous ce que vous préférez comme bouffe. Bon, alors, Dorian? Oui. Yes. Ah, très bien. On va appeler ta copine? Si tu veux. Bah oui, écoute. Donc, on veut bah l'appeler. Oui, pour ceux qui viennent de débarquer, Dorian nous avait appelé pour nous dire qu'il était avec une fille depuis 3 semaines et qu'elle veut pas lâcher son mec, donc elle est avec un autre mec et que c'est une profiteuse parce qu'en fait, elle pense qu'à se faire offrir des cadeaux, quoi, c'est ça? C'est un peu ça, ouais. En gros, c'est ça. Bon, Toff, est-ce que tu veux faire le faire? Tu veux que je non, le fasse? Non, je pense que celui qui a le plus de poids ici, c'est toi. Bah ça va, je suis pas si lourd que ça non plus. Non, je parlais de poids quand tu poses ton portefeuille sur la table quoi. Tu parles, arrête ton cinéma, n'importe quoi. Je rappelle à Toff que nous gagnons la même chose. Oui, mais... Il le dépense simplement avec des prostituées, c'est tout. Après moi ça j'y peux rien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Au Bois de Boulogne. Exactement, d'ailleurs il a un abonnement, il a la casse, il a la passe illimitée. Comme à l'UGC, mais lui c'est au Bois de Boulogne, tu vois, il arrive directement, il a sa carte et tout, il est au top. Bon Dorian, on y va, on l'appelle, je vais essayer de la choper et puis on verra quoi, d'accord? D'accord, il n'y a pas de souci. Elle s'appelle comment? Laurie. Laurie, très bien. Allez, c'est parti, je l'appelle. Bon, je dis que j'appelle de ta part, on verra bien. Allez, je vais d'abord l'appeler, je crois que je vais essayer genre le truc pour avoir des infos par rapport à Dorian sur le couple et puis je sais pas. Allô? Oui. Oui, bonjour. Est-ce que c'est Laurie? Oui. Salut Laurie, je m'appelle Michel. Excuse-moi de te déranger, c'est vrai qu'on se connaît pas. Je te dérange pas? Mais vous êtes qui? Je m'appelle Michel. Je m'en fous, mais vous êtes qui? Non, mais d'accord, faut pas le prendre comme ça. Je vous appelle parce que je suis un ami de... Enfin, on peut se tutoyer, je pense, hein. Oui. Je suis un ami de Dorian. Allô? Ah, oh, ah oui, ah oui, la négociation va être dure, va être très très rude, Dorian là. Tu vois, je te dis, tu lui ferais beaucoup plus d'effet. Mais comment te dire, il s'est passé quoi pour qu'elle me raccroche au nez quand je prononce ton nom, Dorian? Je sais pas, parce que deux jours je donne tes nouvelles un peu par rapport à ça, parce que ça, franchement, ça m'a assez saoulé, toi. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, attends, je vais la rappeler alors, une seconde. Non, je vais la rappeler. Dis donc, me raccroche pas au nez comme ça, raccroche pas au nez de Michel. Attends, elle est dingue ou quoi? Le grand. On aurait pu choisir autre chose que Michel, hein. Bah non, c'est mon nom de... Allô? À la fin de votre message. Oh là là! Oh. Hey, je déteste ce genre de meuf. Je vais lui pourrir la soirée. On va l'appeler toutes les 5 à 10 minutes. Ouais, et ouais. Si on n'a pas de nouvelles, je continuerai demain. Et après-demain, jusqu'à ce qu'elle décroche. Ou qu'elle change de numéro. Ouais, en plus, on a Colline. On a une pelle. Exactement. On a quoi d'autre? On a un scooter. Et on a tous les... Le lance-flamme. Et on a le Corse. Et on a le Corse, effectivement, qui était au taquet. Bon, Colline. Oui. T'es d'accord avec moi, faut la pourrir là. Ouais, grave. Bah oui, attends, être accrochonné, dis même pas allô. C'est ça. Ah si, elle a dit allô. Attends, je la rappelle encore un coup là, on sait jamais. Attends. Ah, ça sonne. Quoi? Allô Laurie? Vous me cassez les couilles avec votre radio là, d'accord? Non mais excuse-moi, mais on a été coupé. Mais c'est moi qui ai raccroché parce que j'ai pas envie de vous parler. Ah bon, mais pourquoi tu nous as raccrochonné, ça se fait pas? Bah parce que j'en ai rien à foutre, c'est comme ça. Mais non mais attends, mais ça se fait pas, nous on t'aime là, Dorian nous a parlé de toi et tout, et il était un peu inquiet à ton sujet. Oui, bah oui, c'est ça, oui. Bah oui. Oh. Parce qu'apparemment il n'y a plus de nouvelles depuis deux jours et oui. Bon, comme vous êtes ensemble depuis trois semaines, c'est un peu léger quoi. Mais alors là, c'est à lui qu'il faut poser la question, donc maintenant qu'il arrête de me prendre pour une conne parce que ça va partir trop loin là. Ah d'accord, bah au moins on pourrait avoir ta version. Parce que c'est vrai, on n'a pas eu sa version. C'est vrai, ouais. C'est vrai, effectivement. Dorian, il a donné sa version, on ne sait pas si c'est vrai. Ah, oh, bah, on ne veut pas la donner. Mais on ne me raccroche pas au nez, je vais le pourrir. Oh là là, un truc de dingue. Non mais dis-lui que voilà, on veut sa version. Mais oui. À la fin de votre message... Oh, bah non, mais c'est pas bien comme ça, on va la rappeler encore un coup. Hein, Colline, on la rappelle? Oui, on la rappelle. Bah oui, oui. Attends, on rappelle. De quoi, Colline? T'as vu comment elle t'a parlé? Mais c'est ça, attends, c'est dégueulasse. Elle est en train de chouiner. À la fin de votre message... Attends, encore une fois. Je la mets de côté, on va... Ce que je propose, c'est qu'on se mette le son de... Qu'est-ce qu'on va se mettre? Bon, qu'est-ce que tu veux choisir, Dorian? T'as un son en particulier que t'as envie d'entendre? Ouais, la musique avec le saxo, là-dedans. Ah, mais je l'ai mis déjà, il y a une heure. Je l'ai mis... Bon, allez, d'accord, je vais le remettre. Attends, on y passe après. Alors, attends, parce qu'il faut que je le retrouve. Alors, Backermat, où est-ce que je l'ai foutu celui-là? Attends une seconde. Bon, attends, je cherche. Hein. Ouais, parce qu'il faut qu'il retourne à la cave, il l'avait rangé. Bah oui, c'est ça, parce qu'on a encore des vinyles à fun. Ah oui, attends. Hop là, voilà. Une radio moderne, nous. Mais exactement, qu'est-ce qu'il y a ici? Voilà, le son de Backermat, c'est celui-là, hein? Ouais, celui-là, ouais, il est parfait. Ok, pourquoi tu planes avec ça, c'est bien? Ah ouais, je kiffe, ouais. Ouais, attends, bah, je vais quand même encore rappeler un petit coup Laurie, quand même. C'est jamais. Attends, on sait jamais. Peut-être si tu lui mets du Backermat, elle va rester. Bah peut-être, pour ça, je vais essayer. Ah, ça ressonne. Oui. Allô Laurie, on a été coupé. Non mais c'est moi qui raccroche, donc. Enfin, mais je comprends pas pourquoi tu raccroches, je comprends pas. Mais je comprends pas pourquoi vous m'appelez, donc. Mais voilà. Parce qu'on voudrait avoir ta version, parce qu'on soupçonne Dorian de nous mener en bateau. Ouais. Ah d'accord. Et nous, donc je voulais savoir pourquoi est-ce que il y avait un petit problème entre vous, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Ben c'est son métier tout simplement qui pose problème, donc voilà. D'accord, ok. Mais il fait quoi comme métier? Ben c'est journaliste people, etc. Il m'a dit qu'il fallait accepter ses groupies, donc moi j'accepte pas ses groupies, donc voilà. Ah parce qu'il a des meufs qui tournent autour, c'est ça? Voilà, mais après qu'ils disent que c'est moi qui donne pas de nouvelles, là je suis pas d'accord. Ah non mais pire que ça, moi je vais foutre la merde, mais il m'a dit apparemment que t'avais les dents qui rayaient le plancher. Et que tu voulais des cadeaux de super cher et tout. De quoi? Ah bah je sais pas, c'est ce qu'il a dit. Attends, Dorian. Non mais j'ai pas compris là. Apparemment, en gros il dit que t'es une michetonneuse. Ouais, en gros apparemment t'as envie des cadeaux super chers et tout. Et que bah il y a un moment il a plus envie de payer des Vuitton, des chaussures Louboutin, etc. quoi. Ouais, sauf que ça c'est pas lui qui me les paye. Ça c'est des cadeaux qu'on me fait de ma famille. Donc voilà. Donc maintenant vous allez tous vous faire foutre tout ce temps que vous êtes. Non Laurie, c'est mal. Parce que tu vas m'obliger comme ça, tu vois. Elle m'oblige à rappeler encore une fois, c'est quand même dommage. Bon, Colline, on la rappelle. Oui, oui, on la rappelle. Bah oui, attends, t'as vu comment elle me parle? Elle est sérieuse ou quoi? Comme ça, parler comme ça, Mickaël. C'est ça. Et voilà. Dorian, en attendant. Tu te rends compte de la chance que t'as? Bah oui, c'est ça. T'es trompé, hein, Dorian. Bah, elle s'en rend pas compte, attends une seconde, elle va sonner là. Elle fout pas trop la merde quand même. Ça non, à la fin de votre message. Ah. Attends, c'est nouveau le répondeur. Mais j'ai compris, hein, il faut appeler trois fois et la troisième fois, ça ressonne de nouveau. Donc on fait ça dans un instant. Dorian, tu nous as encore raconté la moitié de l'histoire, toi? Non, j'ai tout raconté. Si, un peu la moitié de l'histoire quand même, hein, apparemment. Hein. Parce que les cadeaux, en fait, c'est pas toi qui les fais. Mais j'ai déjà dit, c'est vrai que c'était pas moi qui les ai déjà fait, mais c'est tout le temps ça, en fait. Quand elle parle, c'est tout le temps ça, tu vois. Et genre, t'as des groupes... Eh ben moi, oui. Mais moi je vais faire chroniqueur hein. Mais tu es chroniqueur sur quel site? www.doriandeboule.com. Ah parce qu'en plus c'est ton propre site et tu vas me faire croire que t'as des groupies immédiatement. Attends, vérification immédiate. On va aller se connecter là, Dorian, reste avec nous, on va rappeler Laurie aussi là. Il y a une photo de toi ou pas sur le site hein? Oui, il y en a plein quand même, il y a l'interview et tout. Vérification là. En attendant, on écoute Backerman. Bah, tu l'avais demandé, on te le met encore une fois là. Vendak sur Fun Radio. Et puis, on se fera péter aussi Linkin Park avant minuit. Linkin Park avec Steve Aoki. A Light That Never Comes sur Fun Radio. On est au cœur d'une heure sans pub. 23h20 dans 40 minutes. Le résultat du top tweeto, c'est dans 40 minutes également. L'iPhone 5C, je vous avais promis de le filer. Eh bien, il y a le bleu, il y a le rose. Il y a la photo, allez voir aussi. Je pose avec l'iPhone 5C. Je voulais remercier à tous ces gens. Hein, d'ailleurs, il y en a beaucoup. Il y en avait combien? Il y en avait trop là. Enfin, trop, jamais trop. Plus de 20 000 personnes qui l'ont partagé, 31 000 qui l'ont aimé. Merci, parce que je sais que c'est pas pour l'iPhone que vous avez fait ça, mais parce que c'est pour moi. C'est vrai. Parce que vous avez peut-être aimé ma gueule, mon t-shirt, mais je ne sais pas. En tout cas, je vous remercie. C'est vraiment très urbain, très gentil, très ce que vous voulez. Ouais, juste Dorian Deboul, il se la raconte un peu. Hein. Comédien, mannequin, chroniqueur people. Ah ouais, d'accord, ok. Mais ça va, il n'est pas dégueulasse. Hein. Bon, on en parle après Backermat qu'on écoute maintenant sur Fun Radio au cœur d'une heure sans pub. Mickaël de Limite, tous les soirs, on est là. Le dimanche, 20h minuit, toute la semaine, du lundi au jeudi, de 23h à 2h sur Fun Radio. Bienvenue. I have a dream. Et bienvenue sur Fun Radio, c'était Back Your Mat à l'instant sur Fun avec Van Dack. 20h minuit. Mickaël. No limit. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio tous les soirs, dimanche 20h minuit et la semaine, lundi, jeudi, entre 23h et 2h du mat sur Fun Radio avec plein de messages qui arrivent. Continuez comme ça, Fun, tout le monde, on vous aime, sauf ma mère. c'est pas grave, ta mère, elle s'en remettra, c'est pas grave. Plein de messages aussi qui sont arrivés, le principe est qu'il y a deux versions différentes, là qui a raison, ben on a notre idée là. Mon plat préféré c'est le cunilingus, c'est Benoît qui a envoyé le message. Ouais, très bien, il faut qu'il soit bien salé hein, parce que sinon ça peut être mauvais. Mickaël qui dit macaroni au fromage, la pizza et la chatte de ma petite amie. Classe, Mickaël. Ça c'était glamour. Rose qui dit quelle horreur le lapin, moi c'est l'aubergine modazave, trop bon, c'est pourri là à mort. Bah voilà. Tony qui dit les tortillas c'est bon également. Youssef qui dit moi c'est le couscous. Tomate farcie pour Magellan. Il y a Elsa qui dit la pizza. Antoine qui dit hamburger frites avec un steak haché bien saignant. Joanie qui dit mon plat préféré c'est le magret de canard à l'abricot. Et Dorian quitte ta meuf. Qu'est-ce qu'il y a aussi là? Vincent qui dit mon plat préféré c'est les pâtes et les patates et les cordons bleus. Toff aussi qui dit les pâtes au saumon. Il y a Mickaël qui dit moi j'adore manger les gâteaux au chocolat. Tony aussi fondu savoyarde avec pommes de terre reconstituées. Justine, mon plat préféré c'est le couscous et la fondue là. Continuez à nous donner votre plat préféré. On en parle ce soir avec les 8 aliments qu'il ne faut pas manger parce qu'apparemment ça vous démonte le cerveau. Qu'est-ce qu'il y a aussi Mickaël qui dit moi c'est un menu Giant. Ah ouais, pourquoi pas. Mickaël qui dit moi c'est un burger avec la bonne viande de chez McDo. Mr Steven qui dit ah ouais, Baconator c'est balèze. Je sais pas comment tu peux manger ça, j'adore, super bon. Nous non plus, hein, on vous rassure. C'est... Arrête ton cinéma, t'en manges aussi toi. Bah oui. C'est super bon. Mais je prends pas le si grand, moi je prends celui avec deux. Oui mais voilà. Et puis Ilenia qui dit aussi du cheval. Oups, je voulais dire des lasagnes. Oui après il y a le lasagne au cheval aussi, pourquoi pas. Un bon steak frites, basique, vous me donnez faim, c'est le prince Nadia. Les massés de dinde à la crème de riz, c'est gauche Juju. Célia qui dit le crumble aux pommes, trop bon. Et alors, No Limit qui dit le Baconator, c'est juste parfait. Ouais, super bon le Baconator. Pour ceux qui ont eu l'occasion de tester, qui ont eu la chance d'aller aux États-Unis chez Wendy's, bien évidemment. Et enfin, le dernier, c'est Enzo qui dit aussi, là, un bon gros bol de choc à pic ou les escalopes milanaises. Oh, t'as qu'à faire un. Là, tu fais le top des deux, là. Tu mets les deux ensemble. Voilà, tu mets les deux ensemble et après, t'es tranquille. Bon, on en parle dans un instant en tout cas. Et puis, nous allons récupérer. Dorian, oui, je suis toujours là. Dis-moi, tu te foutrais pas un peu de notre gueule? Non, du tout. Comment t'expliquer que là sur le site, plein de messages qui arrivent aussi là par rapport à Dorian, donc Dorian qu'on a eu il y a quelques instants pour ceux qui viennent de débarquer, qui disait que sa meuf, il en avait marre parce qu'en fait ils étaient ensemble depuis 3 semaines, que en gros elle était, elle aimait bien les beaux cadeaux, etc., etc. Bon, c'était Laurie en l'occurrence qu'on a appelé plusieurs fois, que t'as un site people et donc du coup t'as des groupies qui sont à tes fesses, c'est ça? Ouais, un peu ça. Voilà. Et alors il y a des messages qui sont arrivés aussi. Attends, où est-ce qu'ils sont? Sayaruka qui dit mannequin, chroniqueur, people et j'en passe, ça fait un peu too much quand même comme attrape couillonne. Let's be freaks qui dit Toff n'est pas chroniqueur mais un gros niqueur, c'est différent. Alors il y a quoi aussi? Migumi qui dit le retournement de situation, en fait encore une fois c'est le mec qui est le connard. Bah oui. Bah presque. Et alors dis donc, on a été voir sur le site là. T'es sérieux là avec ton truc? Ce soir, Dorian sur Fun Radio dans Mickaël No Limite à 21h15. Bah il fallait bien qu'il y ait des gens qui m'écoutent, qui voulaient m'entendre, donc après voilà. T'es pas un peu le Mickaël Vendetta du pauvre? Non. T'es sûr? Ah non, bah en fait, franchement... T'es un peu le Lidl non. Du Mickaël Vendetta, non? Non mais tu vois, t'es le Mickaël Vendetta un peu moins cher, et c'est pas grave, mais c'est juste qu'on voulait savoir. Moi, ça fait 6 ans que je suis dans le boulot, donc après, tu vois, j'en ai rien à foutre qu'on me compare à Mickaël Vendetta, tu vois. Non, mais c'est le fait. Non, mais c'est le fait de faire la promo, tu vois, derrière, en disant, ouais, retrouvez-moi ce soir sur Fun, machin. Alors qu'au final, tu nous appelais pas pour nous faire la promo du truc ou nous parler d'une grosse info people, c'est juste pour parler ta live. Ah oui, non, c'est vraiment pour parler sur ça, tu vois, mais après, il y a forcément des gens qui voulaient savoir si je passais. Enfin, à chaque fois que je fais un truc par rapport aux médias, un truc comme ça, je l'affiche, tu vois. D'accord. Donc, automatiquement. En temps de crise, le discount, ça marche vachement mieux que l'original. Hein. Non, mais c'est vrai, surtout qu'on n'entend plus parler de l'autre, hein, pour le coup, hein, se le dit au passage. Il y a un message aussi qui est arrivé à Clem qui dit il est grand, fin, blanc comme un cul, cheveux frisés, mal rasés, il se la pète, voilà. Alors, c'est une question de goût, ça aussi, après. Hein, mais c'est qui tes groupies? Elles sont fans de toi ou elles viennent juste parce que t'as peut-être des infos sur des stars? Il y a un peu les deux, ouais. Il y a sûrement des filles qui sont à fond sur moi et des filles qui sont à fond sur ce que je fais et des filles qui sont à fond sur les avantages que j'ai. Ouais. Donc à côtoyer des people, de bouger régulièrement. Parce qu'on a vu que tu as fait une interview de Dario. Ouais, on le connaît très bien, Dario. Dario. Je vais lui en parler demain, tiens. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que si t'as tellement de groupies, que t'as fait tellement de pubs, pourquoi ils nous appellent pas? Ben, je sais pas. Et pourquoi surtout tu te chies avec Laurie? Parce qu'au final, elle avait l'air bien, Laurie. Enfin, on l'a eu 30 secondes au téléphone et après nous insulter, donc on s'en rend pas bien compte. Mais je veux dire, sur la forme, elle avait l'air plutôt bien. Oui, franchement, oui, c'est une brave fille. Elle est quand même. C'est une brave fille. Waouh, ça c'est violent quand même. Hein. C'est une brave fille. Mec, enfin, c'est-à-dire que tu nous as appelé quand même pour nous dire, ouais, la fille, c'est une michetonneuse, c'est machin et tout. Mais non, c'est une brave fille. Elle est brave. Non, mais au fond d'elle, elle est gentille, tu vois. Au fond d'elle, elle est gentille, elle est charmante, voilà, elle a vraiment que des qualités. Sauf ça, 2-3 défauts qui, voilà, ça compte pas, quoi. Il y a Dédé qui dit, tu balances des conneries, tu mérites un coup de lance-flamme. Ouais. Allez, un coup de pelle aussi. Eh ben, justement, il me proposait un coup de pelle pour l'achever. Voilà, c'est fait. Bon, bah écoute, on n'aura pas sauvé ton couple, hein, loin de là même. Bah écoute, on va te laisser avec les groupies, Dorian, hein, à finir par en trouver une à un moment ou à un autre. Hein. De groupies, ouais, ça doit être. Ouais, facile. Je pense, ouais. Hein? J'en ai assez sur Facebook, 3 bon. Sur Facebook. Bon, eh ben voilà, bah, très bien, bon, on fera ça alors. Ça marche. Bon, bah salut, Dorian. Ciao, à la prochaine. Allez, à bientôt, ciao. On a Laura avec nous maintenant, là. Bonsoir, Laura. Bonsoir. Comment ça va, Laura? Oh. Ça va, sœur. Quel âge t'appelles d'où? J'ai 15 ans et j'appelle de moi. Non, en fait, de où ça? De mots. De mots, d'accord, très bien. Bon, bah bienvenue à toi, Laura, qui t'amène? En fait, je suis au lycée et un garçon qui me plaît beaucoup, il le sait, et malheureusement, il se passe rien. Ah, ça c'est chiant. Ça c'est bizarre, mais donc peut-être parce qu'il est pas intéressé par toi aussi. Bah ouais, je pense, mais... Ah ouais. Ça veut rien dire. On pensait jamais avec vous, c'est ça le problème. Bah attends, c'est pareil avec non, vous. Non mais t'es sérieuse. Ah si, c'est vrai, on peut jamais savoir. Non mais en plus, t'as quoi? Vous êtes où, au lycée? Ouais. Collège? Oui. Ouais, mais c'est toujours bâtard cette période. C'est ouais, parce qu'en fait, là, tu sais pas, ça se trouve, il est intéressé, ouais. Mais il ose pas. Ça se trouve, il y va pas parce qu'il y a ses potes, voilà. Je sais pas. Ça se trouve, il a envie, mais il attend que tu fasses le premier pas. Enfin, il y a tellement de si. Pourquoi tu fais pas le premier pas, toi? Vas-y, ouais, discrétos. Bah, en fait, je le fais souvent, mais comme je suis timide, bah, je sais pas. Puis j'ai l'impression que je vais me prendre une grosse bâche. Mais non. Et quand bien même tu prends une bâche, pas grave, regarde Toff, il en a pris plein, là. Il en a pris plein des coups de pelle, Dieu sait qu'il est encore debout. Hein. Ouais, mais, bon, il si boite un peu, mais il est toujours debout. Et puis si on fait le calcul des trucs que j'ai ratés et que j'ai réussi, bon, je pense que la balance penche de l'autre côté. Quoi. Voilà, mais au moins, t'as essayé. L'avantage à y aller, attention, c'est un conseil que je donne que je n'applique pas, mais il faut le faire. L'avantage à y aller, c'est que au moins... Si tu te prends une tôle, bah t'as pris une tôle, tu sais que tu passes à autre chose. Bah, et si tu te prends pas une tôle, bah c'est gagné. Comment vous voulez qu'on vous aborde ou qu'on vous dise qu'on vous kiffe hein? Mais ça dépend, faut arriver, tu te mets à quatre pattes, comme dirait Top, et voilà quoi. Voilà. T'es où? Voilà, je lève la jambe, je m'insère et puis on est ensemble quoi. Voilà, donc là il a levé la jambe et puis on était bien là, effectivement. Tu parles avec lui ou pas? Oui. Et bah, tu alors parles de quoi? Bah de tout, mais généralement c'est du lycée. De lycée, ouais, ben je sais pas, moi, essaye de voir, et s'il est pas fort dans une matière, et c'est genre, tu dis, ah, moi, je galère un peu, tu peux m'aider J'ai déjà essayé, mais enfin, il est assez froid. Oui, il est mauvais dans tout, ouais, forcément, du coup, c'est plus compliqué s'il est mauvais dans tout. Bon, bah, dites-nous si vous êtes déjà tombé sur ce plan en particulier, si vous avez des conseils à filer à Laura, là, 01 42 48 5000, vous nous appelez, et 02 851 4x0. Moi, ça m'est déjà arrivé, ouais, alors grave, moi, enculé, pardon. En fait, moi, je kiffais une meuf. Une meuf. Mais j'étais petit, j'avais. Ouais, 12 ans, je crois. J'avais 12 ans. La meuf s'appelait Laetitia. Et c'était. En fait, j'étais dans un bahut, en fait, où il y avait que des mecs. Et puis, merde. Au tout début, il y avait que des mecs. Et puis après, ils ont ouvert, ils ont rendu le truc mixte. Donc, la première année où c'était mixte, il y avait quasiment pas de filles, quoi. Ouais. Il y avait que les cajots. Et puis, il y avait une bonasse, elle avait 12 ans, donc, comme moi, mais elle était bien. Qui est arrivée, et alors, c'était une italienne, c'est-à-dire tous les mecs étaient chauds étaient comme des lapins. Tous dessus. Et donc, du coup, moi, j'en avais parlé à deux de mes potes. Et donc, du coup, lui, il était pas intéressé, il n'avait rien à foutre. Et à la fin de l'année, au moment où je me dis, bon, allez, je vais y aller, c'est la fin d'année, putain, ça fait presque un an là que je galère et que j'attends et que j'attends. J'y vais, et qu'est-ce qu'il fait cet enculé? Il me dit, ah ben ouais, ben regarde, ils étaient ensemble, et du coup, j'ose enfin aller lui parler, elle me parle, on se parle, tout va bien, et puis finalement, l'autre il arrive, et il sort avec elle, c'est un bâtard là, mon meilleur pote, enculé là. Il s'appelait José, sale chien, un chilien. Ouais, mais comme quoi, s'il se reconnaît, hein. Comme quoi, faut pas trop attendre. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. S'il se reconnaît, on était au Sacré-Cœur à Bruxelles, voilà. Ah, ça t'a marqué, hein, 12 ans. Ah bah, bien sûr, j'avais 12 ans, je dormais une patate, c'est bon qu'il était plus grand que moi. Il aime le cinéma ou pas? Le mec, j'en sais rien, c'était il y a 12 ans. Ah pardon. Tu nous as fait un petit coup des Dorian, quoi. Okay. Voilà, c'est ça. Ouais, mais je sais pas, ouais, c'est ça, Laura, tu peux pas l'inviter au ciné quelque part, non? Bah en fait, je l'ai invité, mais je vais pas venir. Ah ouais, là, ah, il faut peut-être se poser la question. Hein. Hey, tu veux qu'on le force? Moi, tu veux qu'on l'appelle? Ouais, on l'appelle, on lui dit écoute. Bah ouais, mais ouais. Soyez. Parce que vous lui dites aussi. Soit il a peur, hein. Il a peut-être peur aussi, hein. Mais physiquement, tu te trouves mignonne, pas mignonne, tu te trouves comment? Ça passe. Non mais bon, donc t'es bien, quoi. En général, les filles qui disent ça passe, elles sont plutôt bonasses, donc... Non mais c'est vrai. Ouais, déjà, une fille qui se trouve moche, elle est encore limite bien, quoi. Voilà. Et alors, on va faire le questionnaire ou pas? Non. Quel est le dernier Hello Kitty que tu as acheté? Elle a 15 ans. Ouais, quelle est ta couleur préférée? Bon, les filles, voilà. On va demander l'avis des filles, c'est peut-être plus simple. Même des mecs, comment vous aimez que les meufs viennent vous aborder? 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 pour la Belgique. N'hésitez pas, il y a des conseils. Il y a Vincent, là, qui sur le Facebook disait dites-lui un conseil, fonce. C'est vrai en même temps, vas-y, fonce. Qu'est-ce que t'en as à foutre? T'as rien à perdre. Il y a Saïo Aroka sur le Twitter qui dit plus t'attends, plus tu seras malheureuse. Il y a Joanny qui dit j'ai changé d'avis. Attends, c'est quoi? J'ai 15 ans, pardon, aussi, t'inquiète. Laura, c'est totalement normal, tout le monde galère. Ouais. Mais oui, mais voilà, c'est pas grave. Et tu vas regretter après de pas l'avoir fait parce que je vis avec beaucoup de regrets comme ça, moi. Ouais. Combien de fois Polo il s'est dit j'y vais pas, voilà. j'y vais. Mais ses regrets, c'est toutes les fois où il a été. Hein. C'est ça, ses regrets. Tu vois, c'est toutes les fois où il a été en disant ouais, vous pouvez me retrouver sur Fin Radio le soir et que la meuf. Arrête, deux, apparemment. Toff m'a dit tout à l'heure que ce week-end, tu l'avais tenté aussi. Non, la Nina, là, du truc, c'est elle qui m'a reconnu. Ouais, ouais. Mais c'est vrai. Et depuis, il se fait des soirs homosexuels avec Toff, aller voir le concert de Bryan Adams. Non, alors, faut qu'on dise la vérité. Donc, on galérait comme ça en bas de la Tessie. À la radio, on nous a proposé. Donc à la radio, on m'a proposé des places pour aller à ce concert de Bryan Adams. Et là, j'ai appelé Polo, je lui dis, ça te dit qu'on aille chauffer de la MILF? Et Polo, il me dit, évidemment. La MILF. Ah, oui. Alors, on galérait en bas de la thèse comme ça. Ouais, on est en train ça, de bédave et tout. Non, je... N'importe et quoi. Et puis il m'a dit, on va pécho de la MILF. Je dis, on y va, ma gueule. Et il y avait de la bonne MILF. Il y avait de la MILF. Ouais, demain, ils vont aller voir Bon Jovi, tu vas voir. Bon, Laura. Si y a les mêmes MILF, moi j'y retourne. C'est ça, bah oui, t'inquiète pas. Bon, Laura, reste avec nous. Il y a dans quelques instants, vous qui allez appeler, 01 42 48 5000, 02 851 4 x 0. On a également Marion avec nous. Bonsoir, Marion. Allô? Allô? Ça va, Marion? Oui, ça va. Bon, tranquille, t'appelles de Bordeaux, toi, c'est ça? Oui. 18 ans, Marion, et tu voulais qu'on parle de quoi, toi? Tu voulais réagir à Laura? Ouais. Des conseils à lui donner? Oui. Bon, alors vas-y, alors profites-en, on est là. Ben alors déjà je voulais lui dire que ben déjà je vois quand elle parle, elle a pas gagné confiance en elle. Enfin, voilà. Ben non mais c'est ça, elle a pas trop confiance, alors que toi t'as confiance en toi. Ben ouais mais ça c'est comme ça, enfin faut que surtout que le mec il voyait pas qu'en fait elle est stressée du fait que qu'il est pas accessible ou pas, faut que voilà que ce soit elle qui se mette pas accessible en fait. J'ai pas compris. Ouais, faut qu'elle fasse inaccessible. Ah ouais, faut qu'elle se mette en couple sur Facebook quoi. Non, pas forcément, mais faut qu'elle aille le chercher un petit peu et qu'après, voilà, elle se mette en retrait. Et enfin, moi, perso, ça fait bouger les mecs. Après, je sais ouais, pas. Ouais, grave, je suis d'accord avec toi, Marion. Donc après, elle, je sais pas comment ça fonctionne, mais moi, perso, je fais ça. Je vais titiller un peu, je m'en vais, le mec, il revient. Après, ça le choule, tu reviens le voir et là, voilà, il est à fond. Ah ouais, ça dépend. Il y a Caroline aussi sur le Twitter là, qui dit, vas-y, ça sert à rien d'attendre, là, sinon tu vas le regretter. Ouais. Mais oui, bien sûr. Attends. Elle embrasse le gaufret, il n'y a pas... Mais oui, t'arrives, Laura, tu lui roules une pelle. Tu lui mets une baffe. Mais oui, voilà. Et juste un truc, c'est si tu te fais jeter tout de suite, tu seras juste malheureuse plus vite, hein, parce que de toute façon, t'aurais été malheureuse à la fin. Voilà, c'est ouais, ça. Et si jamais il t'envoie la merde, tu lui dis ça. Ah, t'es peur inculé au PD. Voilà. Mais oui, mais tu lui réponds ça, c'est mais tout. Oui, faut qu'il sache la vérité. Voilà, et après tu lui réponds ça. Je dis ça, mais t'es, je pensais pas vraiment. Voilà, c'est au cas où, tu vois, il commence à changer d'avis, t'essayes d'y aller, quoi, un petit peu, quoi, d'accord. Et au pire, tu l'attaches à ta voiture et tu le traînes jusqu'à Fourial. Exactement, et tu lui dis ça à la fin. Nique ta mère. Voilà. Bon, attends. Marion, reste là. Laura, reste là. On prendra l'avis de Colline aussi dans un instant. Toujours là, Colline, la VIP de ce soir. Ouais, toujours là. Très bien, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver que les parents de Colline lui ont confisqué la radio. Du coup, pas d'autre solution que de nous avoir appelé. Et du coup, on l'a rappelé pour que ce soit fun qui douille, hein. De toute façon, ils sont blindés. Et comme ça, Colline peut écouter l'émission jusqu'à minuit. Voilà, ça me paraît un bon plan, hein. En VIP. Et en VIP, exactement, Colline. Bon, reste avec nous dans un instant. Ça vous chauffe, Linkin Park et Steve Aoki avec le nouveau, la Light That Never Comes, c'est celui-là. Alors écoutez, hop là. Laura, Marion, Colline, oui, non? Oui, très bien. Oui. Eh ben, on va se le mettre dans un instant. Vous ne bougez pas de là, les filles. Les mecs, on attend vos appels également. Là, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Prenez le contrôle de Fun. Il y a le tirage au sort aussi avec le gagnant de l'iPhone 5C bleu ou rose. J'ai les photos sur le Facebook. Allez voir, allez faire vos partages, vos likes et tous les commentaires. Là, si vous voulez choisir entre l'un et l'autre, on va faire ça dans quelques instants sur Fun Radio. Et puis, tirage au sort. Les iPhones sont là. Hein. Voilà. Ah ouais. T'as dit que tu les tapais plus pour pas. Oui, mais non, mais là, j'ai tapé légèrement. J'ai dit que je faisais plus ça. Je l'ai redéposé plus sur la table comme un barbare. Tu viens de le faire. Oui, mais c'était pour montrer, c'était un exemple. Donc voilà, allez voir, et si vous voulez le choper, tirage au sort dans moins de 20 minutes. Pareil aussi pour le top tweetos de ce soir. Le son de Linkin Park va débarquer dans un instant, et puis on va se faire également donc le top tweetos, et puis le générique, bien sûr, qui arrivera tout à l'heure sur Fun Radio. Restez bien là, 23h42, c'est Mickaël No Limit, tous les soirs, de 23h à 2h du mat, et le dimanche, de 20h à minuit. Vous êtes les bienvenus. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Le dimanche soir, 20h minuit. Ah, vous allez me corser les couilles longtemps, là. Mickaël, No Limit. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. Et oui, ouais. En direct comme tous les soirs. On est là sur Fun Radio 20h minuit avec l'iPhone 5C, là, bleu ou rose, là, qui est tapé chaud dans un instant sur le Facebook. Allez, venez nous rejoindre. Facebook.com/Mickaël officiel. Vous avez été 20 000 de plus ce soir à débarquer. On est 172 000 là, pour une émission qui a 22 jours. Qui a 2 mois, pardon. Parce qu'on est le 22 septembre et on a commencé le 22 juillet. On n'a pas fait de gâteau ? Bah non, on va faire des gâteaux tout le temps. Mais non, Lovin Fun a fait un gâteau pour c'est un mois. On va attendre un an, nous, mais on va faire un putain de gâteau. D'accord. Si on tient un an. Voilà, donc facebook.com/MIKAELOfficiel. Venez nous rejoindre également sur le Twitter, je compte sur vous. Twitter.com, vous tapez MIKAELOfficiel pour venir nous rejoindre. Merci à vous, on est plus de 12 000 là ce soir grâce à vous. Et bah si vous me faites un follow, moi je vous ferai un follow également. Donc j'attends évidemment tous vos messages dès maintenant. Je compte sur vous. Voilà, vous tapez MIKAELOfficiel. Le résultat dans un instant aussi avant minuit là du Top Twittos. On va savoir quel est l'auditeur qui est le plus qui est le meilleur. Voilà, le meilleur auditeur de ce soir. Le temps d'écouter maintenant sur Fun Radio un nouveau son que je vous ai fait découvrir. Le nouveau son de Linkin Park et Steve Aoki qu'on écoute maintenant. A Lie That Never Comes sur Fun Radio. Bonne soirée, c'est Mickaël No Limit jusqu'à minuit. Allez, le son de Linkin Park à l'instant avec Steve Aoki, A Lie That Never Comes. Arrête de me faire chier. Mickaël No Limit, 20h minuit sur Fun Radio. Yes, on est en direct sur Fun Radio, là encore une petite dizaine de minutes avec le générique qui va débarquer aussi dans quelques instants avec le tirage au sort de l'iPhone 5C rose ou bleu, on en a deux, faut aller voir sur le Facebook, on va tirer au sort dans 5 petites minutes maintenant là, facebook.com/MIKAELOfficiel. Venez tout simplement faire votre petit like, partage, tout ça, etc. Et puis on verra dans quelques instants lequel sera l'heureux élu de ce soir. Il y a Let's Be Freaks, il y a Oui Orgasme avec ma chanson Linkin Park et Steve Aoki, je suis en chaleur aillée. Tof, souille-moi. Il y a Megumi qui dit bon, mais puisque vous aimez que les filles, vous aimez les filles qui font le premier pas, j'y vais, Mickaël, je t'aime, je suis trop romantique, je trouve. Oh, ah oui, bon. C'est gentil, Megumi. Super romantique aussi, effectivement, ouais. Le prince est là qui dit auditrice privilégiée, la Colline. Sympa de ta part, Mickaël. Bah, j'allais pas la laisser en plan, là, mais hein, Colline. Mickaël est l'animateur le plus sympa de la bande FM. Bah oui, j'allais pas te laisser en galère, quand même, c'est normal. C'est vraiment bon. Cool, là, merci. Bah, avec plaisir. Bon, et donc, comme on en parlait tout à l'heure, hein, donc les 8 aliments qu'il ne faut pas manger, apparemment, là. Le fast-food apparemment, hein, puisque ça rend con pareil a priori. Le gras diminue la production de dopamine, donc faut pas en manger trop. La friture également, un nid de merde avec des produits chimiques de partout, c'est dégueulasse paraît-il. Parce que apparemment t'as des additifs dedans, exhausteurs de goût, enfin bref, un truc dégueulasse. L'alcool. Ah oui, bon là pour l'instant. Hein. Voilà, apparemment ça use le foie, donc ça c'est pas apparemment. Hein, donc c'est pas le seul effet négatif apparemment. Puisque il y a aussi de la confusion mentale. Pas mal. Souvenirs qui se font de plus en plus compliqués à se rappeler, mémoire courte, etc. etc. Ah ouais, les plats préparés qui sont en réalité des plats maison auxquels on rajoute du gras, du sel, des additifs, des édulcorants, une poignée de conservateurs, bref, de la merde. C'est marrant parce que là je suis quand même bien dans la merde. Hein. Bah on est tous en fait. Ouais mais là, comment te dire, à part le sel, c'est vrai que le sel j'en mange pas beaucoup, même quasiment pas. Ah ouais si, moi j'ai du sel par contre, j'en bouffe en grande quantité, j'adore bouffer les pipas pleines de sel là. Ah ouais ouais ouais, bah, alors que... Et toi là, Colline là, fast food, plat préparé, friture, alcool, etc. etc. T'es au taquet ou pas? Plat préparé pas trop, friture pas trop, après le reste c'est à voir. Après le reste c'est la merde, ouais, ouais évidemment. Et toi Marion? Moi je suis au taquet de tout là. Au taquet de tout, bah c'est parfait ça. Hein. Bah, c'est parfait, ton cerveau, mais il va plus en rester grand chose. Exactement, il y a Lucas également de Chambéry là. Salut Lucas. Salut. Comment ça va? Ça va bien toi? Bah tranquille. Hein. Et toi par rapport aux aliments à ne pas manger, tu te situes comment? Bien ou mal? Ah bien, bah enfin je mange un peu de la merde en ce moment, mais bon. Oui bah voilà, donc tu te situes plutôt mal quoi, effectivement. Bon, pour en revenir à autre chose, Lucas donc qui nous avait appelé parce que il voulait réagir à Laura, Laura qui kiffe un mec de son bahut et elle est pas trop open, enfin ça se passe plutôt mal quoi. Ouais je sais. Voilà, donc du coup c'est quoi le conseil que t'as donné toi? Bah franchement moi je lui dis tout, c'est parce qu'après sinon elle va regretter. Moi quand j'étais au collège j'ai attendu plus d'un an avant d'aller voir une fille, en fait je suis en couple, en fait elle était pas en couple et voilà. J'ai rien du compris. Coup, faut pas qu'elle dise. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? En fait, j'essaie de dire que faut pas qu'elle hésite à y aller. Parce que après, sinon elle va regretter. Moi quand j'étais au collège, j'ai attendu plus d'un an avant d'aller voir une fille. Parce que je croyais qu'elle était en couple et en fait elle était pas en couple. D'accord. Ouais. Bah oui. Mais c'est ça Laura, et tu sais s'il est célibataire au moins? Je pense que oui, parce que, enfin, ouais, normalement il l'est. D'accord, ok. Ah, ça se trouve, il a une meuf en fait, et c'est pour ça qu'il... Voilà, il est intéressé par toi effectivement, mais voilà. Comme il a une meuf, il est un peu emmerdé. Exact. Bah après, on me dit de foncer, mais j'ai toujours fait le premier pas en fait avec lui, et enfin, je vois pas comment je pourrais plus foncer. Ah oui, c'est clair. Oui, non, là, le garçon, il est bête. C'est vrai, Polo. C'est bête, un garçon. Non mais oui. Des fois. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Les mecs sont complètement cons. Mais hein, non mais des fois on envoie des signaux de fou et vous les voyez pas. Non, mais voilà les signaux que tu nous envoies aussi. Hein, ouais, que les ouais, vous les comprenez hein. pas en fait. Ouais, mais non mais c'est vous, ils sont mauvais, ils sont mauvais. Et quand tu réponds aux signaux, elle te fait mais non mais c'est des faux signaux. Mais non mais je voulais garder une amitié. D'ailleurs j'ai l'expérience là. Si elle m'entend. Ouais. Non, mais c'est au ça. Moins tu peux passer ton message et là c'est clair. Ouais, tu mais parles. Vous quand vous répondez aux signaux c'est pas forcément clair. Ouais, donc oui, nous, on comprend pas. Allez arrête un peu là. Pourtant, bon. Pourtant un mec c'est basique hein. C'est oui non. Je veux baiser, je veux pas baiser. Non, voilà. C'est pas juste comme toi heureusement. Ouais c'est vrai aussi effectivement ouais. Non mais sérieusement Lucas qui est là également là de Montpellier. Salut Lucas. Salut. Comment ça va? Bien. Bon tant mieux. Bienvenue à toi. Alors Lucas toi tu voulais aussi donner ton petit conseil? Ouais, bah, il faut foncer en fait, parce que nous en fait, on a un peu peur, ce qui me concerne. En ce qui te concerne, toi, t'es un peu peur. Ah, t'as peur, hein. T'es timide. Ouais voilà. Ouais bon ouais. Mais ça arrive même au meilleur hein. Regarde Mickaël. Ah bah c'est ça, moi je suis super timide aussi. Non mais c'est vrai hein. Ouais, parce qu'en fait, en CM1, moi j'ai été amoureux d'une meuf et en 6e, j'ai voulu lui demander, j'ai pas osé. Et résultat aujourd'hui, tu sais pas si ça aurait pu, ouais. etc. Alors que si t'avais osé, bah soit t'aurais kiffé, soit tu serais pris une tôle, et puis bah, c'est pas grave, au moins t'as essayé. Ouais. Et là, du coup, tu restes dans l'ignorance. Oui, voilà. Et ben voilà le problème, effectivement. Tiens, il y a un message de Jennifer qui dit bon bah moi j'aurais bientôt plus de cerveau rapport aux aliments à éviter. Oui, ça c'est sûr. Et Victor qui dit bon bah je consomme tout ce qu'il faut pas, je suis mal barré dans la connerie là, ça fait peur. Oui, bah effectivement, oui. Anaïs qui dit vous êtes trop au top l'équipe, je vous kiffe. Merci Anaïs et merci pour tous vos messages globalement. Bon, ben Laura, je pense qu'on a fait le tour de la question hein. Oui. Bah voilà, Marion, Lucas et Lucas, merci à vous en tout cas d'être passés. De rien. Et ben voilà, ben gros bisous à vous, bon retour en haut, bah eu demain. Hein. Non, moi c'est au stage. Ah, stage, bon. Oui, ouais, tu dis Marion? Au chômage. Ah, t'es au chômage, toi Marion? Oh merde, bon, t'as quand même un mec, rassure-moi. Hein? Oui. Oh bon, bah ça va alors, ça tu va, peux passer un peu de temps. Il y a quelqu'un pour t'entretenir. Bah voilà, tu passes un peu de temps, c'est bien. Bon, et qui ne tente rien à rien. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Bon, gros bisous Marion, salut Lucas, gros les deux. Bisous, salut. Bisous. Allez, ciao à vous, bye bye. Laura, bah écoute, bonne chance pour la suite, hein, tiens-nous au courant surtout. Mais oui. Pas de soucis. D'accord. Bon, gros bisous. On t'aime, Laura. Salut, ciao à toi. Bon, et Colline, bah voilà, l'émission est finie. Tu vas chanter avec nous sur le générique de fin? Ouais. Allez, coucou. Bah si, quoi. Tu connais quand même le générique de fin, là. Ferme ta gueule de merde, toi, l'enculé, etc. Tu vois? Oui, je connais. Bon, bah parfait, très bien. Ok, parfait. Parce qu'il y a Adrien aussi là, qui voulait chanter. Salut, Adrien. Okay. Salut tout le monde. Comment salut. Ça va? Ça va. Bon, Adrien qui voulait chanter aussi sur le générique de fin. Ouais, à fond. Ah, parfait. Alors, ça sera parfait, ça pourrait être une voix féminine. Alors, ne bouge pas de là, exactement. Ne bouge pas de là, Adrien. Ne bouge pas de là, Colline non plus. On a le gagnant aussi de l'iPhone à filer. Et puis, on a surtout également les teubés de la télé. Bah oui, vous connaissez le principe. Hein, c'est tous les soirs, à minuit, la semaine, oui, le dimanche également, là. Et là, on va parler encore une fois, décidément, on a pris l'abonnement, de l'île de la vérité. Ah. Enfin, l'île des vérités plutôt. Hein, et Jus qui nous fait un joli cours de français. Bon, évidemment, c'est toujours très approximatif. Hein. Les gens, ils savent tout ce qui vont se passer, ils analysent tout, ils savent tout. Voilà, les gens, ils savent tout ce qui vont se passer. Oui, ils savent. Hein. Oui, ils savent, évidemment. Et puis jeudi aussi, je vous avais fait découvrir le commentateur fou de Canal+. Et c'était... Où est-ce qu'il est? On me l'a enlevé, le Batman, là. C'est du sabotage. Le stagiaire, c'est du sabotage. Bref, c'était Batman, machin, etc. Et voilà. Donc, et voilà, et bien il a récidivé pour le match France-Espagne cette fois-ci. Hein. Ah, il a trouvé de la dureté face à lui, Marc Gasol, avec Flo Petrus. Le seul à 3 points de Tony Parker. Calderon, c'est raté. Prenez-moi ce rebond. Le rebond, il est pris. Et c'est une prolongation. Gasol qui prend un shoot n'importe comment. C'est... Et la France est en finale. Ah, il n'a plus de voix par contre depuis, hein. C'est terminé, il a arrêté là. Hein. Mais encore, parce que moi je veux voir les commentaires de ce soir. Hein. Ah oui. On n'a pas encore pu les choper, mais je pense que là il doit être en pleine forme. Puisque hein. La France est championne. Ah ouais, championne d'Europe. Championne d'Europe, allez, exactement. Allez. Voilà. Bon, alors du coup, le tirage, le top 8 d'abord. Top 8 numéro top 5, 4, 3, 2, 1. Comment ça se passe? Quels sont les 5 meilleurs auditeurs de la soirée, les plus influents sur le Twitter de l'émission? Avec le hashtag et Mickaël, évidemment, on refait ça tous les soirs, hein, le dimanche de 20h à minuit. Et la semaine du lundi au jeudi de 23h à 2h du mat. Bon, alors numéro 5. Alors numéro 5, c'est un nouveau. Ah, c'est Nanou. Bravo Nanou, numéro 5, c'est pas mal pour un début. Numéro 4. Alors ensuite c'est Damien Wild. Damien Wild. Wild, très bien, voilà. Numéro 3. Ensuite, c'est Dams. Dams, très bien. Dams, comment? C'est Dams comme ça. Oh putain, c'est dur quand t'arrives pas à donner son nom quand même, c'est dingue. Mertic. Ça quand même. Ah bah tu vois quand tu veux. Voilà. Bon. Ensuite, numéro 2, c'est Storm Dreamer. Ouais. Et numéro 1. Numéro 1, finalement, quand même, Let's Be Freaks. Ouais. C'est dingue, alors qu'elle était pas du tout numéro 1 au début de la soirée. Mais... la best. Mais elle commence quand même à, ça commence à être dur là. Ça commence, elle commence, elle commence à avoir de la vraie concurrence. Ah ouais. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux, ça arrive. Hein. Très bien. Bon bah écoute, parfait. Top Twittos, bravo Let's Be Freaks encore une fois. Bravo aux nouveaux également. Et puis tirage au sort aussi pour l'iPhone maintenant en 5C. C'était bleu ou rose là. Vous avez vu les photos là tout au long de la soirée sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Puis il fallait faire un choix surtout. Hein. Ouais, allez, c'est parti. De quoi? C'est pas mon téléphone qui sonne. Allô. Non, c'est pas le tien. Allô, bonjour. Merde. C'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio, comment tu t'appelles? Corentin. Salut Corentin. Bon, Corentin, tu as fait ton petit like là, oui, sur... Oui, oui. Est-ce que tu as fait ton like évidemment plutôt pour mon physique que pour l'iPhone? Bien sûr. Bien entendu, sûr. Voilà, évidemment. Donc, alors accessoirement, tu voulais le bleu ou le rose? On va directement voir si tu veux plutôt faire un cadeau à ta copine ou si t'es un enculé, tu veux garder le cadeau pour toi. Non, je dirais pas enculé, je vais être égoïste, je vais prendre le bleu quand même. Ah voilà, donc c'est ce que je disais, enculé. Très bien, eh ben écoute, pas de problème, le bleu donc il est pour toi. Et puis bah quand même bravo à tous ceux qui ont participé ce soir. Comment vous expliquer que vous avez été des dizaines de milliers? Je ne dis pas ça comme ça en l'air hein, quand même hein. C'est vraiment des dizaines de milliers. Bah, merci à vous en tout cas. Malheureusement on ne peut pas faire gagner tout le monde bien entendu. Mais rassurez-vous, on reviendra demain avec encore des PS3, avec le jeu GTA 5 à vous offrir, avec les lecteurs Blu-ray. Bref, avec plein de trucs. Bravo Corentin en tout cas. Tu vas rester, tu vas retourner chez Sandro. Puis la bonne nouvelle, c'est comme on les a là, on va pouvoir l'envoyer directement. Voilà, comme ça faudra pas attendre, faudra pas trop attendre. Je t'en prie. Salut Corentin. Bisous. Salut, ciao à toi, bye bye. Eh ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout là. Oui, je crois. Voilà, merci à tous ceux qui étaient connectés. Les, allez, franchement, ce soir, vous avez été au top. Hein. Plus de 20 000 personnes qui sont venues en nouveau, des nouveaux, nouvelles personnes, nouveaux auditeurs là ce soir sur le Facebook, sur la page de l'émission. 172 000, c'est ça hein? Ouais. Que je dise pas de conneries. Non, 172 000. Ah oui, 338. Ah, 48 déjà. Voilà, bon, en tout cas, merci à vous. Vous avez été au top ce soir, comme chaque soir. Émission qui a deux mois déjà, 172 000 personnes sur le Facebook, 12 000 sur le Twitter. Et puis, bah voilà, bah au top. Merci beaucoup. En tout cas, continuez à passer le message demain. Dans les bahuts au boulot, qu'on est là tous les soirs sur Fun Radio, dimanche 20h minuit. Demain, on, bah, dès lundi, hein, lundi, jeudi, on fera le 23h, 2h comme d'hab. Et puis demain, on aura aussi le chéri, je peux te faire cocu. Le retour. Eh ouais, attention. Puis mardi, on aura aussi le jeu de la séduction. Mercredi, le je t'emmerde. On aura un petit canular aussi le jeudi. Donc voilà, le programme est fait. Le programme sera bon grâce à vous. En tout cas, merci beaucoup. Rancard, demain, à partir de 23h sur Fun Radio. Je vous souhaite une excellente journée et bon retour aussi. Bonne nuit, une excellente journée, demain journée évidemment. Et puis bonne nuit tout le monde, bonne nuit Tov, bonne nuit Polo, bonne nuit Sandro. Bonne nuit. Allez, à demain, ciao. Tous les soirs, 23h, 2h. Mickaël. Si j'ai oublié un truc Tov, je crois le générique non? Ah oui, bah oui, suis-je bête. Oh putain, je suis con ouais. C'est pas grave, ça arrive même au meilleur. Oh, qu'est-ce qu'il y a Adrien là? T'as un problème là? C'est quoi ce oh lolo là? Hein, c'est quoi ce oh lolo? Ça arrive même au meilleur d'oublier le générique. Ouais. Alors attention, soyez bon maintenant hein, parce que c'est moi aussi je vais faire oh lolo. D'accord? Bon. D'accord. On y va. Générique. Oui, je suis là. Ah, par contre, moi, je ne chante pas parce que ma voix est un petit peu limitée. Moi, je suis là, moi. Alors, on y va. 3, 4, ce sera Polo avec Adrien, Colline et puis Sandro qui va s'y mettre aussi, à mon avis. C'est parti. Ferme ta gueule de merde, bouffe des bites de soucis. Ferme ta gueule de merde, toi. Ferme ta gueule de merde, toi. Il faut bien bien manger car ton cul tourne toute la journée. Il connaît par cœur. Qu'est-ce qui se passe ici? Allez, Pauline. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est normal. Colline n'a plus de radio. Ils sont canadiens. Alors allez, attention, Colline. Le refrain, les enfants, attention, on y va. Toi l'enculé. Toi l'enculé. Exactement, voilà. Ouais, bah comme ça au moins maintenant c'est bon, le générique est passé. Merci beaucoup et à demain tout le monde. Merci à vous. Ciao. À demain. Ciao. Tous les soirs 23h 2h. Mickaël, No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Bon, et puis c'est parti aussi là maintenant avec notre ami Adrien qui est là en pleine forme. Ouais. Il est chelou votre générique de fin. Comment ça, il est chelou là, t'as qu'à chanter avec nous la prochaine fois. Bah écoute, t'as les paroles. Bah oui. Bien sûr. Bah, enculé et enculé. Voilà, je pense que ma bite à la fin. Ça se résume relativement facilement à ça en fait, hein, tout simplement. C'est Jean-Jacques Goldman les paroles. Exactement, non. Exactement, tout à fait. D'accord. Un grand auteur, tout à fait, effectivement. Bon, Adrien qui nous vous a préparé, qu'est-ce qu'il nous a préparé ce soir alors? Party fun, bah écoute, party fun spécial pour terminer chaque mois maintenant, tous les derniers dimanches du mois, pardon, et bon, on va se faire un party fun pendant 2 heures avec des thématiques, il y aura des invités de temps en temps aussi, bref, ça va être vraiment sympa. Voilà. Très bien, donc c'est le dernier dimanche du mois déjà là. Eh ben oui, déjà. T'es sûr? Ouais. Ah oui, ça non passe vite. C'est pas le dernier? On est le combien? L'avant-dernier. On est le 23. C'est l'avant-dernier. Je vérifie là. Mais c'est sûr. On est bien en 2011? Ah non, bah non, merde. Attends une seconde. C'est là. Ça. Merde. Ah, attends. J'ai pas mon calendrier. Bah, les gars, je repars chez moi alors. C'est l'avant. Bon, c'est pas grave, en même temps, on s'en fout. Je ferai deux fois comme ça, très bien. Non, voilà, ce sera à chaque fin de mois, comme ça, on se fera soit l'avant-dernier ou le dernier. Voilà, ou le premier si ça déborde. Enfin bon, bref, on verra. On n'est pas dans le détail quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. Très bien. Bon, ben voilà, Adrien avec Party Fun. Et puis tout à l'heure, ce sera le retour évidemment notre ami Bruno et le remboursement des factures notamment, hein, etc. L'alerte anti-relou avec Toff qui est d'ailleurs un habitué je pense de l'alerte anti-relou. Hein. Ah ouais. Mais pas du tout, je vois pas pourquoi tu dis ça. Tu devrais écouter plus souvent. Hein. Tu devrais écouter plus souvent. D'accord. Bon, je vais essayer de lui faire payer mes factures de PV, tiens, demain, Bruno. Je vais pas gagner ça, mais je vais essayer. Bonne nuit. Bonne nuit les gars. Allez, Loving Fun demain 20h, on se retrouve aussi à partir de 23h et puis c'est Adrien maintenant et Party Fun. Yes. Ciao tout le monde. Ciao. So are y'all ready for the show? And now, are you ready for this? C'est Party Fun sur Fun Radio. Party Fun.